Voici les 5 dernières minutes. Vous avez la dernière pour tout dire. 01 42 48 5000. L'antenne de Love in Fun est à vous. Enfin les 40 dernières secondes. Oui, ouais, c'est, bah, c'est pas encore ton émission, Mickaël. Un nom par personne. Je guette. On va reprendre ton idée. Un prénom pour la dédicace. Allô, bonsoir, qui est là? Oui, allô, bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Claire. D'accord, dédicace, c'est ça? Non, en fait, même si c'est la dernière minute, j'ai un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis tombée amoureuse d'un animateur radio. Ah oui? C'est qui? Mickaël. Non. Karel? Oui. Oh, mais quelle horreur! Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une, Mickaël, sois pas jaloux. Je sais pas, mais ça fait à peu près 6 mois que j'écoute l'émission et du coup, voilà. Tu sais quoi, on va s'occuper de toi demain et je vais faire en sorte que Karel soit très gentil avec toi. Et avec un petit peu de chance, tu le rencontreras. Attends, quel âge as-tu? Quel âge? Je vais avoir 17 ans. Ah super, pas de problème. J'adore, moi je viens de fêter mes 23 ans. 17 ans dans quelques années ou 17 ans maintenant? Oui, non, en novembre 17 ans. Ah oui. En novembre 2017. Bon, bah écoute, tu raccroches pas, d'accord? On se rappelle demain. Oui. Demain on te rappelle, d'accord? Oui, merci. Bisous Karel. Gros bisous ma chérie. Au revoir bébé. Ouais. Au revoir. Au revoir. Raccroche pas. Au revoir. J'adore ce métier, hein, c'est superbe. J'adore. Merci beaucoup pour cette soirée. Pour une fois qu'il y a une fille qui le drague. On termine en beauté ta gueule, Doc. Il a été choqué, il était troublé. Ça m'arrive régulièrement, pas du tout. Ouais. C'est quoi le temps passe là. Ah oui, pardon, je vais recevoir un texto de Jérôme Foucret. Vous rendez à l'heure à Mickaël. Oui, bah je vais d'ailleurs lui envoyer un message. T'envoie un message. Allez, Mickaël, c'est parti, Mickaël. C'est parti, allons, on y va. Ouais. Ciao tout le monde, ciao. À demain. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé, tirer votre cou, vous avez raté ça. Oui, en fait, je voulais savoir si elle trouvait que 7 cm c'était assez pour une bite. Qu'est-ce que t'en as branlé? J'ai mauvais de la foutre dans ton cul, moi, ma bite, ton connard. Et tu te rends compte qu'il y en a qui ont que de 7 cm alors que moi, c'est 20 cm en érection. Oh, oui, mais 20 cm, c'est énorme. Bon, là, je suis pas encore en érection, mais ça va venir. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Ah, Jean-François, qu'on a eu hier, évidemment, pour ceux qui étaient là. Jean-François. Ah, Jean-François. Jean-François. Bon, bonsoir tout le monde. Si quelqu'un vous a dit qu'il y avait enfin quelque chose de bien le soir à la radio et que ça se passait sur Fun Radio de 23h à 2h du lundi au jeudi et même le dimanche de 20h à minuit, il a eu raison. Soit il est bienvenu, vous n'allez pas être déçu. En tout cas, on fera tout pour. Il y a d'ailleurs Anthony qui est avec nous de Lorient. Salut Anthony. Salut à toi. Ça va bien Anthony? Ouais, ça va et vous? Bah très bien Anthony, c'est toi qu'on avait eu hier en fin d'émission me semble-t-il, non? Oui c'est moi, ouais. On n'avait pas eu le temps de te prendre, bon bah voilà, c'est bah ça. Très bien, maintenant au moins t'es avec nous. De quoi on va parler avec toi Anthony? Ah bah écoutez, ça faisait 2 ans que j'étais avec ma copine et puis bah elle m'a quitté parce que elle a pas... Parce que t'avais trop la patate, c'est que tu vois, t'es trop fatigué, elle n'arrivait plus à suivre. Ça déborde les... Ouais. Non c'est pas ça, en fait elle assumait pas mon taf. En fait elle assumait pas mon taf. Qu'est-ce que tu fais comme taf? Ben, je tease de la drogue, pute, c'est normal. Hein. C'est non, normal. Non, tu fais quoi? Je suis militaire. Un militaire, d'accord. Excusez-moi, pardon, autant pour moi, toutes ces vannes étaient évidemment faites par Toff. Ouais. Je tiens à le rappeler, évidemment. D'ailleurs, il prendra 1 minute. Allez. Au coin, voilà, hop là, même pas le temps de dire bonjour, 1 minute au coin. Les mecs qui s'assument pas. 1 minute au coin. Non mais allez, il est sérieux lui. 1 minute au coin et je trouve ça normal. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Mais j'ai raison, Anthony. Bah clairement. Bah pareil, tu vois. Allez, c'est un militaire qui le dit en plus. Ouais, donc, voilà. Et bah c'est parfait. Bon attends, reste avec nous Anthony. On va parler avec toi. On va parler avec toi dans quelques minutes. Là, il y a Céline d'ailleurs qu'on salue. Qui dit hello la team sur le Twitter de l'émission. Et bah salut à toi Céline. Il y a un message aussi d'Adeline qui dit vous êtes au top. Merci beaucoup Adeline, je te fais des bisous. Et puis Pronosoft qui dit go pour Mickaël, écoutez Fun s'il vous plaît, il y a du rire, du sexe et Gatov qui se fait insulter. Et les petits doux également, vive Polo. Bah voilà, comme merci. Ça, il y a tout le monde a pris son petit. Tout le monde en a pour son grade, c'est parfait. Effectivement, on fera les appels de Toff tout à l'heure. Ce sera d'ici une petite demi-heure avec de nouveaux amis que Toff rencontrera. Exactement. Mais va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Voilà, et puis après, vous voulez le plus lourd ou le plus violent ou pas? Ah ouais. Bon, alors, le plus violent, attention. Ah, bah, Toff peut revenir, c'est juste avant. Voilà. Va voir ta grosse mère. Elle est en train de se faire niquer dans un champ de bites, espèce de con. Voilà. Ah, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps, effectivement. C'était le plus violent qu'on ait. Hein. Dans l'absolu, on peut pas faire pire. Bon, ce soir, soyez gentils également avec Sandro au Sandar. Elle est un petit peu vénère. Hein. Non mais c'est vrai. Elle est très vénère. Bah il y a des journées comme ça. Qu'est-ce que je te dise. Elle est arrivée. Elle s'est énervée. Elle a insulté tout le monde. Elle a insulté le mec dans la voiture parce qu'elle a raté son cours. Du coup elle a été bouffée comme une vache. Et puis du coup elle est arrivée ici. Elle a pas pu se parquer. Donc du coup elle a été rebouffée comme une vache. Et tout ce qu'elle a trouvé à dire à 22h, c'est ah merde, la cantine est fermée. Voilà. Donc bon, que vous voulez. Je mangerai bien des bonbons encore là. Bah oui, voilà. Donc si vous voulez l'appeler, n'hésitez pas. Si vous voulez la remettre un peu à sa place, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et bah appelez-nous et appelez Sandro dans l'absolu. On vous passe à l'antenne et on parle de ce que vous voulez. Comme tous les soirs, c'est votre émission avant tout, évidemment. Polo, le général en chef. Yo. De l'armée des loups, va bien. Il va bien, il est en forme, il est heureux. Tant il a, mieux. Il y a un bel homme comme moi, je ne peux être qu'heureux. N'est-il pas? N'est-ce Et pas, je rappelle toi. Également que les doux sont les auditeurs de fun qui n'ont pas mué encore. C'est ça. Ou qui ont moins de 15 ans. Si vous, vous voulez d'ailleurs faire partie de l'armée des doux, on vous prépare une petite surprise pour les amis doux. Hein. Ah oui. Ah oui, on prépare une petite surprise pour les doux. Ah oui, oh là, voilà. Uniquement pour les doux, ce sera pour très bientôt, ce sera même pour très très très bientôt, voilà, comme ça vous allez voir, j'en dis pas plus, mais ce sera bien, enfin je on pense que vous allez aider, personnalisé. Voilà, donc si vous voulez devenir un doux officiel, eh bien appelez également Sandro maintenant au 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Puis la Belgique, il y a Léna qui dit je peux avoir un message de bienvenue pour Marc et Gauthier. Bah oui, ferme ta gueule. Du con. Voilà, comme ça les deux sont là. Tiens, Laura aussi, je vous kiffe, bande de fous. Merci Laura, je te fais des bisous. Il y a Marie-Marie également. Coucou mes chéris, d'amour, sauf Toff. Putain, tu fais chier, Toff. Pour le coup, il n'a pas encore fait grand chose, hein, mais déjà on l'emmerde. Mais c'est voilà. Ça, moi j'ai fait bah, rien. C'est une victime. Néos qui dit salut Mickaël, vive Fun Radio, ça déchire. Et Guillaume qui dit j'ai examen demain, tu peux me passer un message de bienvenue, me souhaiter bonne chance. Alors il faut pas, Guillaume, te souhaiter bonne chance, c'est le meilleur moyen de rater là. Et par ouais. Contre, on peut te dire bonne merde, et on peut même te mettre un message de bienvenue. Non, mais j'ai des grosses couilles pour t'emmerder, moi, boîte dans ta gueule quand je te verrai, connard. Bon, c'était pas très clair, mais quoi qu'il en soit, il avait l'air plutôt énervé, voilà le monsieur. Hein. En l'occurrence, c'est ça. Il y a Fred Dodo également qui dit big up à vous tous, vous êtes géniaux et super sympa. A plus, c'est Fred de Fleurus et puis Elliot qui dit salut la team. Et alors, enfin, Pascal, ce soir, premier match de l'équipe de France, quelques réglages à faire, mais superbe équipe. Bah, ça s'est plutôt bien passé, hein. C'est terminé sur un petit 4-0 là, face à la Norvège. Hier, 5-1 pour la Belgique, c'est pas mal. Non, ça s'annonce bien. Ça s'annonce plutôt pas mal. Un petit match entre France-Belgique, j'aimerais bien là. C'est ce que je disais, il a nettoyé l'équipe, il a enlevé les connards. Voilà. Et ben voilà, ça marche. Et ben, on verra après, hein, c'est le premier match. Ne nous emballons pas. Non, on verra pour la suite. On verra pour la suite. Le Bostiakov qui dit tu es une nouvelle auditrice. J'ai dit à ma pionne d'écouter Mickaël No Limit 103.4 tous les soirs à 23h. Et il a dit qu'elle écouterait. Eh ben, salut bon, la pionne du Bostiakov. Eh Bostiakov, comment elle s'appelle? Donne-nous-moi son prénom là, qu'on puisse un peu la saluer, parce que ça se trouve, elle va pas se reconnaître. Ouais, mais surtout, est-ce qu'elle est bonne? Et ça, oui, ça après, je sais pas, évidemment. Bon, en tout cas, vous nous appelez, t'as envie d'écouter un son particulier, Anthony, ce soir ou pas, toi? Anthony? Ouais, franchement, non. Non, pas spécialement, parce que sinon, j'ai le nouveau. Le nouveau Iggy Azalea avec Fancy. Tu connais celui-là ou pas? Attends, j'entends rien parce que soit t'as le kit manip, soit t'as le haut-parleur, soit t'as un téléphone très merdique. Moi je trouve que je suis trop clair de parler avec lui, moi je trouve ça va. En fait, il faut que tu sortes le téléphone de ta bouche. Non, moi je propose qu'on fasse l'émission tous comme ça. Non, non, ça va être horrible. Le son que j'aurais écouté, c'est le dernier Snoop Dogg. Le dernier Snoop Dogg ou le dernier son de Dogg? Non, non, dernier Snoop Dogg. Bon, attends, je vais voir si je l'ai, je te le passe. Mais par contre, Anthony, il va falloir que tu parles un peu moins près de ton téléphone parce qu'on comprend que dalle à ce que tu racontes. Hein, donc, ça va être pas très pratique si tu veux un petit coup de main, évidemment. Puis sinon, j'aurai aussi le nouveau Armin Van Buuren avec Ping Pong. Voilà, ça, je vous le passerai tout à l'heure. Et puis, un de mes sons préférés aussi, Avicii. Lay Me Down, ça dit surtout. Et alors, Got It To Like That, le dernier son de Syndicate au Flow. Merde. Bon, enfin, c'est le même qu'avant. C'est juste le cru 2014. Bon, j'exagère en disant que c'est toujours le même, mais c'est surtout le début. Le come on. Je fais bien le Syndicate au Flow ou pas? Non, ouais, c'est pas mal. Il me semblait bien. Mais t'as toujours été parfait. Bah oui, mais je te remercie. Bon, il y a Amandine avec nous également maintenant. Salut Amandine. Bonsoir Mickaël. T'es en forme Amandine? Oui. Mais t'es une douce? Non. T'as quel âge? 17 ans. Ah non, elle est pas une douce. Non, mais la voix peut être... T'as une voix d'enfant, Amandine. C'est comme vrai. Je suis le grand maître des douches, c'est moi, je peux adoucer qui veut. Ah oui, non, mais non, la règle est la règle. Hein, non, ouais, ça... mais là, elle a une voix douce. Elle oui, bah, elle a une voix douce, mais bon, il faut maximum 15 ans. Là, elle a 17 ans, ça rentre pas dans la case. Je suis désolé, c'est comme ça, on ne peut pas changer les choses. On ne peut pas changer toutes les règles. C'est parce qu'en général, il y a toujours un mec au-dessus. Hein. Je suis roi, moi. Voilà, je gère tout le bordel, moi. Bon, alors, Amandine, t'as envie d'écouter un son particulier, tiens, avant de faire la colle? Non. Pas spécialement, t'as bien Black M avec Pavoshko. Oui. Eh ben on va le mettre tout à l'heure. Avant minuit, je vous mets Black M avec Balam Pavoshko. Tiens, voilà, tout simplement. Bon, allez, toi t'es là parce que tu veux repartir avec la Nintendo Wii Mini. Et tu as bien fait de nous appeler. Puisque tu vas poser une colle maintenant, si quelqu'un trouve la bonne réponse et donne la bonne réponse à l'antenne, il gagne, tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appellera tout à l'heure vers minuit 30, eh ben tout simplement, ne donne pas la bonne réponse ou ne décroche pas, c'est toi qui gagne. Fais péter la colle, vas-y à toi Amandine. Pourquoi le poivre pleure? Pourquoi le poivre pleure? Oui. Ah oui, d'accord, ok, j'ai la réponse sous les yeux, très bien. D'accord, ok. C'est drôle, voilà. Oui. Bon, cherchez pas midi à 14h, hein. Voilà, comme ça je vous donne un indice sans vous le donner. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Amy, quelle est votre réponse? Vous envoyez ça au 64 900 par SMS, au 6322 depuis la Belgique, et ça marche aussi sur le Facebook de l'émission. Vous tapez Amy, quelle officielle, je viens de vous mettre la colle sur le Facebook, donc comme ça vous pouvez la lire. Et pareil sur le Twitter également, vous pouvez la lire également. Et comme ça vous pouvez même y répondre sur le Facebook, donc venez nous rejoindre. Vous tapez Amy, quelle officielle, tout simplement. T'es déjà fan de la page, Amandine, toi ou pas? T'as déjà été sur le Facebook? Oui. Très bien. Et t'as une chaîne YouTube ou pas, toi? Non. Très bien, je rappelle aussi aux autres que si vous avez une chaîne YouTube, suivez, abonnez-vous à ma chaîne, donc c'est Mickaël officiel, et je m'abonnerai à la vôtre également, comme ça on s'échangera des vidéos et tout, ça va être cool. Bon voilà, bon bah écoute, on te récupère tout à l'heure Amandine, hein, avant minuit 30, on donnera le nom du gagnant, bah surtout on appellera un gagnant éventuel, et comme je le disais, s'il décroche et donne la bonne réponse, il gagne et tu perds. Si jamais il ne décroche pas ou qu'il donne la mauvaise réponse, c'est toi qui gagne Amandine, d'accord? D'accord. Allez, reste avec nous, je rappelle la colle. Pourquoi le poivre pleure? Je vous souhaite évidemment bonne chance. Bon, on a fait le topo de tout ce qui va se passer comme son ce soir. Ce soir, nous aurons également, bien entendu, la rupture. Le jeu de la rupture, ce sera vers 23h30. Si vous voulez participer, il y a des jeux, des packs poker à gagner. Hein, si vous voulez faire un petit strip poker et tout, ça va être cool. Et ben, vous nous appelez à 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et ce soir, j'avais envie qu'on parle de vos mauvaises habitudes. Et vos petites manies. Que nous n'avons pas. Hein. Non, bah non, pas du tout. Nous sommes des gens parfaits. Non, non. Parce que je suis tombé sur une étude, enfin sur la liste de 10 habitudes qu'il faut absolument bannir de votre vie. Je vais en parler dans quelques minutes, mais si vous pensez avoir de mauvaises habitudes, là aussi, appelez-nous et on en parle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Comme par exemple, il y a la ponctualité, hein, il faut être ponctuel. Voilà, mais c'est non, un minimum. Ça sert à rien, si. L'autisme numérique également, donc envoyer des textos, tweeter ou jouer sur son téléphone portable. Il n'y a rien de plus chiant quand c'était vous êtes avec votre copain ou votre copine. Ah ouais, là c'était off, là pour le coup, là clairement. L'égocentrisme, hein, être à l'écoute, c'est tout un art, mais vous pouvez le faire. Ça, c'est un truc, ça peut arriver. C'est vrai que parfois ça m'arrive. Ouais. Je suis avec ma meuf, je parle, elle parle surtout. Et puis il y a un moment, je sais pas, mais ça peut être ma meuf ou n'importe qui, hein. Ça parle, et puis tout d'un coup, je pense à autre chose. Ouais, t'as déconnecté, quoi. Voilà, je pense à autre chose, et puis après, alors, qu'est-ce que t'en penses? Oui, bien sûr. Alors, si par malheur, il fallait dire non. Bah, moi, c'est pareil, avec Polo, il râle, et au bout d'un moment, je passe à autre chose, quoi. Oui, mais c'est parce qu'il râle tout le temps, ça. C'est pas parce qu'il y a une discussion, tu vois, c'est une habitude. Bon, dites-nous si vous avez. Si vous avez des mauvaises habitudes, des mauvaises manies, appelez-nous et on en parle. Et il y a à suivre le son de Mr. Probs avec Waves sur Fun Radio. Si vous voulez nous appeler, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez délire avec nous, bah là aussi vous êtes les bienvenus au LHK. 2h, on salue tout le monde dispo sur le Twitter, sur le Facebook, sur l'Instagram, sur le YouTube de l'émission. Vous êtes tous les bienvenus. Prévenez vos amis également, car oui, si ce sont vos amis, il ne faut pas les laisser écouter des émissions merdiques, évidemment. Il faut les prévenir. Ça se trouve, ils sont pas au courant. Mais oui, c'est normal. Les pauvres. Bah, s'ils sont pas au courant, ils peuvent pas savoir qu'il y a un truc mieux ailleurs. Donc prévenez-les, dites-leur qu'il y a un truc qui se passe sur Fun Radio le soir de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Si ce sont des amis, vous devez le faire, je compte sur vous. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, plus de pub sur Fun Radio, on est reparti. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël, nos limites durent longtemps, hein, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est toujours en direct. Je vous ai mis la petite question sur le Facebook et sur le Twitter de l'émission. Là, quelles sont vos sales manies? On va en parler. Vos mauvaises habitudes. Comme Toff, par exemple, il se cure le pif tout le temps. Tout le temps. Ouais. Il a toujours son nez dans le. C'est pas n'importe quel doigt. C'est le petit doigt. C'est le petit doigt dans la narine, ouais. Du fond. Exactement. Dans le fond de la narine. Le doigt dans le nez, pas le nez dans le doigt. Oui, le doigt dans le nez, ouais, tout à fait. Ah, il fait le malin. Il fait le malin. Ce que tu viens de dire. Oui, mais tu fais le malin. T'as vu, il fait le malin. C'est bon qu'on va mettre Mister Props avec Wave, sinon on aura mis une minute. Ouais. Bon, allez, si vous avez des salmanies, bah balancez vos messages et balancez vos salmanies sur le Facebook. Je vous ai mis un post dessus. Vous tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Pareil sur le Twitter avec le hashtag Mickaël. Et puis vous pouvez me follower aussi, hein, je vous followerai également. Vous tapez Mickaël _, c'est le petit tiret en bas officiel. Et puis bah, vous nous appelez aussi 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Laura qui dit salut l'équipe, pour vous kiffe, continuez vous déchirer, même Toff. Eh bah Laura, t'es bien. Merci. Hein, merci Laura. Et Clara qui dit coucou, je vous adore, vous pouvez faire une dédicace à Benoît aux 5h de ma part. Et bah c'est fait Clara, je te fais des bisous, on écoute Mister Probs maintenant, c'est Wave sur Fun, 23h16. Et Mickaël No Limit jusqu'à 2h, bienvenue tout le monde. Avec le son de Mister Probs sur Fun Radio, c'était Waves, il est 23h19 et Antoine qui dit comme mauvaise habitude, toujours me réveiller en retard avant d'aller en cours. Ah bah oui. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bah oui, mais ça, il faut un petit peu de courage aussi pour se lever là à l'heure. Et puis non, il faut un petit. En fait, c'est même pas du courage. Il faut simplement de la motivation. Et ouais, après ça devient une habitude une fois que tu l'as enclenché. Bah ouais. Il y a Tanguy qui. Salut l'équipe, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je suis toujours aussi pressé d'avoir 18 ans. Le sois pas trop, hein, parce qu'après il faut. Après t'as les PV, après t'as les impôts, t'as plein d'emmerdes. Ouais, ouais. Donc reste en bas, c'est mieux, Tanguy. Laura qui dit ma manie, ou plutôt mon tic, c'est que je fais un petit bruit avec ma gorge comme si j'avais un chat dans la gorge, mais je m'en rends même plus compte, ça saoule mon mec. Bah écoute, ça va, il faudrait quand t'es au téléphone, Laura, pour entendre. Et Nico qui dit une sale manie, envoyer des tweets avec le hashtag Mickaël pendant que je discute avec mes amis ou collègues. Oh non, c'est pas une sale manie, ça, au contraire. Non, ça c'est très bien. C'est une bonne manie. Et Benito qui dit plus de pub, je fais comment pour pisser, moi? Oui, bah écoute, on en remet un petit coup là, on remet quelques secondes de pub là dans 20 minutes et après on est tranquille toute la nuit. Ah, voilà. C'est bon ça. Donc on est plutôt bon esprit. On va récupérer Anthony aussi là, qui veut récupérer son ex. Avant ça, il y a les mauvaises habitudes avec Nicolas qui est avec nous de Paris là. Salut Nicolas de Paris, comment ça va? Ça va et toi Mickaël, comment tu vas? Tranquille, en pleine forme. Toute l'équipe va bien? Eh ben, toute l'équipe va plutôt bien. Tu prends un DJ ou quoi, Louis? Bon, ok. Toute l'équipe va bien. Bon Nico, alors c'est quoi tes sales manies, toi? Ah, moi j'en ai une sale au niveau scolaire. Surtout au niveau scolaire. Il faut vraiment que je me sente vraiment dans la merde pour commencer à travailler. Genre par exemple, un petit bac de français, on va commencer la veille. Oui, bah oui, bah mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Hein. Ah ouais, mais vraiment très très tard. J'en ai. Ça c'est vraiment au niveau scolaire et j'en ai une deuxième, c'est plus pour les amateurs de tennis. J'ai vraiment mais beaucoup de tics entre les points et tout, j'en fais énormément, genre me recoiffer, m'enlever le caleçon du cul, toutes ces conneries comme ça. Ah ouais, bon, à la limite, t'es pris pour Nadal en fait. Non mais à la limite le caleçon du cul, je peux comprendre parce que c'est dérangeant, mais après t'as recoiffé. Ah ben je suis un peu long. Mais vous avez déjà Nadal, vous avez déjà vu, c'est juste abusé le mec. Ah non, moi, le mec tennis, ça me saoule. Ouais. Non mais il faut y a plein de vidéos qui tournent sur le net où faut voir avant donc le service. Et quand il est de l'autre côté, qui va réceptionner la première balle, le mec il se tire le caleçon, il se frotte le nez, il se tire les cheveux. Enfin, c'est pour pas être dérangeant. Moi ce que j'aime pas, c'est le coup des. Pareil, hein. Ouais, moi ce que j'aime pas, c'est le bruit des balles et puis après c'est. Oh. Ouais. Le pire c'est chez les femmes. Voir un film de boule. Il y avait l'espagnol là, je sais pas si vous avez connu à l'époque, Arantxa Sanchez. Arantxa Sanchez. T'avais envie de lui. Et tu sais qu'il y a une meuf. Une meuf qui jouait, elle a dit à l'arbitre, vous lui dites d'arrêter de hurler comme ça, sinon je me casse. Tu m'étonnes. Non, mais c'était un horreur. Attends, t'as ça. Ouais. T'es là. Ah, attends, je vais lui mettre la balle dans la gueule à Top là. Non, c'est mal. Ah, c'est relou quand même. Ah, moi, j'aime pas après. Il mais... y a des mecs, ils avaient fait un quiz. De tennis ou film de boule. Et ils faisaient écouter aux gens et généralement les gens ils se plantent. Ah ouais? Ouais, putain, mais ça m'étonne pas. Bon, et attends, reste avec nous deux secondes, il y a Florian aussi qui est avec nous de Lurie dans le Cher. Salut Flo. Salut. Oh, t'es un doux toi, non? Bah oui, mais j'étais déjà doux depuis longtemps moi, premier. Ah, t'étais un des premiers, on t'avait pas encore donné de nom alors, non? Je sais plus. Ah ouais, bah non, je pense que si t'étais un des premiers, on donnait pas des noms encore à l'époque là. Donc faudra que tu repasses à l'occasion là. Bon, alors c'est quoi tes mauvaises manies, toi, le doux? Et bah moi je crache partout. Ah bah bravo, c'est bien ça. Voilà, comme ça. Bravo. Et tu, pourquoi tu fais ça? Bah, je sais pas. C'est classe. Voilà. Écoute, le truc chiant, c'est en classe. Pourquoi? Bah, parce qu'il crache sur le prof. Ah, bah oui. Non, non, j'ai ma technique. Dans le cas, crayon. Oh, ah, mais c'est dégueulasse. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que quand il est plein, et bah. Mais t'es un vrai petit porc. Mais toi, t'es un vrai cochon, toi. Eh bien, ton surnom, c'est le porc. Le dos, c'est un porc. Après, chez moi, c'est soit par la fenêtre, soit dans le lavabo. Mais tes parents, ils disent rien? Parce que, à la limite, moi, ça m'arrive de cracher quand j'ai un truc en bouche, ou tu vois, enfin, tu vois, voilà. Ou quand j'ai un sale goût, que j'ai mis un truc en bouche qui était dégueulasse. Mais sinon, en règle générale, je crache pas pour plaisir, quoi. Bah, ils me disent pas trop parce qu'ils me voient pas. Hein. T'as peut-être un problème de glande salivaire. Mais non, t'as un souci, le goût. Ouais, tu sursalives. T'es pas un lama, tu craches pas. Un être humain, ça crache pas non-stop. T'es sûr que t'es pas un lama? Ouais, regarde un peu. C'est peut-être une réincarnation, ils ont oublié de changer des trucs. Voilà, peut-être que t'es un lama ou t'étais un lama avant. Ah, d'accord. Dans une ancienne vie. On sait pas. Bah, il faut voir. Bah, écoute, demande à tes parents si dans leur ancienne vie, ils étaient pas papa et maman lama. Lama, pardon. On sait jamais. Nous, on essaie de trouver une solution après, tu vois. Tu veux ton père, avant, il s'appelait Serge. Putain, je vais lui mettre une droite. Serge Lama. Oh, j'ai... Voilà, comme ça, au moins, il est calmé. Tiens. Attends, il y a Léo également, Valenciennes. Salut, Léo. Salut. Ça va? Ouais, ça va, et vous? Ah, toi aussi, t'as un doux. Ouais. Bon, non, mais je suis déjà passé. Bon, là, je t'emmerde. Ah, t'es passé, t'avais perdu? Ouais, j'avais perdu d'un point. Ah, de ah là, là, là, là, le drame. Bah, je t'emmène, on fait le mercredi, hein, du coup. Bah, peut-être demain ou la prochaine fois, Léo, on va savoir. Bon. Ouais. Léo? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi tes salmanies, toi? Bon, en fait, si vous voulez, je ronge tout le temps mes ongles. Et puis, j'ai aussi de la salmanie aussi de cracher. Et, après, ça, c'est les plus fréquents. D'accord. Donc en fait j'aimerais des conseils pour arrêter de cracher parce que déjà cracher c'est super chiant. Oui, non mais c'est surtout moche. Mais après même pour le ronger les ongles, hein, il faut. Moi je faisais ça avant aussi, je me rongeais les ongles. Ça m'arrive encore de temps en temps maintenant, mais c'est relativement rare. Mais oui, c'est une sale habitude, c'est une manie, ouais, c'est ça en fait. Hein. Et puis surtout, moi en fait, j'ai appelé aussi pour juste pour les ongles, parce qu'en fait les ongles, c'est. En fait, je range tout le temps, que ce soit en classe ou partout. Et puis même sur les crayons, quand je range pas mes ongles. Je prends les crayons des profs, tu sais, et puis je les ronge et puis je les jette à la poubelle. Ah oui, carrément, donc il faut pas se prêter un truc, quoi. Alors. Mais ça, c'est ouais, j'avais un pote, tu lui prêtais un stylo, un crayon, n'importe quoi, et en il fait. Te il bouffe. Ouais, il te manquait un centimètre à chaque fois, quoi. Ah putain, mais laisse ça, tomber. Ça, t'as envie de lui planter dans le crâne le reste. Grave, grave, grave. Bon, bah, on en reparlera en tout cas des crayons, mais cela dit, ouais, bon, bah, un conseil, Léo, en même temps, c'est la volonté, après, il y en a pas 150 000, hein, des conseils. C'est, il faut simplement y penser à chaque fois que tu craches, t'y penses, putain, faut pas que je le fasse, et puis à un moment, bah, tu vas y penser avant de cracher, tu vas t'en retenir, et puis voilà, mais ça va pas se faire du jour au lendemain, ça. C'est sûr. Et puis c'est ta crache, hein, tu peux l'avaler, elle t'appartient. Oui, bah c'est ça, c'est ta salive après, hein, c'est pas trop un problème. Puis, je voulais dire aussi, mais en fait, quand je crache, c'est... quand je suis chez moi, en fait, que j'ai envie de cracher, quand je crache, c'est soit je suis je crache dans le lavabo, ou alors... Bah c'est mieux que par terre. Hein. Ouais, sinon trouve-toi une meuf, et comme ça, tu sais, tu roules des... ça ira, il est 13 ans. Et alors, il peut rouler des pelles à 13 ans. Pas. Ouais, vas-y, il va faire un bisou sur la bouche. Bah non, ça sert à rien parce que du coup ils partagent. Oui, pas bah justement, c'est bien pour ça que je t'avais arrêté avant. Tu disais? Bah, je m'en rappelle même plus. Ah bah bravo, Léo, bah félicitations. Bon, t'as encore un truc à ajouter, Nico et Florian là, vous avez encore un truc à ajouter? Ouais. Vas-y, Nico. Je vous fais déjà une grosse dédicace à vous tous pour nous mettre un bon truc de 23h à 2h tous les soirs. Ah bah c'est gentil, Nico. Ça, c'est vraiment un truc en or. Et deuxième chose, c'est d'avoir un petit packson. Mais oui, avec plaisir, Nico. Tu vas retourner au standard et puis je vais te passer son qui est de parfaite humeur aujourd'hui pour prendre toutes tes coordonnées. Bien sûr, ça va lui faire un grand plaisir. Elle va être ravie. Salut, Nico. Merci à toi d'avoir appelé. À bientôt sur Paris. Ça. Ciao. Nickel. Oui, Flo, tu voulais dire un truc? Ouais, donc j'ai eu un packson et bah j'ai eu les feux de coque là, donc je l'ai mis sur mon téléphone. Mais du coup, j'ai un copain, il voulait la même et en plus, son anniversaire, c'est dans 2 mois. C'est dommage, dans deux mois on se rend vacances. Mais oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse. Ça, je donne après. T'inquiète, je te la repasse, il n'y a pas de soucis. Et tant que j'y suis, comme je suis un squatteur de merde, est-ce que je peux... L'important c'est de le savoir, c'est vrai. Est-ce que je peux jouer dans le karaopé? Le karaopé, c'est demain ça le karaopé, c'est pas ce soir. Ah oui, c'est vrai, c'est mercredi. Ah oui, c'est demain, ouais. Bah tu vois avec Sandro, c'est de la place, si tu veux. Ah bah tu peux appeler demain, sans problème. Okay. Ça roule. Salut à toi, Flo, bye bye. Ciao. Et Léo, bah, merci d'avoir appelé aussi. Ouais, tu reviens quand tu veux. Nickel. Hein. Nickel. Ouais. Est-ce que je peux avoir un podcast? Parce qu'en fait, j'en avais déjà un. Oui, tu peux, mais c'est pas la peine de donner des excuses. Tu demandes, tu l'as, y a pas de problème. Mais ouais. Parce que tout ça. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est pour le pote. Oui, oui, bah bien sûr. Je peux faire un coup de pelle à Tof. Je peux même faire ça dans sa gueule de ta part. Voilà. Et Tof, je peux dire quelque chose, Tof. Ouais. Va te faire enculer. Gros bâtard. Et donc moi, je peux pas lui dire des cochonneries. Lui, il a le droit de dire. Va te faire enculer. À 13 ans. Mais il a raison. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà, il a. Mais c'est un doux, il a tous les droits, le doux. Ouais, le doux. D'accord. Ouais. Il a tous les droits. Bon, Léo, ben merci d'avoir appelé en tout cas. Nous sommes Légion. Et tu rappelles quand tu veux, à bientôt, le doux. Ciao à toi. On va se faire le jeu de la rupture dans quelques minutes. Et on va quand même prendre Anthony également, là, qui voulait récupérer son ex. On l'avait eu hier en fin d'émission, on n'avait pas eu le temps de le prendre. Et avant d'écouter Iggy Azalea avec Fancy, t'es toujours là, Anthony? Ouais, je suis là, ouais. Très bien. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex, là? Donc, tu disais qu'elle assumait pas ton métier, t'es militaire, ouais, et. Bon, ouais, alors explique. Bah en fait, déjà, je l'ai connue il y a 3 ans de ça, donc pendant 1 an, on parlait tranquillement, elle avait un mec. Ouais. Et elle a décidé de quitter son mec pour venir avec moi. Elle a quitté son mec pour... Je suis obligé de répéter ce que tu dis parce qu'on entend tellement mal ce que tu parles de selon tu... Excusez-moi, ouais c'est bug. Ah ouais, bah il bug pas, mais c'est que tu l'as trop près de la bouche, je pense, un truc comme ça, à mon avis, non, c'est ça. Non. Ou t'es genre sous ta couette ou un truc comme ça, tu vois. Non, même pas. Ou alors tu l'as dans le cul et le temps que le son arrive peut-être. À passer par tes intestins. Est-ce que tu peux l'écarter un peu de ta bouche? C'est bon comme ça? Vas-y, essaye. C'est bon comme ça? Ouais, peut-être, faut voir sur le. Quand tu vas plus parler. Bon, bref. Donc ce que je disais, en fait, elle a quitté son mec pour venir avec moi. D'accord, elle a quitté son mec pour venir avec toi, ouais. Et puis, bon, en fait, au début, on n'arrêtait pas de se mentir et tout ça. Au final, tout s'est su. Et puis après, elle a su que t'es militaire, donc elle m'a quitté. Attends, puis, elle a su que t'étais militaire et puis elle t'a quitté. Mais tu lui as dit, tu faisais quoi comme taf? Ouais, à la base, tu lui avais dit quoi? Moi, avant, j'étais à sport-études et dans le rugby à Toulon. T'étais quoi dans le rugby? Ouais, à sport-études. Ah, sport-études, d'accord, ok. Et elle t'a viré parce que bah peut-être qu'elle a pas envie de militaire, peut-être qu'elle a envie d'avoir un homme à la maison, peut-être qu'elle a envie d'avoir un mec, tu sais, où elle doit pas s'inquiéter tous les jours, qui va dans une mission et qui va crever, j'en sais rien, tu vois. Après, tu lui as jamais demandé? Ouais. Non, comment? Tu lui as jamais demandé? Non, je l'ai jamais demandé, mais enfin. Pour moi, militaire, c'est un métier comme les autres. Donc Oui, non, mais bien sûr, mais c'est comme flic, c'est un métier comme les autres. Pompier, c'est aussi un métier comme les autres. C'est juste que ouais, c'est beaucoup plus dangereux que si tu travailles la poste, quoi, tu vois. Ouais, bah oui, c'est sûr. Bah voilà, tu risques quand même ta vie tous les jours, tu peux tomber sur un débile qui va te tirer dessus si t'es flic, tu peux. Pareil si t'es pompier, les feux, tout le bordel, enfin tu vois, il y a quand même plein de dangers. Après, tu peux te faire écraser en sortant de chez toi. Hein. Et après, tu peux te faire écraser en sortant de chez toi, évidemment, comme une merde, c'est évident, ouais. Ouais, c'est sûr. Hein. Et du coup, tu veux qu'on fasse quoi pour toi aujourd'hui, Anthony? Bah, j'aurais aimé avoir des conseils de vous et puis des auditeurs, savoir comment faire pour la récupérer. Bah, en même temps, si elle s'est barrée, c'est qu'elle avait pas envie, donc ça va être compliqué d'essayer de la récupérer. T'es resté avec elle combien de temps? Ça faisait 2 ans que j'étais avec elle. Ah oui, 2 ans. Et elle s'est barrée au moment où elle a su que t'étais militaire? Ouais. Ouais, donc tu lui as menti pendant 2 ans? Bah non, parce qu'en fait au début t'as sport études de rugby, puis après quand j'ai su que je rentrais à la caserne en tant que militaire, je lui ai pas dit. Ah, tu lui as menti, voilà. Donc le problème, à mon avis, ne vient pas du fait que tu sois militaire. Le problème vient du fait que tu lui aies menti. Oh bah non, si on peut plus mentir aux meufs, à quoi ça sert? Justement, et ça fait partie des sales manies à éviter. Tiens, justement, le mensonge, voilà. Le mensonge, c'est évidemment personne ne l'aime. Donc il faut éviter le mensonge et aussi l'hyperactivité sur les réseaux sociaux. Donc il suffit, enfin, trop en raconter, ça commence à ça fait un peu chier sa meuf à un moment. Les beuveries aussi, entre potes, c'est bien une fois de temps en temps, mais pas trop non plus, bien, etc. Quoi, hein, donc faut. Les beuveries, c'est bien. Ouais, non, mais c'est bien, mais à petite dose, c'est ce qu'on disait dans l'article qu'on avait vu, là, sur les sales manies à éviter. En même temps, c'est vrai que la meuf, je vais pas prendre son parti, parce que moi, je m'en fous un peu, mais non seulement tu lui as menti, non seulement tu lui as menti sur ton métier, ce qui est chaud quand même, et en plus, tu dis, les beuveries, c'est bien. Si tu passes ton temps dans des beuveries à picoler, l'alcool. Elle doit être pareille, ta meuf. Ah ouais. Bon, on exagère probablement un peu. Bon, reste avec nous, Anthony. On va quand même essayer de trouver des conseils. Hein. Les filles, les garçons, est-ce que vous êtes déjà tombés sur des mecs comme Anthony, surtout les filles? En l'occurrence, hein, votre mec vous a menti sur un truc qui n'était pas spécialement grave dans l'absolu, sauf que vous vous êtes senti quand même trahi malgré tout. Donc appelez-nous, on en parle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Gwen qui dit: Mickaël, je pige rien à ce qu'il dit, le militaire, dans son camion. J'ai pourtant un beau camion tout neuf. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je traduisais par au-dessus. Sandra qui dit: carrément, pourquoi il lui a menti aussi, là? Logique qu'elle l'ait lâché, bah je sais, d'accord. Et Julie qui dit: non, mais déjà, si ta meuf n'assume pas le métier que tu fais, t'as rien à faire avec elle. Mais encore une fois, je pense pas que ce soit le problème du métier, si tu veux. Je crois pas que ce soit le problème du métier. Je crois pas. Bon, on va parler avec Toff aussi de, du petit problème de soi, petite question. Une bonne idée. Très bonne idée. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, on est en direct sur Fun, 23h36. Il y a Virginie Massalmani, tiens, c'est de parler en plein film. Ah oui, ça va être cool, ça. C'est genre, c'est les... qui donne toujours son avis. Ouais. Oh là là. Ouais, tu vas voir, il va faire ça, grave, va faire ça. Grave. Il y a Nounours qui dit aussi, j'arrête pas de roter, de même devant les filles, ça va être classe ça. Quentin qui dit, moi c'est le maté le cul des bonnes meufs, on vous a demandé quelles étaient vos Salmani. C'est pas une Salmani ça. Il y a Philippe qui dit, je me ronge les ongles et j'arrive pas à m'en défaire, même avec les produits en pharmacie, je me les ronge toujours, qu'est-ce que je peux faire? Moi j'ai arrêté du jour au lendemain en fait. Mais le problème c'est que moi je les ronge pas en mettant le doigt dans la bouche, si tu veux. Moi c'est entre, tu sais, les deux doigts, par exemple les deux pouces qui je les arrache quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc du coup bah là les produits ont pas pu servir. Ah ouais. Non, faut de la volonté, il y a un moment tu vas te dire écoute, ouais, j'arrête, faut être parce fort, que c'est mec. Non, parce que c'est moche, parce que voilà. Ou donc du caca. À un moment tu t'arrêtes quoi, à un moment tu t'arrêtes. Mets-toi du caca sur les doigts. Non, c'est ça. Samy qui dit je cligne des yeux et je fais des grimaces H24, c'est assez dur. Ah ouais, surtout pour ceux qui te regardent. Solène qui dit je ne passe pas une journée sans me trifouiller mes cheveux. Il y a Vladimir Poutine qui dit cette meuf doit accepter son mec comme il est, alors ça sert à rien qu'il retourne avec avec. Il y a Camille avec caca qui dit une manie à la con, se gratter les boutons. En plus, t'en as encore plus après. Ah oui, c'est clair. Et Guillaume qui dit ma manie à moi, c'est de pisser dans mon lavabo. Ah, oh, ça c'est bon. En plus, ça. Elle doit puer et tout après. Laisse tomber. Hein. Il y a Tommy Ortoma qui dit la team Poutine va avoir de nouveaux fans. J'en rapporte demain. Ah bah tant mieux, c'est une bonne idée ça. Bon, restez sur Fun Radio, il est 23h37. On va se faire le jeu de la rupture dans quelques minutes. Et avant cela, eh bien, on va appeler des gens. Ah. Eh oui, des numéros que vous avez envoyés sur le mail de Toff comme tous les soirs, toph@funradio.fr, car une grande étude vient de révéler que 80,5% des femmes affirment que leur sein et leur téton sont une des zones qui excitent le plus. Ah ouais. Les hommes en revanche ne sont que 51% à dire la même chose de leur propre torse. Donc Toff, je propose que tu vérifies en passant quelques petits appels. Les zones érogènes, tout voilà, à fait. Quelques petits appels malveillants à caractère pornographique. Bah, comme toujours. On y plaisir. Va, c'est parti. On appelle le premier maintenant sur Fun Radio, il est 23h38. On va récupérer Anthony et Mélanie. Et on fera le jeu de la rupture aussi avec Embark. Allô. Oui, bonsoir madame. Allô. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir quelle était la zone érogène que vous préférez, madame. La quoi? La zone érogène que vous préférez, madame. Ah, elle est partie. Elle a peut-être pas compris la question, une petite erreur technique. Faut la rappeler, Bah oui, attends, évidemment, on va rappeler. Allez, c'est parti, on y retourne. Allô? Oui, je m'excuse, madame, mais vous avez pas répondu à la question. Mais c'est qui là? C'est qui? Moi, je m'appelle Toff, madame. Eh ben je m'en fous que je t'appelle Toff, pourquoi je m'appelle maintenant? Ben parce que je voudrais connaître votre zone érogène préférée, madame. Elle est dans ton cul, c'est bon? Ben non, parce qu'en fait c'est la vôtre que je voudrais connaître. Ah oh, bah non, elle a raccroché. Bah oui, encore. Bon, on rappelle encore un coup. T'es sûr qu'elle est dans ton cul? Attends, je vais arriver. Vérifie, Toff. Ouais. Polo, tu veux venir voir? Ouais, vas-y, j'arrive. Allez, viens. Vas-y. Ah ben non, y'a rien. Y'a rien. Bon, y'a rien. Bon, bah attends, on va rappeler alors, hein. C'est parti. Hop là, on y retourne. Allô. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, tiens une cagette, oh, fatigué, aux légumes. Hein. Je n'ai pas compris monsieur. Bon, tu n'as pas de vie, on va te faire enculer. Hein. Mais pourquoi vous me dites ça monsieur? Eh ta gueule, on ne dit pas. Mais enfin monsieur, moi je vous appelle gentiment pour vous poser une question, c'est pas très gentil de me parler comme ça. Ouais, je te la fous au cul la question, bon vas-y, ciao, je sais pas que ça va faire. Ah bah non monsieur, enfin ça se fait pas, allô. Ouais, ouais, ciao, ciao. Mais non, pas ciao, monsieur, vous avez pas répondu à la question. Ouais, c'est bon, rends pas fou. Là. Mais je veux pas vous rendre fou, monsieur, mais si vous répondiez à la question, ce serait quand même plus gentil. Allez, c'est quoi ta question? Bah, je voulais savoir quelle était la zone érogène que vous préférez, monsieur. Celle de ton cul. Non, votre femme a déjà dit, mais c'est sur votre corps. Ouais, mais c'est bon, vas-y. C'est la vôtre que je voudrais connaître, monsieur. Ouais, ouais, moi aussi. Moi aussi, sur la tienne, c'est laquelle? Bah écoutez, moi personnellement, je préfère le derrière l'oreille, vous savez, le derrière le lobe de l'oreille. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Okay. Et vous alors? Pareil, pareil. Ah, pareil, vous aussi alors? Ah ouais. Bon, bah parfait, bah je vous remercie monsieur. Ah bah ça va, bah ciao. Allez, une bonne soirée, au revoir. Au revoir. Ah bah ça s'est plutôt bien fini hein. Oui c'est vrai, il était, plutôt il était gentil. Un énervé au début, bah ouais. À la fin il s'est finalement, calmé. Ça s'est bien passé, bon on fera d'autres appels malveillants tout à l'heure. Avec plaisir. Voilà, dans moins d'une heure, si vous avez encore des numéros de téléphone comme ces charmantes personnes à nous proposer ou voir ces personnes là. Mais va voir ta mère enfant de putain oh. N'hésitez pas évidemment, hein, vos ennemis sont nos amis. Vous nous envoyez les numéros de téléphone sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Il y a Laura qui dit ou sinon je lis les répliques ou chansons de films et séries en même temps que les acteurs. Il y en a qui me trouvent flippante. Oui bah tu m'étonnes, mais c'est surtout que t'as déjà vu le film ou la série plusieurs fois quoi. Et Adrien qui dit c'est normal qu'elle l'ait jeté le militaire, il a menti, du coup il a perdu sa confiance envers elle-même. Si c'est pas grand chose pour lui, un mensonge reste un mensonge, ouais. C'est pas faux. On va en parler avec Adrien, avec Anthony, avec Mélanie pardon. Et puis on a Mbarka qui est avec nous. Allô. Oui allô. Ça se dit comme ça ou ça se dit Mbarka? Mbarka. D'accord, ok, très bien, voilà. Une Mbarka en bois ou une Mbarka en... C'est drôle ça. Moi je veux savoir Mbarka voilà. Pour où. Et hop, une minute. À moi et lui. Hop, terminé, une minute au coin, ça c'est fait. Bon, non, alors. C'est juste. Ah, si, c'est juste Barca, évidemment que c'est juste. Non, j'adore bon. Top, là, je veux qu'il me parle. Oh, quelle horreur, mais malheureusement, il est puni pendant une minute. La loi est la loi. Bon, Barca, oui. T'appelles de Bruxelles, on va faire le jeu de la rupture. Et de l'autre côté, il y a Lies. On dit Lies ou Ilies? Ilies. Ilies, d'accord. Ilies de Montpellier, dans l'Hérault, donc. Et on va jouer, ouais. Et on va jouer maintenant au jeu de la rupture. Le principe est simple, on appelle des gens au hasard. Si vous avez, si vous tombez sur un garçon, si vous tombez sur une fille, bon évidemment on peut pas le savoir à l'avance, mais il faut absolument avoir une discussion de rupture, comme si vous appeliez votre copain ou votre copine, bah pour lui dire que c'est fini entre vous, d'accord? Mais Ilies, ouais. Ilies, ouais. Ilies de billets, ouais. Ou pas? C'est drôle ça. Toi tu vas prendre une minute aussi si tu continues à faire le malin. Bon, Ilies et Barka qui veut commencer. Honneur aux filles. Honneur aux filles, bon, on va commencer par toi Ilias, alors voilà. C'est parti. On y va, allez hop, on y va. Celui qui tient le plus longtemps avant de se faire accrocher au nez, Tof peut revenir. Celui qui tient le plus longtemps avant de se faire accrocher au nez, gagne, d'accord Ilias? Vas-y, c'est bon, on est là. Allez, c'est parti, on y va. Donc n'oublie pas, t'es censé connaître la personne qu'on appelle puisque t'es censé sortir avec, d'accord? Ouais. Donc y a pas de tu me reconnais, machin, tu m'as pas oublié, ouais. Bah. Non mais je préfère le rappeler parce que chaque fois c'est oui, mais ouais. Il y a une rupture monsieur. Ah bon? Quoi vous me parlez? Allez on y va, c'est parti, on y va. Ilias, bonne chance, dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Allô. Allô. Ouais, ça va? Ouais, c'est qui? Ouais, je peux te parler vite fait? Ouais, c'est qui? En fait, j'ai quelque chose qui me tracasse dans la tête, tu vois, depuis quelques jours. Et je voudrais en parler avec toi, là, juste deux secondes. Ça te dérange pas? Si, un peu. Hein. En fait, t'es... Vas-y, rien que deux secondes. Deux secondes. Rien que j'en ai marre, tu vois, genre... J'en ai marre de toi, tu vois, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai envie de casser, j'en peux plus avec toi. J'en peux plus. Je sais pas ce que tu sens en ce moment, mais j'en peux plus. J'en ai marre. Tu m'en rends fou. J'arrive plus à vivre. Allô. Réponds, je... Il est toujours là. Allô. Allô. Il est là. Hein. Ah non, bah là, allô, il est plus là. 56 secondes. Réponds, wesh. Réponds, wesh. Bon, ouais, mais... Ilias, 56 secondes, c'est un score honorable. Il était pas mauvais, hein. Moi j'ai beaucoup aimé Ilias. Ouais, il n'était pas mauvais, Ilias. Barka. Oui. Bon, à ton tour, hein. Attention, on y va, on appelle. À ton tour, à toi de jouer. Il y a 56 secondes, score à battre. Et juste après la pub, on refera la deuxième manche. Dès qu'il n'y a plus de musique en dessous de toi, tu dis allô. Non, merde. Bonjour, merde. Vous êtes sur la messe. Hop, c'est le répondeur, c'est pas grave. On en appelle un autre, Barca, c'est pas grave. Hop, on recommence. On y retourne. Allô? Oui, bonjour, ça va? Ah, dommage, c'est une fille. Oui. Tu vas bien? Oui, pourquoi? C'est qui? Ouais, voilà, c'est moi. Je t'appelle juste pour te dire qu'entre nous, bon, c'est fini. Voilà. Ça pourquoi? Fait deux ans. Entre nous c'est fini, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et j'ai passé de très bons moments avec toi et tout ça, mais franchement j'ai rencontré un autre mec Non mais je sais pas où tu vas là, mais je crois que tu t'es trompé de numéro en fait. Non, je suis pas trompé de numéro, c'est bien toi, mais franchement à chaque fois que je te fais ce coup là tu me dis non, c'est pas moi, c'est pas comment moi. Comment je m'appelle alors si c'est bien moi? Ben je t'appelle chérie depuis que... tellement que je t'appelle chérie que j'ai oublié ton nom, mais voilà. Ouais, vas-y, va te faire belle. Hop là. Okay, si tu m'entends, voilà. Elle peut plus t'entendre, elle peut plus t'entendre, elle peut plus t'entendre. C'est bon, va te faire mettre. Oh là là, la grande classe de la meuf là, dis donc, c'est pas mal. Bon, alors ça nous fait malheureusement que 48 secondes. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a la deuxième manche après la pub, ok? Vous restez là, 48 secondes pour Barca, 56 secondes pour Ilias. Ça reste très serré, très serré. Ilias, pardon. Et Ilias, il y a une deuxième manche. Hop là, une minute. Oh non! Hop là, voilà, une minute de moins, comme ça au moins c'est tranquille, on est pépère. Du coup, avant de prendre Anthony et Mélanie pour parler de son problème, il veut récupérer sa meuf, on va prendre Amandine, hein, puisqu'on est là, on a un petit peu de temps. T'es là, Amandine? Oui. Allez, on va se refaire un petit coup la colle, là. D'accord. Allez, je me suis gouré, en fait, c'est pas une Nintendo Wii Mini à gagner, c'est la 3DS. C'est encore mieux, notre, dans la série, hein, tu peux jouer et tout à distance, c'est cool. Bon, allez, vas-y, Amandine, fais péter la colle. Pourquoi le pauvre pleure? Pourquoi le poivre pleure? Attention, il y a une petite attrape, hein. Cherchez pas non plus midi à 14h pour la réponse. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer, je vous ai mis la colle sur le Facebook. Facebook.com/Mickaël officiel. Voilà, donc si vous voulez jouer, eh ben n'hésitez pas, il y a une Nintendo 3DS à gagner. Amandine, on te récupère avant minuit 30? D'accord. Ne bouge pas de là. À tout de suite, Amandine. Voilà. Et puis, bah, restez vous également sur Fun Radio, puisque dans quelques minutes, eh bien, je vais vous passer le son de... Ah, ben, Toff peut revenir. Black M. Le son de Black M avec Madame Pavoshko, ça va arriver dans quelques minutes. Il y aura vous en direct également avec tous vos messages qui arrivent avec le hashtag et Mickaël. On fera le Top Tweetos tout à l'heure et on va faire un point Top Tweetos aux alentours de minuit sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-L suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, 23h52 sur Fun Radio. Il y a plus de pub jusqu'à la fin de l'émission. On est en mode pépère. Je vous le dis. Il y a Benjamin qui dit, je mérite un coup de pelle short. Pardon, je paye me tout fait là. Je suis en retard. Oui, effectivement, je te le confirme, Benjamin. Solène aussi qui dit par rapport aux mauvaises habitudes, là, vérifier 10 fois d'affilée avant de sortir que les fenêtres et portes de chez moi sont vraiment bien fermées. Il y a Olivier qui dit me craquer les doigts et le cou et me ronger les ongles également. Alors ça, par contre, je sais pas comment vous faites pour vous craquer le cou. Ah ouais, ça doit être horrible ça. Ça doit faire. J'ai beau essayer, si tu veux, j'arrive pas quoi. Et pourtant, quand tu les vois faire, ça a l'air tellement simple. Ouais, mais moi j'arrive non plus. Pas. Moi non plus, ouais. C'est chaud quand même. Parce que ouais, c'est pas. Tu dois avoir vraiment la colonne qui doit être dans un état. C'est pas la colonne en fait, c'est les cervicales, je crois, tu sais, que tu fais claquer. Oui, mais enfin, c'est la fin de ta colonne quoi. Ah, je sais pas comment on fait. Il y a un message de Morgane qui dit de me ronger les ongles et me gratter les couilles. Marie qui dit aussi, moi je dis toujours putain, c'est ma manille. Ah oui, le fait de dire putain, oui, ça arrive souvent aussi. I'm Crazy qui dit Mickaël, c'est une bande de ouf. Bah merci beaucoup, I'm Crazy. Et puis Charles aussi, salut Mickaël. Salut toute l'équipe, sauf Atof évidemment, coup de pelle pour lui, avec plaisir. Continuez comme ça, vous êtes géniaux et je vous écoute tous les soirs. Au fait, Mika, je me suis abonné à ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux faire de même, s'il te plaît? Je compte sur toi. Évidemment, comme je l'ai dit, si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, si vous me suivez sur YouTube, je suivrai, je m'abonnerai également à votre chaîne. On a un peu pareil. De retard. On a un peu de retard, mais ça va se faire. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Hein. Donc ça va se faire. Vous inquiétez pas si on a un peu de retard, mais ça va venir. Pareil sur Twitter aussi. Si vous me followez, bah, je vous follow également, évidemment, avec plaisir. Et pareil sur Instagram également. Vous tapez Mickaël officiel dans tous les cas. Il y a Mystique qui dit, moi, ma mauvaise manie, c'est de tout le temps sortir le mot putain, encore décidément. Et salut Mickaël, je vous écoute depuis plusieurs mois le vendredi, mais là je vous écoute la semaine depuis hier pour me motiver à écrire mon mémoire. Alors si tu nous écoutes le vendredi, je pense qu'il y a un problème, tu dois pas écouter la bonne émission ou la bonne radio, parce que si tu veux, le vendredi on n'est pas là nous, donc comment te dire bah enfin t'es la bienvenue après nous, même si d'habitude t'écoutes peut-être une autre radio, bah, le principal c'est que tu sois là maintenant. Bah oui, c'est et que tu kiffes, évidemment, et c'est le principal. Et enfin Mandy aussi qui dit moi ma manie c'est de me ronger les ongles et de m'arracher la peau des doigts. Vous avez des conseils pour moi? Je sais pas, mais moi, s'il y a un truc que je déteste, c'est une fille, et même chez un mec, c'est moche aussi, mais surtout chez une fille, les ongles rongés. Ah ouais, c'est pas beau, c'est pas beau. Je déteste ça, c'est moche. C'est un des premiers trucs que je regarde. Mais il y a le vernis pour ça. Même quand t'as les ongles hyper rongés, tu peux mettre du vernis, ça reste non, moche. Non, mais à la base, tu mets le vernis, et puis en règle générale, t'as pas envie de bouffer le vernis. Mais y a ouais, des mais parfois, tu les arraches comme moi, tu vois. Tu vas pas mettre tes ongles en mouche. Moi, je les mets pas en mouche, tu vois. C'est juste que, en fait, mon problème, c'est que dès que j'ai un ongle, il y a un petit morceau qui est cassé ou n'importe quoi, ah ouais, c'est mort. Depuis, je me balade toujours avec un coupon sur moi, un mini coupon, et donc du coup, je taille, sinon je l'arrache, c'est sûr. C'est sûr, je peux pas tenir une heure sans le niquer, c'est certain. Suite du jeu de la rupture dans quelques minutes. Avant ça, on termine avec Anthony qui est avec nous, qui voulait récupérer son ex. Il est resté avec elle pendant 2 ans, mais il lui a caché son métier au début. Elle l'a découvert. Et du coup elle l'a viré. Lui est persuadé qu'elle l'a viré parce qu'il est dans l'armée. Et moi je suis plutôt persuadé qu'elle t'a viré parce que tu lui as caché la vérité en fait, Anthony. Ouais. Hein. Ça fait reste mon avis. Mais on va. De quoi, Anthony? Ça, je sais pas. Hein. Nous on te le dit. Enfin en tout cas ça reste mon avis personnel. On va quand même demander à Mélanie qui est avec nous là dans le Jura. Salut Mélanie. Bonsoir. C'est Mélanie ou Malénie? Non, c'est Mélanie. Ah, parce que dans le standard, il marquait Malénie. Je me dis, c'est original, pourquoi pas De toute façon, avec une voix de cochonne. Avec une voix de cochonne comme ça, tu ne peux t'appeler que Mélanie. Non, de coquine, je dirais. Oh. D'ailleurs, je dirais. Combien mesure Mélanie? Comme un compliment. Combien mesure tu es Mélanie? Ça se demande pas. Mais si, ça se demande. Bah non. Mais si. Mais je suis toute petite. C'est pas grave, on aime les petites. Je suis 1m60. D'accord. Oh, c'est pas 1m60, toute petite, genre. Combien pèses-tu, Mélanie? Ah non, bah alors là, ça faut pas trop demander non plus. Bah hein. Si, moi je veux tout savoir sur toi. Eh ben non. De toute façon, je peux dire n'importe quoi, je suis derrière un téléphone. Bah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Donc non, autant rien dire. Mais oui, mais comme tu viens pour parler de vérité, ça serait bien que tu nous la dises. Non. C'est pas moi la menteuse dans l'histoire, donc on s'en fout. C'est vrai. Bon, je pense qu'on va abandonner. Tu vas le faire avec la Morgane qui vient dimanche ou pas? Bah grave. Tu vas lui faire? Attends, moi je veux la palper moi-même. Mais oui, alors là je vais bien voir, ça va être une patate mec, tu vas voir. Vous savez ce qui peut être drôle, c'est qu'elle fasse l'impro. Ah, le match d'impro, pourquoi pas, ouais. Bon, faut voir s'il est là encore jusqu'à ce soir-là, mais pourquoi pas, ouais. Bon, du coup, pourquoi pas. Et puis, ce qu'on va faire également, c'est dimanche soir hein, qu'elle passe nous voir là pour un nouveau. Oh, je vous en dis pas plus, mais soyez là dimanche soir, voilà. Bon, Mélanie, alors, toi, tu nous appelais parce que tu voulais réagir à Anthony, donc, est-ce que pour toi, elle s'est barrée parce qu'il lui a menti ou simplement parce que. Elle a appris qu'il était militaire? Après, les deux sont possibles. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se prend la tête? Toutes les filles, elles rêvent d'un beau petit militaire, sérieux. Non, alors, moi je pense que toutes les filles rêvent. Non, moi je pense que toutes les filles rêvent. Moi je pense que toutes les filles rêvent de l'uniforme, pas forcément du militaire. Et puis ça dépend après, il faut voir. Je t'ai pas vu, Anthony, hein, je vais pas te juger, mais après, il faut voir la gueule parce que t'as les militaires sont moches quand même. Hein. Bah, mine de rien, non, c'est vrai, l'uniforme, c'est beau. D'ailleurs, c'est pour ça, à partir de demain, je ne me promènerai qu'en uniforme. Non, mais quel uniforme? Il va pas dire qu'il est laid. De quoi? Il va pas dire qu'il est laid non plus. Oui, il va pas dire qu'il est laid. Anthony, sincèrement, on ne comprend rien de tout ce que l'on entend, hein, c'est. Oui. Et sincèrement, c'est hyper compliqué. Hein. Déjà, nous, avec le casque, on a du mal à comprendre. Mais alors, je me mets à la place. Tout à l'heure, il y avait le gars qui disait dans son camion, là, ceux qui sont dans la voiture et tout, ils doivent rien capter. Bah ouais, mais là, en plus, je suis devant la caserne, donc ça capte mal en plus. Ah non, mais là, c'est juste le téléphone qui est verdict. Hein. Mais sauf si tu t'appelles avec le téléphone de la caserne, à ce moment-là, évidemment, il y a une explication à tout ça. Ouais. Bah, c'est ça, on comprend pourquoi les ordres passent mal. Bon, et donc, Mélanie, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour essayer de récupérer sa meuf, toi? Si ton mec te ment, t'as un mec ou pas? Moi, en fait, il ment, mais sur des choses largement plus graves. Ah, vas-y, raconte. Genre quoi? Du genre qu'il joue. Ah ouais. Et que, disons que, forcément, après grosse crise, reprise d'affaires, tout ça, il a accepté de voir un psy, tout ça. Attends, il joue quoi, genre poker, tout ça, c'est jeu d'argent? PMU, ouais. Ah ouais, c'est PMU, ça, ouais. C'est le PMU, pire ouais. De tout, ça. Ah, mais PMU, quelle horreur. Comment t'as pu, à un moment donné, sortir avec un mec qui joue au PMU? Pourquoi? Non, mais c'est une horreur, le PMU, c'est pour les vieux. Le cheval, le canard, mais c'est vrai. Bah oui, mais bon, d'accord. Non, mais en même temps, je vais pas rentrer. Enfin, là, pour le coup, ce soir, c'est pas mon histoire parce que, mon histoire est très. Il y paraît avec lui. Donc voilà. Cheval passion. Ouais. Est-ce qu'il regarde Equidia à la télé? Non. Hein, il a alors, pas la chaîne du cheval. Je vais mettre 5 euros sur le bourrin là. Ouais, c'est ça. C'est chaud ça. Mais après, tous les gens qui jouent au loto, pour tous les gens qui jouent au loto toutes les semaines, normalement le cheval t'as plus de chance. Ah oui. Ouais. Le problème c'est que les mecs qui jouent au cheval, ils jouent parce qu'ils sont persuadés que le mec va gagner, ils jouent toute leur fortune sur un cheval et et en fait il part pas quoi. Ah bah c'est ça. Voilà. C'est... Il a décidé de rester là en fait tout et simplement. Eux, des super grosses sommes à force. Bah oui mais c'est clair, le problème c'est que c'est comme au casino, hein, t'es toujours persuadé que ça va être la bonne. Mais il avait arrêté et là ça fait 2 fois que je le cale pas bien loin de chez moi en train de jouer. Ah putain, bah écoute. Donc j'évite le gros scandale au milieu du bar, quoi, parce que enfin, je m'écouterais, je le pèterais le scandale, mais voilà, ça craint. Mais tu lui pètes la roulette sur la tête. Mais oui, voilà, c'est ça, t'arrives avec un cheval. Et hop, tu lui mets une patate, un coup de sabot, et puis tranquille. Oui, hein. Mais bien sûr, totalement. Mais voilà, nous, le chevalier blanc des casinos. Voilà, c'est ça, on peut emmener Toff à 4 pattes, hein, tu pourras le monter si tu veux, on lui mettra une selle. Mais il faut arrêter d'être méchant avec lui, il est gentil. Merci Mélanie. Ah il est gentil. Une minute. Yep. Voilà. Une minute au coin. Et Mélanie, pour en revenir au sujet, ce sujet que je connais bien, parce que je connais Toff par cœur, non seulement Toff n'est pas gentil. En plus on peut y aller, il peut plus parler maintenant. Et tu ne le connais pas. Alors ne vends pas la peau des couilles de Toff avant de l'avoir tué. Avant d'avoir sucé. Oui mais vous êtes tous en train de m'enquêter. Donc pour une fois, j'essaye de relever un peu le niveau pour lui. Ouais mais bon écoute, faut pas être trop gentil, c'est un enculé, Belénie. Faut pas être trop gentil. Très pacifique. Il faut pas être trop gentil, je te le dis, c'est un conseil d'ami. Non, je suis pas trop gentil, j'ai appris à être méchante. Tant mieux alors, ça va. Nous voilà rassurés. Et je me ronge pas les ongles. Eh ben c'est très bien Mélanie, c'est mieux, c'est beaucoup plus joli, surtout chez une fille je trouve. C'est quand même joli des beaux doigts fins comme ça, longs. Enfin, pas forcément longs, mais bien. Oui, non mais c'est sûr. Mais bon. Non, mais il faut que tu l'oublies, là, ça sert à rien qu'il rame pour aller la rechercher. Voilà. Sinon, en tant qu'elle serait revenue, c'est qu'elle s'en fout royalement. C'est oui, crois ça. Mais ça, c'est oui, possible. Mais oui, oh. Anthony. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Ça fait combien de temps? Toff peut revenir. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Ça fait 3 jours. 3 jours? Eh ben, laisse pisser un peu le mouton, là. Oui. Il va revenir. Non, mais tu sais ce que tu peux faire, Anthony? Tu peux aller t'excuser pour l'histoire du travail, du truc militaire, et tu dis voilà, j'ai pas fait ça méchamment, c'est juste que je suis un abruti et tout, et puis tu essaies de le. Tu vois, du. Ouais, change de métier. Moi je propose qu'on l'appelle en direct pour lui dire. Oh non, lui non, non, non, non, non, non, non, une déclaration avec son téléphone de merde. Oui, ça va être bien. Oh ouais, super, ça va être. On va rien comprendre. Ouais, mais regarde, elle entendra rien, elle dira non, on en parle plus, il passe à autre chose. Ah, et alors elle va dire quoi? Bon, on sait pas. Alors pour peu qu'ils aient le même téléphone parce qu'ils l'ont acheté pas cher au même moment, bah alors on est pas dans la merde. Hein. Ah, c'est lui qui lui a offert. Alors. C'est génial. Non mais si ça fait 3 jours, t'arrives avec un beau bouquet de roses et c'est bon. Et tu lui mets dans ce. Pardon. Mais c'est oui, moi qui dis ça. Oui, voilà, on pense à la même chose. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? On pense à la même chose. Attends, Anthony, tu dis quoi? Non, parce que moi, en fait, moi, ce que j'ai fait, moi... Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, moi, il y a 2 ans plus tard, ouais. c'est la traduction en simultané. Il y a 2 jours de ça. Ah, il y a 2 jours de taf. 2 jours de ça. Chez ses parents. Ouais. En fait, je suis chez ses parents. Donc, elle était chez ses parents. À ouvrir la porte. Elle m'a claqué la porte au nez. Et puis... Elle veut plus jamais me voir. Et puis, elle veut plus jamais te revoir. Bah alors, laisse tomber. Bah alors, oui, laisse tomber. Je dois pas faire la traduction d'elle. Ça va. Donc, bah non, quand même. Non, toi, ça va, on te comprend bien. J'ai un bon téléphone. Bah écoute, peut-être qu'elle est énervée sur le moment même. Écoute, rappelle-la. Tu risques rien. Au pire, tu te reprends une claque. C'est pas grave, t'en vivras d'autres. Pot de Nutella. Et puis, au mieux, tout va bien. Tu lui ramènes, une rose avec un pot de Nutella. Hop. Et t'es au top. Ma poule, ma gueule. Tu mets la rose dans le Nutella. Non, tu mets ta bite dans le Nutella. Ouais. Ça sert à rien la rose. Parce que là, elle va dire ouais, t'as gâché le Nutella et la rose. Elle enculé. Va lui claquer la porte dans la gueule. C'est possible. Alors que là, si t'as mis ta bite dans le Nutella, il y a moyen qu'elle te démonte sur le pas de la porte. Bon, tu fais ça, tu nous tiens au courant. Ouais, ça marche, pas de problème. Par contre, si tu l'appelles, évite d'appeler avec ton téléphone, c'est pas sûr qu'elle comprenne bien ce qu'elle veut dire. Ouais, ah, bah ça, c'est sûr, effectivement, je confirme, c'est clair. Bon, Anthony? Est-ce que je peux faire une dédicace, s'il vous plaît? Bon, vas-y, à qui? À une seule personne, choisis la bonne. J'ai une dédicace à vous. Eh ben c'est gentil. Et puis une dédicace à ma meilleure amie Eva qui est en train de m'écouter, qui m'envoie des messages depuis tout à l'heure. Ah non, elle t'écoute pas, elle t'entend. Hein. Ce qui est pas pareil, parce que là on comprend pas ce que tu racontes. Hein. Donc, elle devine. Anthony? Ouais. Garde à vous. Rompé. Salut Anthony. Il l'a fait en plus. Mais bien sûr, mais non mais c'est normal, attends. Il sait les couleurs. Voilà. Salut Anthony. Bah, salut les gars, à la prochaine. Et merci d'avoir appelé avec un autre téléphone, Anthony, on sera au top. Mélanie, je te fais des gros bisous également. Serait possible d'avoir un petit pack, s'il vous plaît? Oh oui, bien sûr. Oui. Avec plaisir. Plein de gros bisous pour vous. Mais bien entendu, bah Tof, il va mettre du rouge à lèvres et il va faire un bisou sur la carte postale. Voilà. Bah tant que c'est que le rouge à lèvres, ça va. Et puis deux trois poils de bite. Et si je me masturberai dans l'enveloppe. Ah, quelle heure, une minute. Non, je vais regretter ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah bah c'est trop tard. Mais oui, mais on t'a dit, arrête. On t'a dit que c'est un connard. Personne veut nous écouter, c'est dingue. Je te fais des bisous, Mélanie. Aussi. Je t'embrasse. Ciao à toi, bye bye. Bon, bah maintenant qu'il est puni pendant une minute, très bien, pouvoir faire la suite dans quelques minutes. Et bien de ce magnifique jeu qu'est la rupture avec Barca et avec Yes, il y a un message qui dit vive Tof, bif là toute l'équipe. Sarasvati qui dit j'arrive juste, en même temps tout le monde s'en fout, I'm sorry. Non mais on s'en fout pas Sarasvati là, et heureusement que t'arrives, il était temps là. Il y a Sophie qui dit qu'est-ce qu'on ferait sans Fun Radio le soir, sérieux, Fun Radio ça déchire. Ben merci beaucoup Sophie. Et Stéphane qui dit je sais pas écrire sur votre mur, mais il n'y a pas que les vieux qui jouent au PMU et tout le monde n'espère pas ou ne rêve pas de gros lots. Les vrais joueurs savent très bien qu'ils sont perdants en rentrant dans le PMU. Oui mais alors excuse-moi, mais c'est con. Parce que bon, moi je joue souvent au loto, mais bon, je sais qu'il y a quand même beaucoup de chances que je perde, mais j'y vais quand même en espérant gagner. Bah oui, sinon ça n'a aucun intérêt. Sinon, autant jeter l'argent, quoi, tu vois. Ouais, je vais perdre. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. Et Fun de Fun qui dit pour ne pas se ronger les ongles, il y a des vernis spéciaux transparents qui sentent super mauvais, pas bon à manger. Ça, c'est quand on les met en bouche, les doigts évidemment. Et Dylan qui dit moi, ma manie, c'est de mater le cul, mater le cul des meufs, je peux pas m'en empêcher, c'est impossible. Mais oui, mais c'est beau, qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Bah oui, voilà, c'est beau, un petit cul qui se dandine. Avec voilà. La fesse qui rebondit, mais qui remonte. Bon, minuit 5 sur Fun Radio. Continuez à nous donner vos avis sur les manies que vous avez. On va se faire dans quelques minutes également, comme tous les soirs aux alentours de minuit d'ailleurs, les teubés de la télé. Et puis là, on se fait le son de Black M sur Fun Radio. Et oui, il est content, hein. Madame Pavoschko, salut Black M. T'es en forme ou quoi là, pépère? Ce son est une dédicace à Madame Pavoschko. Ouais, Madame Pavoschko. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Ah bah alors évidemment, là, Polo, il était comme un ouf devant dehors du studio, là, derrière la vitre, avec Madame Pavoschko. Ah bah ici, il sautait partout. Ta mère, Madame Pavoschko. Je me suis déhanché, ouais. Enfin bon, bref. Nathan également qui dit une fille veut me faire une fellation, mais j'ai honte de montrer mon pénis à cette fille. Et puis j'espère quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire pendant qu'elle me sucera des conseils. Bah kiff mec, t'as pas la tête. Hein. Non bah tu profites, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lire un journal? Tu veux bouffer manger une banane? T'en branles, y'a rien à faire. Tu veux un PMU? Ouais. Non mais y'a rien à faire. Kiff mec Nathan, vas-y, réfléchis pas. Bah oui. Sébastien qui dit salut les mecs, grosse dédicace à la Françoise qui fête ses 31 ans, continuez comme ça les gars. Eh bah Sébastien, on va faire un petit message à la Françoise. Voilà, musique d'anniversaire. Voilà, allez, bon anniversaire à la Françoise alors du coup. Bon, il y a un petit message de Sébastien qui dit salut les mecs, gros. Ah oui, je viens de le lire, je suis con. Quentin qui dit les manies, quand je monte le son sur un truc, ça doit être un chiffre pair, genre 2, 4, 6. Oui, on sait ce que c'est pair, Sébastien. Quentin, c'est. Donc ouais, donc si tu montes le son, en fait, si 3 c'est trop fort. Si 3 c'est bon, si 2 c'est trop fort, tu es obligé de mettre plus. À 4. Ouais, tu peux pas, mais il n'y a pas de demi-mesure. Ouais, quoi. Ouais mais ouais. J'avais un pote, c'était comme ça. Hein. Ah ouais. Et ouais, toujours l'ampli, l'ampli du salon, il devait être sur un chiffre pair. Sinon, n'importe le mec, quoi. Il était pas bien. Enfin, n'importe non, quoi. Non, ouais, parce c'est que manie, ça, c'est quoi. Psychologique, ouais, c'est détox, ça. Ouais. Ouais, c'est clair. Eric qui dit moi, ma manie, c'est de manger tout et n'importe quoi à toute heure de la journée. Alors, Sandro, c'est pas bien de se faire passer pour des auditeurs et en plus de se faire appeler Eric. Bah, moi, je crois que je parle. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a Brandy Brenda qui dit je vous écoute depuis. 2 mois, puis-je avoir un message de bienvenue vous déchirer? Mais écoute avec plaisir. Mais va voir ta mère, enfant de putain, oh. Ça n'a rien à voir avec ta mère, je ne la connais même pas, bien entendu. Et Laura qui dit bouffer les peaux de mes doigts, ça aussi c'est une sale manie. Bon, continuez avec vos manies, on va en parler, on va se faire les teubés de la télé, mais avant cela, il y a Barca, il y a Lies qui sont là pour faire la suite de ce magnifique jeu. Quel jeu de la rupture? Le principe est simple, on l'appelle. De les voir revenir. Hein? Il m'interrompt pour dire de la merde. Ouais, mais, c'est quoi, rien. Tu devrais lui mettre une doublette? C'est dingue. Moi je le double punirais ce putain. Eh ben, c'est il quoi mérite de se pendre. Non, d'être pendu plutôt. Ouais. Sur la place publique. Ouais. Exactement. Les couilles à l'air et on battu. On essaiera de faire ça, tiens. Et que ses couilles soient battues par une espèce de bâton vert. Ah, il serait content. Grave. Avec une verge comme ça, taper avec une verge. Ça, ouais. Bon, alors, Barca et Iliès, donc le principe est donc simple. On appelle des gens comme vous l'avez fait tout à l'heure, mais je le rappelle pour les auditeurs qui débarquent là maintenant parce qu'ils sont peut-être été. Il y en a peut-être qui écoutent d'autres radios, ils sont peut-être saoulés, ils se sont dit ouais. Oh putain, j'ai besoin d'une pause. Donc ils viennent ici, de débarquer. Après, voilà, ils viennent de débarquer. Voilà. Bon, alors, si. Donc on appelle des gens au hasard évidemment. On les appelle, c'est Barca ce soir et Iliès qui les appellent et leur font croire qu'en fait ils veulent casser avec eux parce qu'ils en ont marre, parce que c'est fini, parce que c'est plus possible de vivre avec eux comme s'ils étaient ensemble, tout simplement. Celui qui tient le plus longtemps gagne. Pour l'instant c'est Iliès qui a fait 58 secondes, Barca qui en a fait 47, et on y va, on continue maintenant. Iliès, tu recommences, hein, d'accord? Ouais, j'espère que je vais tomber sur une meuf, hein. Ah bah là, on verra, mec, eh ben on verra Iliès. Moi en tout cas 56 secondes, Inch'Allah. Allez, vas-y Iliès. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô, hein. La baraque, il y a un mec. Trop de vannes, tu la vannes, à un moment faut arrêter. Allô. Allô. Allô. Allô. Oui. Ouais, ça va? C'est qui? Ouais, je veux juste te parler deux secondes. Tu vois, j'arrive plus à dormir, j'ai un problème dans ma tête. Tu vois, la flamme qu'il y a eu au début entre nous deux, appelle quelqu'un d'autre là, parce que là ça. Non, je me trompe pas, écoute. Est-ce que je m'appelle comment? Je m'appelle comment? Laisse-moi finir. Tu m'appelles comment? Tu me parles. Tu sais pas. La flamme qui a eu. Hop là. Top. Oh merde, c'est dommage. 32 secondes. Il était bien. Ah ouais, mais 32 secondes, pas terrible. 32 là, donc on va garder ton meilleur score, on va garder 56 secondes donc. Et puis Barca. Ouais. Barca, à toi de faire mieux que 58 secondes. À toi de faire mieux que 58 secondes, d'accord? On va essayer. Eh ben écoute, je te souhaite bonne chance, c'est parti, on y va. Allez hop, on appelle maintenant donc. Bonne chance Barca. Dès qu'il n'y a plus de musique en dessous de toi, tu dis allô. Allez. Alors. Bon, on a un autre numéro au cas où, hein, t'inquiète. Allô? Oui, allô, bonjour. Il a bonjour. Plus de chance, c'est ouais, un mec. Ça va. Excusez-moi, mais quel numéro vous demandez? Oh là là, je t'appelle pour dire qu'entre nous, c'est plus possible, tu vois. Bon, non, mais excusez-moi, mais je vous connais pas, madame. Hein? Oui, si, attends, écoutez-moi juste deux secondes, comme ça vous me reconnaîtrez. Voilà. C'est fini entre nous. J'ai rencontré un mec et on vit depuis 2 semaines. Excuse-moi de te tromper avec lui, mais bon, tu sais, voilà, c'est comme ça la vie. J'espère que tu le prendras pas mal et que tout ira dans le bon sens. Excusez-moi, à qui est-ce que... Oui. Je parle à toi, non? Tu m'entends pas? Voilà. Et bon... Si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien te voir demain, comme ça on parlera face à face et Excusez-moi, vous êtes trompé de numéro, d'accord? Je ne me suis pas trompé de numéro, écoutez-moi juste, à la fin vous comprendrez, juste écoutez-moi pour que vous puissiez comprendre. Bon, si tu veux, on se fixe un rendez-vous demain pour parler, voilà, si tu peux venir à la bourse, à la grande place, voilà, on aura la chance d'en parler et voilà. J'espère que tu le prendras mal, ça me fait trop mal au cœur de t'annoncer ça. J'espère que tu le prendras mal. Voilà, c'est comme ça. Et j'espère que tu le prendras pas mal et que tu auras une autre fille. Ah, il est parti. Oh là là là là là là là là là. Yes, 58 secondes. Joué. Barca, c'était score à battre, 58 secondes. Et t'as fait 1 minute 25. Bravo Barca. Voilà. Félicitations. Voilà, c'est plié ça, dis donc. Ouais. Bon, Iliès. Bon, la prochaine fois, ma gueule, tu retentes ta chance et puis quand tu veux. Tranquille, règle, je fais une dédicace. Bon, vas-y. Dédicace à Pingouin. À Pingouin, on l'embrasse. et à Tortue, l'enfant. Et au chien, voilà. Et au chat. Et la girafe. Et la girafe, tout le monde est là, quoi. Ouais. Ah bah très bien, parfait. Bon, salut Iliès, à bientôt. Hein. Allez, y a moyen d'avoir un pack fan là ou quoi? Bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse tout de suite. Vas-y, on est là. Salut à toi Iliès, ciao à toi. Barca, du coup c'est gagné, félicitations, tu retournes chez Sandro au standard. Tu restes là, on va prendre toutes tes coordonnées, d'accord? Ouais, d'accord. Merci. Salut Barca. Oui, Mickaël. Oui. Je peux avoir un message de bienvenue? Ça fait combien de temps que tu nous écoutes? 2 mois. Eh ben très bien. Alors un petit message. Alors normalement ils sont tous adressés à des mecs puisque forcément c'est pour Tof. D'habitude les messages, mais j'en ai un petit là. Je te fourrer ton froid à quenelle avec mon gros gland là. Tu vas voir, espèce d'enculé va. Voilà, espèce d'enculé va. Et je peux faire une dédicace? Bah bien sûr, vas-y, profite à une personne, choisis la bonne. Voilà, je fais une grosse dédicace à mon amie Elisabeth qui a appris, je sais pas si elle a pu m'écouter, mais voilà. Eh ben, en tout cas, le message est passé. Il n'y a pas de problème, ça roule. Gros bisous, à bientôt. Merci d'écouter Fun, en tout cas. Allez, merci. Salut, ciao à toi. Eh ben voilà une bonne chose de faite, tiens. Hop là, et si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus. On aura le gagnant de la colle également dans quelques minutes. On va d'ailleurs récupérer Amandine pour répéter donc la colle. Est-ce que tu es là, Amandine? Oui. Très bien, profitons-en pour répéter la colle une dernière fois. Pourquoi le pauvre pleure? Pourquoi le poivre pleure? Attention, il y a une petite attrape. Hein. Donc si vous avez la bonne réponse, il y a une Nintendo 3DS XL à gagner. Il suffit d'envoyer Mickaël, suivi de votre réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS, au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer sur le Facebook de l'émission. Vous tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Et vous répondez à la colle de Amandine que je vous ai posée également sur le Facebook de l'émission. Si vous êtes tiré au sort sur Facebook, vous pouvez gagner par SMS aussi. Dans les deux cas, ça fonctionne. On donne la réponse et on tire au sort dans 11 minutes à minuit 30 précise. A tout à l'heure, Amandine. À tout à l'heure. Et puis on a Virginie également avec... Oh merde, c'est Virginie. Eh ben oui, c'est... Non. Gros bâtard. Va te faire enculer, gros bâtard. Elle est là. Toujours présent, toujours rempli. Eh ben dis donc, alors Virginie, ah, pour ceux qui débarquent, parce que comme je le dis, il y en a plein qui débarquent, qui se rendent compte qu'ils sont saoulés des autres radios et des autres émissions le soir, donc du coup ils débarquent, il y a du monde. Alors Virginie, on l'avait connue quand on a commencé l'émission sur Fun, quand on a commencé Mickaël de Limite, c'était au mois d'août je crois, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Elle avait débarqué. Alors petite histoire, hein, toi va raconter l'histoire, peut-être ce serait mieux quelle était l'histoire. Bah, c'est très simple, donc Virginie et Amandine, deux amies de longue date, arrivent parce qu'elles veulent faire un plan entre... Elles étaient limite lesbiennes. Elles étaient limite à se botter le minou. Et puis là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout a dérapé. Amandine se déchire avec Virginie. Amandine part avec le mec qu'elle convoitait à trois. Et donc, du coup, elles se retrouvent séparées. Mais heureusement, Virginie trouve l'amour. Hein, dans les bras d'un beau militaire. Et Virginie veut devenir policier. Oui, exactement, oui. Bon, ben voilà. Pour pouvoir arrêter Amandine. On a bien et lui mettre sa matraque. Exactement. On a bien résumé la situation, hein, je pense. Gros bâtard. Excusez-moi, j'avais la bouche pleine. Oh. Ah, t'es comme ça, Virginie, alors. Je suis désolé, je vais me retirer. T'as changé, tu fais des films porno maintenant. Non, comme je suis pas ce... Elle est pas ce... Ah bah, je sais pas, moi. Bon, Virginie. Qu'est-ce qu'il y a? Elle fait que des tweets cam. Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui te pose la question, là. Qu'est-ce qui t'amène, Virginie? J'avais envie de vous dire bonjour et vous titiller un petit peu. Non. Ah bah nous on est pas comme ça nous hein. On n'est pas de ce bord là. Va te faire enculer, gros bâtard. Ah bah oui. Va te faire enculer, gros bâtard. C'est un mot d'amour maintenant. Ah bah oui, c'est vrai, bah bien sûr, c'est un mot d'amour. Évidemment. Est-ce que t'es devenu policier ou pas alors? Policière, non, parce que mon âge a fait que bah fallait pas dépasser 30 ans et j'en ai eu 36. Ah merde, oui. Ah bah oui, 36, oui. Pourtant j'avais toutes les compétences, on n'en doute pas. Le franc-parler surtout. Hein. Le franc-parler, oui. Surtout, tu pouvais boire deux bouteilles de vin. Ah bah grave, c'est ça, oui. Bon, et du coup, tu fais quoi alors maintenant? Bah rien du tout. Et non. Tu cherches autre chose ou... Ah, tu t'emmerdes. Ah bah oui. Oui, bah oui. Elle voulait faire détective, mais ça a pas marché non. Bah c'est ça. Oh. Tu pourrais faire détective. Non. Bah si. Dis-moi la vérité, gros bâtard. Ah bah si. Non, non, non, tu fais le gros bâtard. C'est pas la taupe. Mais c'est pas la taupe, détective, c'est pas une taupe. Oui, mais... D'accord. Ça m'intéresse pas. Eh ben écoute, c'est ton droit. T'as des mauvaises habitudes ou pas, Virginie, toi? Pardon? T'as des mauvaises habitudes ou pas? On va dire gros bâtard à chaque fin de phrase. Ouais. Non. Aucune non. Mauvaise habitude, toi, non? Ah, oh, si, j'en ai des mauvaises habitudes. Bon, alors quoi? Pardon? Bah, quoi? Quelles mauvaises habitudes? Bah, de pas garder ma langue dans ma poche, il le faut. Ah, tu la mets où, cette langue? Allez, on se met en situation, t'es avec Tof. Je vais dans la tienne, dans ma langue. Ça bouge. Eh, gros bâtard, vas-y, fais avec Tof, allez. Non. Merde, comment je t'appelle déjà celui-là? Robert, il s'appelle Robert. Non. Polo. Mickaël. Ah bah dis donc, Va te faire enculer, gros bâtard. Comment il s'appelle celui-là encore, ce connard là? Putain, mais je sais plus là. Merde, j'ai oublié. Excusez-moi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Eh, parle votre moi, c'est comment il s'appelle encore l'autre, j'ai oublié là. Ah, Virginie, ouais, c'est ça, ouais. Quel enfoiré. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a, Virginie? J'ai fait de la publicité pour votre équipe, pour vous et votre équipe dans ma région. Non! C'est véridique, j'ai même collé ton post-it. Et merci, j'ai bien reçu le. Un post-it? Ouais, on avait dit qu'on avait le sticker, quoi. Le sticker, voilà. Le sticker sur ma boîte aux lettres. Ah, bah, t'as vu, hein. Pas mon identité. On n'a qu'une parole. Eh, nous n'avons qu'une parole. Eh ben, c'est gentil pour la pub, Virginie. C'est très bien. Eh ben, pour la peine. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà. L'enfoiré. Tu veux faire quoi comme taf? Franchement, maintenant, je peux. Je pense que. Mère, elle est en train de se faire niquer dans un champ de bide, espèce de con. Oh. C'est un message adressé à Toff, évidemment. Aïe. Bon, vas-y, si tu veux faire, alors, profite-en, t'es à la radio. Non, moi, je suis branché médecine, ouais. Ah, médecine maintenant, hey, bah, chose. Tu veux pas qu'on opère Toff? C'est véridique, hein, Mickaël. Bon, attends, si on imagine que t'es en train d'opérer Toff. Non, pas chirurgien. Bah, qu'est-ce que tu veux faire, alors? La médecine générale, quoi, bah, voilà. C'est un gynéco, tu vois, elle veut explorer. Veux... Bah, vas-y, Toff, c'est ton patient. Bah voilà, il a un truc sur le gland. Voilà, il arrive, il a une petite maladie. Là, toi t'es la doctoresse, d'accord, Madame Gros Bâtard. Voilà, il a rendez-vous avec toi à minuit 25, il reste une minute. Voilà, s'il vous plaît. Non, mais attends, mais il a une minute, donc il arrive. Il frappe à la porte. Et là, Polo, le secrétaire, oui, il prend les rendez-vous. Oh bonjour, je vais voir le docteur là, j'ai un truc sur le gland là, que c'est plus violent, que ça coule. Oui, bah attendez, le docteur Gros Bâtard va vous recevoir dans quelques instants, monsieur. Ouais, d'accord, c'est gentil. Votre prénom? Robert. Robert, ok, attendez, Robert. Va te faire enculer, Gros Bâtard. Docteur Gros Bâtard, votre le patient est arrivé. Bon. Vous pouvez rentrer, monsieur. Oui, voilà. Ouais, oh putain. Ouais, salut, Gros Bâtard. Allez, Virginie. Hé, hey, Gros Bâtard, tu regardes ma bite? Virginie, t'es médecin, là. Bon, alors, t'es médecin, là, t'es pas là pour rigoler. Allez. Oh, c'est pas drôle, là. Hey, ma bite, t'as vu, y'a un champignon, ça purule, là. Fais quelque chose, au lieu de te rigoler, là. Oh, là, je te jure. Mais là, elle est Vivi, là. Oh, c'est si grave que ça, docteur Gros Bâtard? Oh là là, Virginie, on peut pas compter sur toi. Mais ausculte Toff. Arrête de te moucher là. Ausculte Toff. Oh là là, Virginie, on peut rien d'abord, faire. D'abord, nous prenons des précautions en d'hygiène. Donc je vais prendre une paire de gants en latex. Ouais, vas-y, hein. Donc, moi le latex, je sais pas ce que c'est, hein. Bah allez vous faire. Allez consulter ailleurs alors. Mais non, Virginie, tu peux pas faire ça, t'es médecin. Ah ouais, faut m'expliquer, moi. Eh bah crève ailleurs, casse-toi là, va te faire reculer, Gros Bâtard. Non mais dis-nous, tu prends les couilles, tu malaxes le truc, je sais pas, fais quelque chose. Bah, vas-y Vivi, allez. On a confiance en toi, nous, vas-y. Gros Bâtard. Ah Virginie, oh là là, Virginie, là, tu fais quelque chose, hein. Bah tant pis, bah il va crever, on va devoir nous amputer la bite et puis voilà, bah tant pis. Oh non, vas-y. Bon, bah Virginie, coupe là, allez, coupe. Ah bah Virginie, bah voilà, bah tant pis, bah c'est pas grave. Bon, si vous êtes médecin, vous cherchez une assistante, Virginie est là. Hein. Non, mais. Non, n'hésitez pas. Pas super bien assisté. Vous nous appelez, mais y a pas de problème. Ça non, marche mais pour les vétos. Vous me sous-estimez, hein. Non, nous on a demandé un exemple, tu ne nous as pas donné, qu'est-ce que tu comprends? Bah, vous m'avez pas laissé terminer, alors j'ai pas pu terminer. Dis donc, il y a un moment, on a fait un blanc en 10 secondes, t'as rien dit. Tu lui as même. Bah, c'est normal, je pétais de rire. Bon, alors vas-y, retourne-y, Toff, il est là. Docteur Gros Bâtard, mon but, elle est purulente, là, qu'est-ce qui se passe? Attendez, docteur Gros Bâtard, je suis votre assistant, hein, vous m'avez pas reconnu. Tenez, je vous donne les gants en plastique. En plastique? Bah wow, oui, en latex. En latex, je préfère. C'est mieux, c'est plus délicat, ça glisse mieux. Arrête de raconter ta vie, on perd lui la bite, là. Voilà, parce que là, ça coule, là, il y en a sur le bureau, maintenant, hein. À force de laisser couler, purulée, en plus c'est dégueulasse. La purulence. Oh là là là là là là là là. 23h, 2h. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, on va donner la réponse surtout dans quelques minutes à la colle avec Amandine. On va également reprendre Olivier pour les habitudes. Et puis bah vous en direct. Bon, Virginie, gros bisous. Il y a moyen de décrocher un petit truc là. Bien sûr. Oh, tu peux décrocher ma bite. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, et vous restez là puisque je vous cale dans quelques minutes le son de Ariana Grande. Avec Problem, il y aura aussi le nouveau Armin Van Buren avec Ping Pong. Et puis mon son préféré pour l'instant, Avicii, Let Me Down. Voilà, si vous voulez écouter des sons, hein, hop, hashtag Mickaël, comme d'hab, vous connaissez le principe. Vous balancez vos messages, n'hésitez pas. D'ailleurs, en parlant du hashtag Mickaël, je rappelle qu'on aura le top tweetos également tout à l'heure. Donc si vous voulez repartir avec un magnifique sextoy offert par... passagedudésir.fr. Il suffit simplement d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Et puis si vous êtes numéro 1 dans le top tweetos, c'est bien, c'est gagné. En gros, dès que vous écrivez un message sur Twitter, vous mettez le hashtag Mickaël, même si vous parlez pas forcément de l'émission, hein, c'est pas grave. Vous balancez vos messages, ça vous fera monter dans les stats tout simplement. Et vous serez peut-être numéro 1. Qui est le numéro 5 actuellement? Le numéro 5 c'est Mystique. Numéro 4, Alexis. Numéro 3, Virginie 66. Numéro 2, Le Bosniakov. Et numéro 1, Vladimir Poutine évidemment. Évidemment, bien entendu. Donc si vous avez envie de monter dans les stats, il reste 1h30, on a la moitié de l'émission. Et allez-y, hashtag et Mickaël. N'hésitez pas, il y a Florian qui dit salut. Salut, salut. Salut, je suis au boulot et en plus je suis nouveau. Bienvenue à toi, qu'est-ce que tu fais comme taf Flo là, dis-moi tout. Fan de Fun qui dit j'ai la mauvaise manie d'être en retard comme ce matin, du coup de cœur je m'éclate l'orteil contre le mur, il y a le fracture. Oh merde, putain, c'est violent ça quand même, hein. Serait-il possible d'avoir un message de bienvenue pour Florian là qui était nouveau? Bien sûr, évidemment, avec plaisir. Regarde, je t'envoie un petit là qui n'arrête. C'est pas pour ta mère, hein. Va voir ta grosse mère, elle est en train de se faire niquer dans un champ de bite, espèce de con. Voilà Florian, mais comme je le dis à chaque fois, ça n'a rien à voir avec ta mère, bien entendu, je ne la connais même pas. Je suis nouveau, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Du con. Voilà, Mathieu aussi, me ronger les ongles au niveau des manies là, et ça depuis la maternelle. Et le vernis ne me fait rien du tout. Il y a Timothée qui dit ma sale manie c'est de parler en cours. Ah oui, parle trop en cours, hein. Ouais. Ah là là là là, c'est les remarques sur les bulletins. Romain qui dit ma sale manie, je me branle quand dès que j'ai le temps. Bon, c'est pas vraiment une sale manie. Ouais, c'est ça. Cool ça. Ça dépend où tu le fais quoi. Vladimir Poutine, moi je me branle tout le temps aussi. Voilà ma sale manie. Il y a Dylan qui dit tu peux me donner un coup de pelle. Tu peux donner un coup de pelle à mon frère. Bien sûr. Hop là, voilà, c'est fait. J'espère que ça lui remettra les idées en place. Et Mister Steven qui dit moi perso j'ai pas vraiment mauvaises habitudes, et Christophe aussi, puis-je avoir un message de bienvenue, car demain je passe mon permis. Écoute, bonne merde pour le permis. Ça tient le cul, le connard. Voilà, bonne merde pour le permis, donc on allait également offrir le cadeau à la colle, la Nintendo 3DS XL. T'es là, Amandine? Oui. Très bien, allez hop, c'est parti, on va appeler maintenant le gagnant ou la gagnante pour la Nintendo 3DS XL. Amandine, on appelle maintenant quelqu'un. Si la personne qu'on appelle donne la bonne réponse, il gagne, tu perds. S'il ne donne pas la bonne réponse ou qu'il ne décroche pas, c'est toi qui gagnes, Amandine, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Vous avez été nombreux à participer sur SMS et sur le Facebook de l'émission. Il faut bien avouer qu'il y avait beaucoup de bonnes réponses également, hein. Allez, c'est parti. Vu toutes les réponses qu'il y a eu, ta seule chance, c'est que ça décroche pas. Allô? Oui, il y a mon père qui arrive. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent. Comment tu t'appelles? Allô? Ah, ce serait dommage de perdre là. Ah oui, c'est... Allô? Ouais, allô? Ouais, comment tu t'appelles? Marc. Attends, il y a mon père qui arrive. Ah oui, dommage, dis le truc. Marc. Attends deux secondes, c'est pas grave. Marc! Marc! Ouais. Vas-y, on y va. Bon, c'est quoi la réponse? Amandine, fais péter la colle. Pourquoi le poivre pleure? C'est le céleri. Oui. Ah, parce que le céleri, oui. Ah, voilà. Ouais. Ouais. Bon, bravo Marc, bravo Marc. Tu repars avec la Nintendo 3DS XL, félicitations. Marc, je crois que son père... Ah oui, c'est Audrey qui est à côté, là, évidemment, il va gueuler, évidemment. En plus, il va falloir que tu donnes tes coordonnées et tout à Sandro, là, tu vas te faire griller, mec. Hein. Ah oui. Ça va être dur, là, ça va être dur. Oui. Bon, t'es dans quel bahut, Marc? À Voriel. Ah, où ça? Au collège Poirier. D'accord, ok, très bien. Bon ben, on embrasse tout le monde là-bas. Et puis salut Marc. Ouais, merci. À bientôt Marc, ciao à toi. Bon ben, Amandine, désolé, hein. Tu retentes quand même ta chance quand tu veux, hein, d'accord? D'accord. Est-ce que je préfère une petite dédicace? Vas-y. À mon chéri que j'aime qui m'écoute à ce heure-ci. Oh. Eh ben pas de problème. On embrasse tout le monde. Enfin lui en l'occurrence. Salut Amandine. Au revoir. Ciao, à bientôt, bye bye. Allez, on va se faire les teubés de la télé, on est un peu à la bourre là, je vous l'avais dit qu'on allait le faire, hein, qu'on était un peu en retard. Et on va parler de l'amour est aveugle. Ah. Et il y a un des candidats qui veut faire une petite blague. Le zizi, en italien, on l'appelle l'uccello. Tu sais, on dit l'oiseau. Je sais pas si tu Oui, c'est une expression française, ça, non? Quand ta fermeture éclair, elle est ouverte, ouais. Et tu dis l'oiseau va sortir. Voilà, l'oiseau. Voilà. Et là, j'ai envie de sortir l'oiseau. C'est-à-dire pourquoi? Là, j'ai envie de me déshabiller, de montrer l'oiseau. Et pourquoi tu parles comme ça? Mais pourquoi? J'ai pas le droit. Ouais, je vais le voir, je vais le faire. Maintenant, j'ai rien à foutre. Ah non, vas-y, dégage. Non. Hé hey. Moi, je sors, moi, ça. Viens, je rigole. Non. Viens, je voudrais rigoler, c'est l'oiseau, c'est un faux. Il est con, lui. Il a fait sa blague, il est content, on dirait taf. Et ça m'étonne pas, il en rigole toujours. Et toujours dans l'amour est aveugle, il y a un petit peu de philosophie, ça ne fait de mal à personne. L'amour, tout le monde peut le trouver, avoir un mec et faire genre d'amoureux. Mais le vrai amour, c'est plus compliqué que ça. Le vrai amour. Hein. Oui, le vrai amour. Oui, qu'est-ce qu'il y a un T à vrai. Oui, c'est ça, il y a l'amour et le tamour. Il y a le vrai, mais il n'y a pas de T à vrai. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est vrai, vrette, voilà. Et puis dans l'amour et dans le pré, on a un grand moment de romantisme. C'est-à-dire qu'elle t'appelait à la maison? Tout à ouais. Elle aime beaucoup de personnes. Ouais. Et puis bon, c'est l'été, c'est les fêtes. Ouais. Les fêtes votives, tu vois, les petites fêtes de... Bon, du village c'est le lundi soir, généralement, c'est feu d'artifice, tu vois, dans les petites communes. Uh-huh. C'est un feu d'artifice qui s'est transformé en feu d'artifice. Ah oui, le feu d'artifice. Voilà, c'est une bonne idée également, le feu d'artifice, d'artifice, c'est toujours pas mal. Le fameux. C'est toujours pas mal, c'est toujours pas mal. Bon, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, il y a une meuf qui a lancé un défi sportif, enfin sur Twitter, même sur Facebook d'ailleurs. C'est un exercice de gainage qui se pratique en faisant la planche. Alors on se met à peu près comme pour faire des pompes, sauf qu'il ne faut pas bouger et qu'on est appuyé sur les avant-bras. La durée se fait par palier de 2 jours, donc premier, deuxième jour, 20 secondes, troisième et quatrième jour, 30 secondes, et ainsi de suite. Et le dixième jour, on arrive à 60 secondes. Et puis au bout d'un mois, on devrait normalement atteindre 270 secondes. Donc je vais vous mettre la photo sur le Facebook. Et puis si vous voulez le faire avec nous, on va aussi le faire pendant 30 jours. Alors moi j'ai mal au dos, je vais essayer de le faire. Mais je garantis pas que j'arriverai jusqu'au bout parce que j'ai toujours mon dos qui est en compote depuis que je me suis pété la gueule il y a un mois là. Mais je vais essayer. Ouais, puis là c'est le début, c'est 20 secondes. Ouais, puis là c'est 20 secondes, normalement ça devrait aller. Après, je garantis pas que j'arriverai aux 270, mais on va voir. Sur les coudes et en faisant une planche. Sur les avant-bras, Mais même! Mais c'est ça en fait, c'est la planche. Ouais, mais c'est pas juste parce que Polo il montrait juste sur les coudes. Non, mais c'est une façon de parler. Non, en fait, mais... on se tient comme dans les pompes, sauf que c'est pas les mains qui touchent le sol, c'est vraiment avant-bras. Les avant-bras. Donc voilà, c'est les coudes, l'avant-bras et la main en fait, tout simplement. Oh là là. Donc on va tester ça dans quelques minutes. Je vais vous mettre toutes les infos sur le Facebook, comme ça si jamais vous avez envie de jouer avec nous, n'hésitez pas surtout, hein, on fera avec plaisir. Bah oui. Ah bah oui, évidemment. Oui, et puis, on le fera, mais pas avec plaisir. On va essayer en tout cas, on va essayer. Et puis au moins, c'est un sport comme un autre. Ouais, et puis on verra si ça marche. Et puis on verra si ça marche, effectivement. On va voir. Bon, je vous mets ça sur Facebook dans quelques minutes sur Mickaël officiel. Et puis on est toujours avec les appels de Toff. Et c'est une grande étude sur laquelle nous sommes tombés. 81,5% des femmes affirment que leur sein et leur téton sont une des zones qui les excitent le plus. Alors les hommes en revanche, eux, ne sont qu'à 51,7% à dire même chose pour leur torse. Mais franchement, ça veut dire un mec sur deux dans le studio. Polo, ton torse t'excite toi? Le mien? Ouais. Non, pas du tout, pourquoi il m'exciterait? Non. Non, bah non plus. Donc pour le coup, 0% dans l'équipe. Mais et Sandro, est-ce que tes seins ou tes tétons t'excitent? Non. Non, mais c'est 81,5% des femmes le disent, hein, donc c'est pour ça. Que leur propre poitrine les excite. Ouais. Dit-elle en s'étouchant, c'est pour voir s'ils sont toujours bien là, on sait jamais. Hein. Des fois qu'il y en a un qui s'est fait la malle. Non, j'ai cette habitude, terrible habitude de me les toucher tout le temps. Ah, d'accord, ok, très bien. Donc, elle adore ses seins. Ça compte peut-être dans le sondage. Peut-être. C'est vrai que je les touche souvent. Ouais, le soir, elle leur parle pour les endormir. Ouais, c'est ça, exactement, peut-être. Bon, mais du coup, on appelle des gens grâce au numéro de téléphone que vous avez envoyé sur le mail de Toff comme tous les jours. Eh ben, on y va. Bah allons-y. Allez, continuez d'ailleurs, si vous avez d'autres numéros de gens charmants, d'ennemis ou même d'amis, hein, bref, des gens qui énervent. Les envoyer sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va, on appelle le premier maintenant, à minuit 40. Puis on écoutera Ariana Grande avant. Je crois que ça va décrocher. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir, quelle était la zone érogène que vous préférez? Vous n'avez pas d'autres questions? Non, c'est tout. Vous emmerdez beaucoup? Bah non, pourquoi vous dites ça monsieur? Mais bon, moi j'ai autre chose à faire que répondre à des questions de con. Ah bah non monsieur, enfin elle est pas con ma question, je peux pas vous laisser dire ça monsieur. Ah, il a raccroché. Bon, en même temps, t'étais parti dans une église, hein, apparemment. Oui, oui, oui. Parce oui, qu'il avait son téléphone, il y a de l'écho. On va le rappeler. J'espère qu'il n'y aura plus d'écho. Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Vous êtes? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Bon, à la merde de quelqu'un d'autre, moi, j'ai autre chose à faire que d'écouter des conneries comme ça. Mais enfin, monsieur, c'est pas des conneries. Allez vous faire foutre. Oh non, monsieur, non. Oh, quel relou, merde. Pas de sang entre nous. Eh ben oui, pas de sang entre nous. On va le rappeler quand même encore un coup, hein. Pour être sûr. Allez. Va te faire enculer, gros con. Oh non, madame, non. Non, pas de sang entre nous. Ah bah si, là, pour le coup, c'était entre vous, là. Bon, tant pis. Va te faire enculer, gros con. Ah, oh, j'adore. Super déçu. Voilà, oui, là, pour le coup, assez déçu, effectivement. Bon, très bah, drôle. Oui, très drôle, quand même, mais on en fera d'autres tout à l'heure. Oui, elle avait l'air très charmante. Bah oui, très, très. Billy aussi, on envoie son message. Salut, Mickaël, peux-tu nous passer un petit morceau de Skrillex? Ah ouais, ça fait longtemps, tiens, qu'on n'a plus mis de Skrillex. Oh, alors, ça va être bon. Sauf que j'ai... Attends. Faut que je vois ce que j'ai en stock. Ah, attendez. Alors, Skrillex, je vérifie, on a des trucs, hein, on a des trucs, faut juste que je tombe dessus. Alors, Skrillex. Ah, oh, j'avais Avicii avec Levels remixé par Skrillex. Oh, ça doit être bon. Attends. Ça. Oh, oui, c'est bon ça. Elle a l'air pas mal, attends, on va aller plus loin. La patte. Ah ouais. Ah il est pas mal lui, j'aime bien. Ouais c'est pas mal. Ouais. Mais par contre il me semblait que j'en avais d'autres. Là j'en trouve plus que celui-là. J'en avais d'autres comme des Skrillex. On a volé les Skrillex. Bah oui, qu'est-ce qu'ils ont foutu avec les Skrillex? Pourquoi les enlever? Et si tu prends deux Skrillex et tu les frottes ensemble, est-ce que tu peux faire du feu? C'est drôle ça. C'est vrai? Ah il est content. Attends, je vérifie quand même ce qu'il est. Ah, j'en ai trouvé l'autre, j'ai celui-là. Ah, j'ai Bangarang. Oh, j'aime bien ça. Voilà, Bangarang avec Skrillex donc. Ou alors sinon j'ai My Goodbye. Ah, moi j'aime moins celui-là. Ouais, effectivement. Ou alors j'ai First of the Year. Ouais. Le choix est difficile avec Bangarang. Ouais. Ah je sais pas vous mais moi je suis plutôt sur le remix d'Avicii moi. Ah bah. Enfin bref, à vous de voir, vous nous dites hein, avec le hashtag et Mickaël. Si y en a un que vous voulez écouter, y a pas de problème. Y a Raphaël qui dit moi ma manie c'est de me ronger les ongles. Y a Mussolini qui dit ah oui Skrillex ça faisait longtemps. Ouais. Sébastien aussi, coucou Sandro, ça touche les seins en pensant à des Big Mac. Exactement, ouais, je pense que c'est ça qui se passe dans sa tête. Mine de rien, Mickaël et toute sa team m'ont manqué, c'est Sarasvati. Bah tout aussi, tu nous as manqué Sarasvati. Billy aussi, ah oui, c'est lui qui avait demandé Skrillex. C'est Lydie qui dit le gainage. Je tiens 2 minutes avec le foot. Wow. Bon on va le tester nous ici. Hein. Maniaque, tout doit être propre et bien rangé correctement, c'est ça ma manie, c'est pour Océane. C'est bon ça le Bangarang, c'est JB qui avait envoyé le message. Qu'est-ce qu'il y a Pauline qui dit Bangarang please, passez celle-là. Bangarang aussi pour Ryan. Bon a priori ce sera Bangayan, hein, donc Bangarang, pardon, on va vérifier encore. Hein. Et puis un message aussi qui est arrivé de Ryan qui dit j'ai dit à un pote, écoute Mickaël No Limit, c'est extra. Et il m'a dit j'ai pas que ça qu'à foutre. Comment le convaincre d'écouter? Bah on l'appelle. Oui, si tu veux, on l'appelle. Et puis après. Non mais après, c'est pas grave, hein, il n'y a pas d'obligation. Si le mec a envie de rester ignorant, il peut. Nous, on ne. C'est pas très grave, tu vois. C'est vrai. Pas de soucis. On peut pas le forcer. Ah ben non, on peut clairement pas le forcer, évidemment. Donc, pas de problème. On fait ça, vous leur dites. Et puis après, s'ils suivent pas le mouvement, eh ben, ils suivent pas le mouvement, c'est pas catastrophique. Bon, je vous mets le truc là du. Comment on appelle ça? J'ai oublié déjà le. Le gainage. Le gainage là sur le Facebook de l'émission. Et puis, on va parler des relations libres également là. Je voulais avoir votre avis là. Qui a déjà été dans une relation libre? Enfin, moi j'étais dans une relation libre, mais pas elle. Tu l'as trompé, arrête. Voilà, de la merde. Bon, attention, la relation libre, c'est compliqué sur Facebook. Hein, une vraie relation où chacun peut aller coucher avec qui il veut, mais on est officiellement ensemble, mais vous allez voir à gauche, à droite, et c'est autorisé dans votre couple. Je demande ça parce que j'ai un pote, c'est pas tof, hein, pour une fois, quand même. Ah. Eh, comme quoi, hein. Il a eu cette idée-là, en fait, il a demandé une copine, enfin, à sa copine, en l'occurrence, si elle serait, si elle pouvait être d'accord, en fait, et contre toute attente, elle lui a dit oui. Et c'est ouf. Moi, chaque fois que j'essaie, la meuf, elle m'a dit, mais non, t'es ouf. Bah, c'est normal. Et donc, c'est un mec de la tromper. Bah, c'est un mec un peu macho, donc il croyait qu'elle irait pas voir ailleurs, etc. Et ben, résultat, elle a plus de plans cul que lui, donc forcément, il le vit mal. Et donc, dites-nous si ça vous est déjà arrivé. 01 42 bon, 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. On en parle dans quelques minutes sur Fun Radio. Le temps d'écouter au cœur de la nuit sans pub. Ah oui, cherchez pas, hein, pour les nouveaux auditeurs. C'est pas sur les autres radios qu'il y a la nuit sans pub. Là, ils vous emmerdent avec la pub toutes les 5 minutes. Nous, il y en a pas jusqu'à 2h. On est pépère avec Ariana Grande. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, minuit 49, il y a Belote qui dit le remix d'Avicii, Mickaël il déchire. C'est nous qui avait dit qu'il déchirait, mais enfin c'est Belote qui voulait quand même le remix d'Avicii. Il y a Jérémy qui dit Bangarang également de Skrillex. Bah on va voir, hein, c'est mitigé même s'il y a plus de Bangarang pour l'instant. Et Océane qui dit moi les manies, c'est maniaque, tout doit être propre mais bien rangé. Samy qui dit je vous kiffe, je veux avoir un petit message de bienvenue. Eh bah voir ta mère enfant de putain. Oh. Et ben bah, voilà, bienvenue Samy, bienvenue dans la communauté. Karim aussi, salut, enfin on peut écouter une superbe émission le soir, bah merci Karim. Et le boss Yakov qui dit elle s'appelle Maïlis, si elle se reconnaît qu'elle me le dise demain, fais passer le message. Ah oui, c'était la pionne au ouais. début d'émission là qui devait écouter. Et bah salut Maïlis, si jamais tu nous écoutes, sois la bienvenue également. Et Aria aussi, tu parles de relations libres, je préfère avoir un seul homme qui partagera ma vie. En parlant de ça, je me suis fait draguer par un homme de 60 piges marié en relations libres samedi. Oh. Mais quand tu regardes la brioche et l'horreur, tu te dis que des fois il y a des cas, ça donne pas envie. Oui, ça c'est sûr. Mais le pire, moi, c'était la meuf du mec qui était venue me draguer. La meuf du mec, ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, c'était un couple libre et tout. Et en fait, le kiff du mec, c'était de voir sa meuf se faire baiser par un autre mec. Par une pourriture. Oui, c'est ça, par la pourriture. Et ouais, et donc la meuf a été venue me voir, elle me dit ouais, voilà, je vous trouve sympa, on peut boire un café. Puis donc, tu sais, on discute, elle me fait voilà, j'aimerais vous présenter mon mari. Quoi ? D'accord. Et voilà, bah, si vous pouviez venir ce soir à la maison, voilà, mon mari il aime bien que j'ai des relations avec d'autres mecs et regardez. Oh là là, bon, si vous êtes libre, hein, voilà, c'est ça, relation libre, appelez-nous, surtout les filles, hein. On voudrait avoir un petit peu vos avis, les filles, parce que bon, les mecs, on sait comment ça marche, même si vous êtes les bienvenus aussi, hein. 01 42 48 5000, il y a de la place dans le standard, pouvez nous appeler, et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va continuer à parler des habitudes, on en parle depuis le début de l'émission, les sales manies que vous avez, il y a Olivier avec nous de Brest, salut Olivier. Salut la famille, c'est le breton, là, je suis ça va, le breton. Un fervent auditeur. Ah, bah bienvenue à toi, enfin re-bienvenue, t'as déjà passé. Continuez comme ça, nom de Dieu, parce que là, les nuits sont belles avec vous. Ne blasphème pas, le breton. C'est gentil, monsieur, peut dire, on a branlé. Ouais. Bon, ah oui, alors, on s'en fout. Bon, ben, bienvenue donc à toi en tout cas. Je vous ai mis le défi qu'on va tenter de réussir, hein, le défi 30 jours là. Comment on appelle ça, à chaque fois j'oublie. Le gainage. Voilà, je l'ai mis sur le Facebook et sur le Twitter de l'émission. Donc vous pouvez aller voir, vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Bon, alors, du coup, Olivier, c'est quoi tes habitudes, tes sales manies, toi? Ouais, le gainage, c'est la planche en fait, comme les pompiers. En fin de compte, c'est ça. Enfin, non. À terre, quoi. Oui, c'est à terre, ouais, mais ouais. En fait, tu dois faire la planche, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, donc moi, c'est pas une mauvaise manie, c'est une bonne manie. J'ai le journal gratuit tous les jours. Comment ça? C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire, si tu veux, j'ai une voisine qui avait d'autres chez moi, là, sa boîte aux lettres, et tous les matins, je me lève à 5h30, et le gars passe à 5h, livrer le journal. Ouais. Et elle se lève à 10h, comme ça. Et moi, avec un porte-manteau, je prends son journal, je l'envoie chez moi, et en plus, je lui arrange l'affaire parce qu'elle a moins de mal à déplier ses pages, tu vois. Et je lis le journal et je l'ai à l'œil tous les jours. Voilà, et après, tu lui rends? Ah bah oui, je le remets dedans, après bien plié et tout, nickel. Ah oui. N'importe quoi. Oh, note sur plusieurs années, ça fait des économies, hein. Ah bah tu m'étonnes, moi j'ai pas besoin d'être abonné, moi. Et une fois, ça m'est arrivé d'oublier de le remettre. Et alors, du coup, elle a gueulé. Attends, bah, elle a téléphoné à son truc, ouais, il me manque un hebdomadaire, tout ça. Et comme un con, je l'invite chez moi, le journal qui était sur la table, tu sais. Et il y a son nom dessus, Blanche. Ah oui, bah oui, oui, la Alors, Dieu, moi, elle a pas vu, elle a pas vu. Ah bah, t'as retourné le truc. Et elle me dit, Olivier, en fait, tiens, j'ai pas eu le journal de hier. Je lui dis, bah, attends, et je prends le journal, je regarde. Ah non, merde, c'est celui-là d'aujourd'hui. Ça... Et j'ai, toi, je l'ai retourné. Et il y avait son nom dessus. Mais elle a rien vu, quoi. Ce qui est bien, c'est que t'as donné tous les noms. Ouais, tous les prénoms, donc maintenant t'as grillé, quoi. Ouais, maintenant t'as balancé tous les noms, donc maintenant t'es tranquille. Hein. Si jamais il y a quelqu'un qui. Si elle écoute, non, quelqu'un écoute, t'es mort. Elle écoute pas cette radio, elle est un peu débile dans sa tête. Elle écoute pas, elle écoute pas. Elle, c'est plus radio la voir qu'elle écoute, tu vois, les ragots, elle balance des ragots dans le village et tout. Ah oui, d'accord, radio, okay. La voir. Voilà. Radio la voir. Bienvenue sur Radio la voir. Oui, très sympa. Elle a pas un foot de ses jambes, de toute façon. Bah écoute, c'est toujours ça. Bon, écoute, le principal, c'est. Oh, bah tant que tu fais pas de mal, c'est le principal. Bah merci beaucoup, les gars, en tout cas. Michael, est-ce que tu peux me passer Lady Gaga Applause, c'est le Applause. Ouais, si tu veux, ouais. Attends, ouais. Parce que attends, faut que je vois si j'ai encore la bonne version. Lady Gaga avec Applause. Alors, je regarde en direct. Attends, bouge pas. Ouais. Alors, on est toujours en train de se battre entre Bang Bang et le remix là. Et le Bangarang. Bangarang, oui, pas Bang Bang. Bangarang, ah, ou ouais. Alors le remix d'Avicii là. Putain, merde, je l'ai pas. Ah, bah non, comment c'est que je l'ai pas là? Ah oui, mais j'ai fait de la merde, attends une seconde. Alors, attends, oui, mais j'ai tapé Applause dans le titre, dans le nom du groupe, alors forcément ça peut pas sortir. Alors, et là, que va-t-il se passer? Applause, voilà, bah écoute, je pense que c'est bon. Hein. Voilà, c'est bon. Voilà. Ah, il mérite d'être mixé. Ouais, peut-être, ouais, faut que je vois si je trouve l'aspiration. Bah écoute, je vais le caler, ouais, je le passerai après, bah ouais, t'inquiète. Pas de soucis. Ouais. Salut à toi, à bientôt. Allez, en tout cas, salut, merci. Continuez comme ça, les gars. C'est gentil, Olivier. Ouais. À bientôt. Ciao à toi. Il y a Alan qui est avec nous de Saint-Claude dans le Jura. Salut, Alan. Salut, Michael. Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Bon, tu connais Skrillex ou pas, toi? Tu connais quoi? Skrillex, le groupe. Non, parce que je demande, je voulais ton avis pour voir si on passait le remix d'Avicii ou Bangarang, mais visiblement tu ne peux pas m'aider, c'est pas grave. Bon, alors tu nous appelais parce que t'étais libéré, toi, t'étais dans un couple, une relation libre. Oui. Alors explique-moi. Bah j'étais un couple, normalement je suis censé être un couple libertin, moi. T'es censé être un couple quoi? Libertin. Libertin, ouais. Donc on s'amuse avec d'autres personnes, c'est des jeux sexuels, quoi. Ouais. Oui, c'est le principe de libertin. Ouais, ouais. Voilà. Et de temps en temps, ma nana, elle me laisse aller dans des soirées un peu de mon côté, et puis moi, je peux la laisser aller dans des soirées de son côté, en fait. D'accord, oui, bon, ça, c'est jusque-là, c'est le principe. Et chacun sa soirée, du coup. Voilà. Voilà. Et puis, après, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Ah bah rien, non, nous on veut rien savoir, hein, nous c'est simplement pour savoir un petit peu comment ça se passait, parce que comme le pote là que j'ai, comme j'avais dit, c'était Patoff là, qui a demandé à sa copine si elle était d'accord de le faire, justement ce genre de truc, d'avoir un couple libéré, et contre toute attente elle a dit oui, et puis surtout elle se tape beaucoup plus de mecs que lui de meufs en fait, donc il est un peu vénère. Et donc du coup je me suis dit putain, il faut qu'on en parle. Bah, de toute façon, dans ce milieu-là, en général, c'est toujours à 99%, c'est la femme qui décide. Ah bah c'est plus facile avec la femme a plus facile, mais ça c'est n'importe quoi, c'est n'importe quand. Hein. Les filles, si elles claquent des doigts pour avoir une relation sexuelle, 9 fois sur 10 ça va marcher. Hein. Alors qu'un mec non, il est toujours en chien. Ce que je veux dire, c'est que t'as un couple libéré, par exemple, comme nous, bah, si on décide de rencontrer un autre couple, par contre, tu vois, eh ben, c'est ma nana qui décide si on décide d'aller plus loin ou pas. Parce que c'est elle, par rapport à elle, si elle veut se faire toucher par l'autre homme ou pas. Ah ouais, c'est elle le chef. Et ça arrive des fois en fait qu'elle ne veut pas et qu'elle te laisse quand même elle te laisse fourrer. Oui, bah ça arrive de temps en temps, mais bon, en général on y fait, quand nous on est ensemble, on y fait ensemble. Quoi. C'est toi qui consommes le plus de meufs ou c'est elle qui consomme le plus de mecs? Non, on va dire c'est égo, quoi. D'accord, c'est égal. Si je retrouve une meuf dans la soirée, bah elle, en général, si y a un gars qui lui plaît, elle va aller avec le gars, tu vois. Après, c'est un respect l'un envers l'autre. Quoi. Il faut fixer des règles. Déjà, il y a déjà des règles à fixer dans le couple. De ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, et pour pas que ça cause de problèmes dans le couple. D'accord. Voilà. Ok, bah écoute, bah merci pour l'info du coup, hein, merci beaucoup. Après voilà quoi, mais si le jeune là il a posé la question à sa femme et puis que sa femme elle est d'accord d'essayer, mais faut pas qu'il la brusque, il faut qu'elle y aille doucement, faut qu'elle aille à son rythme et puis c'est elle. Ah bah elle va à son rythme, hein, c'est lui qui galère un peu là pour le coup, mais voilà. Oui. Oh bah elle va bien, hein, je pense, à ce niveau là on est tranquille, hein, y a pas à s'inquiéter en tout cas. Bah merci beaucoup, Alan. Voilà, y a moyen d'avoir un pack fun? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te repasse tout de suite. D'accord. D'accord. Et puis, je peux demander une petite musique aussi, moi? Ah, bah là, il n'y a plus de place pour ce soir. Tu voulais quoi? Je voulais Ultra Ritmo Perfecta. Ultra Ritmo? Attends, c'est quoi ça, Ultra Ritmo? Attends, je vérifie. C'est de l'Italo Dance. Oh, de l'Italo Dance. Oh, bah, il a la Perfecta. Alors, attends une seconde. Je suis même pas sûr qu'on est, hein, je t'avoue. Attends, je regarde. Je savais même pas que ça existait. Ouais, de l'Italo Dance. Attends, attends, attends. Ah, si. Ah, mais putain, on l'a, dit donc, ça alors. Attends, c'est ça? Ah, bah oui. Ouais. Ah, attends, attends, attends, attends. Caliente. Musica. Ça, c'est bon, ça. Ah, ouais, oh là là. Oh là là. Ibiza. Ah, Ibiza. Bon, écoute. Après, s'il y en a qui entendent, normalement, vendredi soir, je vais mixer dans une discothèque qui s'appelle le New Look dans le Jura. Soirée Italo Dance. Ah, soirée voilà. Italo Dance. Et c'est quoi, voilà. Tu vas niquer. Non, il va mixer. Il va niquer. Il Italo va mixer. Dance Libertine. Italo Dance voilà. Libertine, ouais. Bah écoute, ce soir je peux pas te le mettre parce que j'avais déjà promis le son d'Armin Van Buren. Il y a Lady Gaga qui doit passer. J'avais promis Avicii. Il y a le remix aussi qui doit passer avec Skrillex et tout ça. Donc bon, je vais essayer de faire au mieux, mais je vais essayer de pas oublier demain. D'accord, Alan. C'est pas bien grave. Ça roule. Voilà. Bah écoute, c'est impec. Merci beaucoup, Alan. À bientôt. Hein. Pas de problème. Allez, ciao à toi et restez là, on va se faire dans un instant, on va tenter le gainage sur la radio. J'ai peur. Eh ben bougez pas, bougez surtout pas. On s'écoute le son de Armin Van Buren maintenant, c'est Ping Pong. Pourquoi il va si buff, hein? Je suis à fond de balle. Hein. Marche bien le Armin Van Buren, hein? Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais, écoutez. Ouais, ça cartonne. Alors attendez, je vais essayer de le mettre ailleurs. Bah. Parce que visiblement sur le petit truc où je l'ai mis, ça ne marche pas. Alors attendez, je vais essayer de le remettre à une autre place. Ah non, bah ça ne va pas non plus. Bon, et ben voilà, donc Armin Van Buren, on le mettra pas. On va mettre Lady Gaga, on l'a promis avec Applause. Bon, on le met maintenant, hein. Celui-là il marche, au moins tant mieux. Applause Lady Gaga, c'est maintenant, il est 1h sur Fun Radio. On est au cœur de la nuit, sans pub, c'est Mickaël No Limit. Bienvenue si vous arrivez. Mickaël No Limit jusqu'à 2h, prévenez vos potes également, ils doivent tous débarquer ici. C'est Fun Radio avec le son Lady Gaga, on l'avait demandé, bah voilà, tiens. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, et puis il y aura le son de Skrillex également qui va suivre dans quelques minutes. Et puis je vous l'avais promis, Avicii avec Lay Me Down. Oui, et j'ai dit tout à l'heure par erreur que c'était un groupe Skrillex. Ne vous affolez pas, il n'y a pas mort d'homme. C'est une erreur. Parce que je vois vous exciter sur le Facebook et le Twitter. Mais c'est ouais. Pas un groupe. Oui, c'est une erreur. Ça arrive. Ne vous inquiétez pas. J'ai cru à un moment que j'avais tué quelqu'un, je me dis putain, je m'en suis pas rendu compte, dis donc. Donc vous inquiétez pas, le Skrillex on le passera. Skrillex on passera le groupe tout à l'heure. Ah, ils vont s'énerver. Ouais, mais non, il est tout seul. C'est pas un groupe. Les fans de Skrillex, vous inquiétez pas, tout va bien. Bon voilà, on le mettra tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Et puis il y a Lucie qui dit c'est vraiment bien ce que vous faites. Bah c'est gentil Lucie, je te fais des bisous. Nina qui dit je veux un message de bienvenue, ça fait 3 mois et demi, Nina. Bah c'est bien Nina, 3 mois et demi, bravo Nina. T'es bien de le supporter depuis 3 mois et demi surtout. Tu veux un petit message de bienvenue? Ben je vais t'en mettre un petit, tiens. Oh ben tout récent en plus, tiens. Va te faire enculer, gros con. Voilà, on vient à peine de la voir dans les appels de Toff, tiens, c'était magnifique. Bon, allez, on y va, c'est parti. On va tenter ce magnifique challenge. Allons-y. Allez, qui commence? Bah, c'est chacun son tour. On le fait ensemble. Bah non, on va le faire ensemble, on va tous être par terre, il n'y a plus personne à la radio. Hein. Bah on peut faire à deux avec Polo. Bon, bah voilà, faites à deux déjà avec Polo et puis après on verra. Donc le principe est simple, c'est du gainage. Vous l'avez certainement vu sur Facebook et sur Twitter, puisque c'était le hashtag Défi 30 jours. Défi 30 jours, et voilà, c'est ça. Et donc le but pendant. Le but. Ah, attendez, je vais quand même me déplacer pour. Voir un peu ce qui se passe. Bah et là ce que tu vas voir c'est la grosse red dove. Oh l'horreur. Oh l'angoisse. Mesdames et messieurs, je vous présente la raie. Alors. Oh quelle horreur. Bon alors, on filme ça, vous allez pouvoir le voir, vous inquiétez pas. Putain, j'ai le micro Toff là, ça pue sa mère. Oh là là. Bah ça fait 8 jours que je peux pas laver les dents aussi hein. Ah ouais bah ça se sent là. Donc le principe est simple, ils sont à 4 pattes pour l'instant. Ils vont se mettre en position. Bah vous savez quoi, vous allez le faire. Parce que moi je sens que j'ai mal au dos rien qu'à vous voir là. Donc vous allez le faire, ça va être mieux là. Et donc le but, arriver à évoluer en. Aujourd'hui il faut tenir 20 secondes en mode bah comme des pompes. Sauf que vous tenez sur les avant-bras. Mais il faut être tout droit. C'est important. Et puis bah au fur et à mesure vous allez devoir tenir jusqu'à la fin du mois à 270 secondes. Mais non c'est pas ouf. C'est rien. 270 secondes, ça va être ouf. Mais c'est rien du tout, c'est rien du tout. Bon, alors, on y va. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Attention, je crois le mettre. Non, attendez, parce que du coup, j'ai foiré mon chronomètre. 3, 2, 1, go! Allez, hop, c'est parti. Tof, faut être droit, là. T'es pas droit du tout. Il faut descendre un peu. Hein. Voilà. Ça fait 5 secondes. Voilà, donc c'est sur la pointe des pieds. Hein. Sachant que Polo est plus sur la pointe des pieds que Tof, mais bon, voilà, Tof qui se met sur la pointe des pieds. Oui, chez chat. Voilà, c'est ça. Voilà, du coup, je vous mets 10 secondes de plus puisque vous avez changé vos... Ah bah oui, mais c'est comme ça. Voilà, donc on arrive à presque 30 secondes. Ce sera plus facile pour demain, du coup. Voilà. Allez, hop, attention, et c'est terminé. Voilà. Oh là là, quel cinéma! Et attends quand tu... Hey. Et attends, c'est quand violent. Attends quand il va falloir tenir 270 secondes. Putain, mais ça va être ouf, 270 secondes. Mais ça va pas être ouf, c'est rien. Ah non, mais ça me fait mal. C'est rien du tout. Oh, la violence du truc. Moi j'ai mal à la au gainage. Ouais, j'ai mal partout. Là. J'ai du mal au gainage pour ça tire où ça là? Mais ça tire partout. Partout? Bah il paraît, ouais. Bras, ça se voit d'ailleurs hein, sur la photo qu'on a mise, vous voyez un peu comme c'est dans les machines de muscu, c'est ça montre quels sont les muscles qui sont travaillés quand vous faites l'exercice. Et là, il y en a quand même beaucoup qui sont travaillés. Ah ouais, moi je le sens ici derrière, devant, c'est oh là là. Ouais, bah 270 secondes, hein, à la fin du mois. 270. Avant les vacances, 270 secondes faut tenir. Ah oui, parce qu'en plus ça va être pile pour les vacances. Ah oui, ça va être pile pour les vacances. Oh là là là. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Mais on aura quoi, on échange des abdos ou Rien, t'auras rien. J'espère un peu. Ouais, quelque chose, mais à mon avis, pas grand chose, hein, faut pas s'emballer non plus. Nolan est avec nous maintenant, salut Nolan. Allô, salut l'équipe. Ça va bien? C'est toi qui as écrit Inception? Moi j'ai demandé s'il était prêt pour le prochain Batman. Non. Oui, Batman, ouais. Essayez aussi d'ailleurs l'exercice chez vous, hein, je compte sur vous. Hein. Bon, alors vas-y Nolan, sois le bienvenu, qu'est-ce qui t'amène? Bah voilà, avec des potes, on voulait se faire une petite virée en Espagne, à la Jonquera. Ouais. Laisse-moi deviner, soit pour acheter des clopes pas chers, soit pour aller taper des putes. Bah c'est la deuxième solution. Ça ne m'étonne pas, tiens. C'est le Dallas en fait. Et voilà, on connaît le concept, mais en fait on n'est jamais allé, donc je comprends pas. Ouais. Vous êtes en chien à ce point-là, vous trouvez pas de meuf? Bah non, c'est pas ça, c'est juste que voilà, on veut tester quelque chose, on veut découvrir des choses nouvelles, on va dire. Tu sais que, alors je vais peut-être passer pour vieux jeu, tout ce que tu veux, mais moi j'aurais quand même du mal à me faire une prostituée. Ouais, mais je sais pas, moi je le vois pas comme si, non, pas mais... si c'est une prostituée, mais bon c'est pas comme si tu partais... Je sais pas, au bois de Boulogne ou c'est. Oui, pas, oui, c'est vrai. Mais c'est le principe que. Enfin, comment expliquer? Je vais le dire. Mais Je vais le dire. Non, je veux dire, c'est pas méchant. C'est des prostituées qui nous écoutent. Faut pas le prendre mal. Mais je veux dire, comment expliquer? J'ai peur de froisser. J'ai du mal à m'imaginer parce que c'est quand même. Non, c'est un garage à bite quoi. Bah oui, c'est son métier en même temps. Non, mais je sais bien, ouais, mais bon, c'est pas méchant. Tu peux rencontrer une meuf en boîte et voilà, ça peut être un garage à bite. Hein. Ouais, c'est ça, Il y a des meufs en boîte qui ont vu passer plus de bites que certaines putes. Hein. Non, mais peut-être. Bon, c'est la phrase de l'année là. Ouais, la phrase de l'année. La tête de con. Ça, ouais. Non, mais moi, ce que je comprends pas, si c'était pas. Ça se comprend quand t'as pas un physique facile. T'es pas beau, ouais, t'es un peu. Non, mais tu vois que t'es un peu aussi. Enrobé et tout, t'as tout d'un délire ou t'es handicapé. Enfin, toi t'as un problème. Oui, tu peux pas facilement griller voilà. Des meufs quoi. Donc je comprends, mais si vous êtes des jeunes, vous êtes pas chum en plus, non? Non. Mais non, qu'est-ce que vous allez foutre là-bas quoi? Bah, je sais pas. Tu vas dans une boîte? Ouais, mais c'est nul. C'est le concept, je sais pas. Je sais pas, moi j'aurais du mal de payer une meuf pour baiser avec elle en fait, je sais pas. C'est peut-être, je sais pas, il y en a qui le font et ça se passe très bien, mais moi j'aurais du mal quand même. Bah dites-nous si vous avez déjà essayé, tiens, est-ce que vous avez déjà été chez les prostituées? Ou si vous en êtes une et que vous voulez nous appeler, vous êtes la bienvenue, on s'en fout, on jugera pas, y a pas de problème. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a juste Off qui demandera s'il peut avoir éventuellement une petite carte de fidélité. Bah ou un petit pourcentage. Oui, est-ce que je peux avoir une réduction car je n'ai que 20 euros en poche? C'est ça, non, ouais. même pas. Non, Tof, il est plutôt du style, oui, c'est combien? C'est 40 euros. Mais très... Mais, bah, désolé, je n'ai que 20. Eh bien, très bien, je m'en vais. Et bah, voilà, là, ce soir, c'est-à-dire que... Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une pipe pour 3 euros? Oh là là là là. Ouais, oui, parce qu'il nous a fait le coup ce midi au resto. Non, on va bouffer. 3,50€. Ah non, si, 3. Non, ça va, 3,50€. 4€. Bah, café, ouais. Tournée de café. Eh bravo, tournée, ouais. Merci. Non, non, parce que ce midi, il nous l'a quand même fait à l'envers, hein, faut le savoir. On va bouffer. Le mec fait le calcul de l'addition. On partage. Il dit ouais, bah, on met plus, comme ça, il y a un pourboire. Et devinez quelle est la carte qui passe pas. La sienne, comme par hasard. Ouais. Bah oui, non, mais moi j'assume mon statut de pauvre. Ouais, c'est ça, ouais, tétard, ouais. Bah ça tombe bien, on est bientôt à la fin du mois. Bah oui. Bah oui. Donc, comme c'est moi qui t'ai avancé, le mois prochain, nous irons manger un gros steak. Avec plaisir. Eh bah très bien. Eh ben c'est noté. En plus, tu t'invites Polo aussi, en plus, non? Non, je crois pas. Non. Quel bâtard. Bon, Nolan, reste avec nous. On va en parler dans quelques minutes. Tu restes là, hein? Ouais, y a pas de soucis, les gars. Bon, donc, si vous avez déjà été voir une prostituée, comment ça s'est passé? Vous avez regretté? Vous avez aimé? C'est quoi la différence? Bref, appelez-nous. On en parle à la cool. Et puis, Samy qui dit, bande de merde. Vous êtes des doux, je l'ai fait avec vous, j'ai rien senti. Waouh. Alors je vais, c'est quand même important de le dire. Samy, vous êtes, c'est pas AITENT, hein, ça c'est sûr. Je l'ai, c'est pas LEST quand même. Et puis bon, j'ai un bon, G, il y a un apostrophe. Pas chipoter non plus. Non. Mais bon, quand même être et l'est, c'est quand même dur Samy quand même, hein. Donc bon, allez. Prochaine fois, on dira rien. La petite fille qui dit un petit coup de pelle, je me suis endormie. Ah bah écoute, au moins ça va te réveiller. Et Cédric qui dit Sandro, t'es trop belle. Oh, oh. Et Kevin aussi qui dit salut à tous, mettez Skrillex avec Is My Mind, elle est royale. Je vais essayer de trouver ça. Et puis bah vous, hein, vous nous appelez si vous voulez dealer avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. On aura le chéri, je peux te faire coquer Christelle dans quelques minutes sur Fun Radio. On aura les appels de Toff également. Ah. Et oui, il y aura Polo contre le reste du monde, ouais. Ça c'est dans trois quarts d'heure. Et puis on aura également Nicolas qui voulait réagir. Et on a des nouvelles apparemment. De François de Paris. Allô François. Allô. Ça bonsoir, va François. Michael, bonsoir à toute l'équipe. Oui, bon, bonsoir. François qui nous avait appelé parce qu'il kiffe s'habiller en cuir. Et voulait donner des nouvelles. Je disais François qui nous avait appelé parce que tu kiffais t'habiller en cuir et tu voulais nous donner des nouvelles. Oui, bien sûr. Ben là, je suis prêt pour aller partir et demain on va fêter le deuxième anniversaire du club. Quel club? Le club où j'avais l'habitude, hein. Ah oui, bon, je sais pas quel air, c'est au TIC 4, c'est un petit club. Et par contre, je vais faire un petit spectacle. Et vous savez que j'ai commencé par la prostitution. Oui. Alors vous allez voir les clients, les gens me payaient, c'était très bien. Ah oui, bah, c'était bien, tant mieux, hein. Eh non, mais une question, j'ai une question qui me turlupine. Oui. Sans mauvais jeu de mots. Ah oui, on parle de toi, quand tu faisais ça, est-ce que t'avais des hétéros, des petits jeunes comme ça qui venaient te voir? Des hétéros curieux, beaucoup, tu veux dire? Beaucoup. Ouais. Sérieux? Beaucoup. C'est, oui, ça, c'est beaucoup, un truc de dingue. Il y a un truc parce que Polo ose pas sauter le pas. Non, moi, ce qui me choquera toujours, c'est beaucoup, quand tu sais, quand tu traverses le bois de Boulogne en bagnole, ouais. À l'époque, on traversait souvent pour aller chez Étoffe et tout. Et en fait, t'as plein de jeunes. Il habite dans le bois de Boulogne, il faut le savoir. Oui, j'avais la maison à l'orée du bois. Il a une tente en plein milieu. Bah, c'était pas au bois de Boulogne, c'était souvent dans les hôtels, ouais. dans le côté de Péral, sur l'avenue, et longtemps. Hein. Et puis bon, voilà, on était plusieurs, puis voilà, on a pas mal de clients, jeunes, beaucoup, hétéros, on était bien payés. Et c'est pour ça que ça m'a amené dans le cuir, enfin un peu le fou. Ouais, c'est parce que t'avais de la thune pour t'acheter du cuir, du coup. Alors, c'est, moi, j'adore ça. Bon, ouais, ça t'a amené dans le cuir. Comme oui, oui, oui. D'accord. Bon. j'ai envie de dire, si ça se passe bien, tant mieux. Donc là, demain, t'as une soirée à cuir, spécial cuir. Oui, c'est le 10e anniversaire. J'ai fait un spectacle. Tu vas te faire fourrer un peu ou pas? Comment? Tu vas te faire fourrer? Oui. Cuir fourré. Ah oui, oh là là. T'es pas mal de choses dans le cul. Il y a Steven, c'est un beau garçon. On va se marier au mois de juillet. D'accord, et toi t'es plutôt croûte de porc ou croûte de vache? Allez, deux. Ah d'accord. Ouais. Bon, écoute, tout un programme. Hein, je serais bienvenu, malheureusement j'ai piscine, mais en tout cas c'est ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa. L'aquagym. Ouais, l'aquagym, ça aurait été au top là. Ben merci d'avoir prévenu en tout cas François, hein, merci d'avoir donné des nouvelles. Au revoir. Salut François, ciao à toi, à bientôt. Il y aura les appels de Toff à suivre dans quelques minutes. On aura Malo, on aura Nolan, on aura Nicolas également pour réagir aux prostituées justement. Le temps d'écouter le son d'Avicii maintenant sur Fun Radio. Tiens, hop là, c'est parti. Avicii, Lay Me Down, je l'avais promis tout à l'heure. Et puis on aura Skrillex, ça ce sera Bangarang. Donc avant la fin de l'émission, vous avez été nombreux, plus nombreux en tout cas pour le remix d'Avicii que pour le remix d'Avicii. On écoutera donc Bangarang, on est au cœur de la nuit sans pub sur Fun. Bonne nuit tout le monde. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Toujours en direct sur Fun Radio, 1h20 du mat. On est là, pépère, avec les appels de Toff dans quelques minutes qui vont débarquer. On va également eh bien, récupérer Nicolas, Nolan et Malo également qui voulaient donner leurs avis par rapport à. Bon, on va pas le prendre maintenant, tiens, justement, tiens. Nolan toujours là, hein, qui voulait aller dans une maison close en Espagne là pour essayer, pour se faire dépuceler au niveau des prostituées. Hein, voilà. C'est ça, Nolan? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et il y a Nicolas qui est avec nous de Paris. Salut, Nico. Salut Nico. Bah oui, t'es déjà passé au début de l'émission, toi. Voilà. Alors, tu voulais donner ton avis, toi, par rapport à ça? Exactement. Bah, moi, je soutiens son idée, en fait. Franchement, c'est un kiff. Tu dois le faire une fois dans ta vie, mais il faut vraiment que tu l'essayes une fois. Tu t'es tapé une prostituée. Moi, je l'ai fait à Paris, près de la Concorde, dans un bar. Ouais. J'ai fait un truc qui m'a coûté pas mal, mais bon, c'est la FDJ qui m'a invité ce jour-là. J'avais fait la FDJ. J'avais gagné un gros truc, donc avec des potes, j'ai tous invités, on a fait un sale truc. T'es ouf, toi. On a fait un sale truc. Ouais. On est arrivé, on est allé dans un bar, en gros, et ils font que des forfaits là-bas à 125 euros. D'accord. On est arrivé à 3 et tout, donc c'est une bouteille de champagne, une pute pour 2 heures. Et donc du coup, on a fait ça, c'est un kiff, tu dois le faire une fois dans ta vie, mais la meuf, c'est first class, quoi. C'est... Ouais, je sais pas. Parce que moi, j'ai l'image de la prostituée qui est effectivement, pas belle, dégueulasse, crado. Après, je dis pas si tu m'amènes une pute de luxe entre guillemets. Ah oui, mais les bons, voilà, des meufs de l'Est, après, c'est différent, tu vois. Mais même pas forcément de l'Est, mais tu sais, j'ai genre les belles blondes, les belles, tu vois, les jolies. Putain de bombasses. Souvent des meufs de l'Est. Ah ouais, ouais, non, c'est vrai. Mais voilà, après peut-être. Peut-être. Tu sais, moi, j'ai toujours tendance à dire, tu sais, quand il dit il va à la Jonquière en Espagne, c'est à voir les drames, quoi. Tu sais, les meufs droguées avec des tas de traces de pics partout, enfin, tu vois. Ouais, non, mais si tu regardes trop les séries. Oui, mais oui, voilà, non, mais peut-être. C'est peut-être dû à ça aussi, ouais. Hein, c'est possible, je sais pas. Vas-y. Il est pas forcément obligé d'aller jusqu'en Espagne. Enfin, en France, il va trouver un petit truc sympa, forcément. Ouais, sauf que c'est moins légal ici. Et c'est moins cher, oh, je crois. Non, mais on s'en bat les couilles. Allez. En même temps, si. Ouais, bon, il est à Lyon, il y a peut-être un peu de marge quand même. Mais ceux qui sont sur Perpignan, etc., c'est pour le coup la porte à côté. Ouais. Et on fait 5 km de quoi ? Franchement, il peut trouver facilement genre des meufs first class, pas trop cher. Je prends l'exemple. Ouais, la dernière fois, vous avez eu Angel Summer au téléphone, c'est simple ? Ouais. C'est ça, un côté, c'est rien. Oui, mais bon, après. Non mais même si elle nous écoute, désolé, mais à côté, c'est rien. Après, c'est une question de goût. Hein. Il y a Rabi aussi qui dit c'est terriblement bien les clubs en Espagne. Et pour 80 euros, tu te tapes une bonne meuf qui sait comment faire, comment faire avec ta bite. Pourquoi pas, ouais, très bien. Et alors, il y a un message qui dit Mickaël, nos limites, taper une pute à Amsterdam, défoncer sous champignons hallucinogènes. Moment magique. Oh, ouais, génial, tu te souviens de rien en plus, ça doit être génial. Waouh, la classe. Ça, c'est une fois dans ta vie. Ah oui, parce qu'après, de toute façon, t'es mort. Donc, non, mais sinon, fait de la merde. Mais après, le problème, c'est que si tu prends goût, après, tu t'en détaches plus, t'as plus de relations et tu finis au pute. Voilà. C'est un peu comme ceux qui se rendent tout le temps. T'as plus d'argent, tu finis comme teuf. Voilà, exactement, ouais, à la ramasse. Attends, il y a Malo également qui est avec nous. Salut Malo. Malo cul. Ouais, ça va ? Ça va, ça va. Bon, bah, bienvenue à toi, Malo. Tu voulais donner ton avis aussi par rapport aux prostituées ? Aux prostituées, ouais. Bon, alors, vas-y, on t'écoute. T'as déjà fait ? Tu fais souvent ? Je sais pas. Et en fait, j'ai un pote qui s'appelle Michael. Ouais, et c'est pas moi, hein. Non, c'est pas toi. Et lui, il y va souvent, donc moi, j'ai pu aller en crédit, quoi. Comment ça, à crédit ? À crédit, j'ai pas payé, quoi. Mais qui a payé ? Attends, mais qui a payé ? Ben, je lui ai dit que j'allais lui payer, j'ai jamais payé, en fait. Ah, d'accord, ok. Ah oui, ça va. T'as volé la prostituée. Ça se fait pas, la meuf, non. Elle taffe, quoi. Non, mais c'est vrai, j'ai vu un film. Non, mais c'est pas grave, il faut aussi que je me vide à un moment. Mais non, mais c'est pas ça qu'à te branler, alors. À ce moment-là, ou soit tu payes, soit tu. Ouais, soit tu vas pas. Soit t'as commandé, c'est. De quoi ? Mais. Chacun sa mère, t'as commandé, ouais, ça, Non mais d'accord, mais c'est un peu. Non mais tu vois, c'est pareil comme si tu vas chez le boucher, que tu lui piques, chez le boulanger, que tu lui piques le pain en disant que j'avais la dalle. Bah oui, non mais d'accord, mais bon. Préfère payer à manger que payer une prostituée. Hein. Bah oui, mais alors va pas voir une prostituée. Voilà, alors c'est justement, si je peux l'avoir gratuit, je vais y aller. Hein. Mais oui, mais un de ces quatre, tu vas tomber sur son Mac, mec, tu vas te mettre une patate, tu vas voir. C'est pas grave, maintenant. C'est pas grave. C'est pas grave jusqu'à ce que tu l'apprennes. Meuf à soi, c'est pas le débat. Il y a un film, donc c'est That Awkward Moment. Voilà. Et donc c'est un film qui est sorti il y a pas longtemps, je pense. Et le mec se taffe une meuf. Le mec se tape une meuf. Et donc, il y a un moment, il arrive chez la meuf parce qu'il va, il la rencontre dans un bar. Il va chez elle et donc, en fait, il est persuadé que. Vous en branlez, en fait, de ce que je dis? Non, on t'écoute, mais. Non, parce qu'ils étaient tous les deux en train de mater des films de. Des vidéos de. Des merdes, des photos de meufs à poil, d'un poil. Donc, non, c'est des escortes. On travaille, l'ami. Ah ouais, vous travaillez, ouais. Donc, je montrais à Apollo que les escortes, elles sont parfois super bonnes. Ah et ça, ouais. Eh ben, j'ai plus envie de raconter mon histoire. Ah, vas-y, Mike, vas-y, non, ça m'intéresse. Je ne veux plus, je m'en branle complètement. Écoute, ça va gâcher ma nuit. M'en bats les couilles. Bon, il y a pas de filles. J'aimerais bien qu'il y en ait des filles, là, peut-être même des péripatéticiennes. Ah oui. Pour les appeler comme il se doit. N'hésitez pas à nous appeler pour nous donner votre avis, hein, voir un peu aussi quels sont les styles de mecs qui viennent vous voir. Ouais. Vous pouvez changer votre nom, votre ville, tout ça, on s'en fout. Hein, mais. Et donc c'est comme les pizzas, hein, c'est Allo Escort. Allo Escort. Ouais. N'importe quoi. Hey, bon, 01 42 48 5000, et appelez-nous aussi depuis la Belgique, 02 851 4x0. On m'a raconté une histoire, mais je vais pas donner le nom de l'acteur français. En fait, il y a un mec qui m'a raconté qu'il a rencontré une prostituée en Thaïlande. Ouais. Et donc il me raconte cette prostituée et ils sont dans l'avion. Ouais. Et la meuf a dit ah c'est génial et tout, et vous êtes français et tout. La meuf comprenait un peu le français vite fait, et donc elle lui explique que elle a justement été elle a couché avec un acteur français pour, et il l'a payé. Ouais. Ouais. Non mais c'est pour dire tous les styles. Ah oui, mais non, tout mais le ça, monde bien sûr. Consomme, bien mais sûr. Mais ça, je dis pas le contraire. Bon, appelez-nous encore. Donc on va en parler dans quelques minutes. Malo, merci à toi en tout cas d'avoir appelé. Bah Nico, pareil, merci beaucoup. Hein, tu reviens quand tu veux. Ouais. Dis-moi, Mickaël. Ouais. Je peux poser une petite question à Polo? Vas-y. Polo, est-ce que tu rechercherais par hasard un sous-général de l'armée des Doux? Non. Pour l'instant, il n'y a pas encore assez de monde, donc non, mais peut-être pourquoi à terme. Tu te proposes? Ah bah bien sûr, je me propose, je te donne mon CV. Ouais, écoute, envoie-le. Apollo@funradio.fr, j'étudierai ta candidature. Exactement, pourquoi pas, ouais. Bon, bah okay, salut bon, en tout cas, Nico, là, merci d'avoir appelé, tu reviens quand merci tu veux. À vous, les gars, continue. Salut. Et puis, bah Nolan, tu restes avec nous, bouge pas, il y aura Crimo, il y aura Tony, il y aura Xavier dans quelques minutes pour parler avec nous. Puis vous toutes et vous tous, en direct, évidemment, on l'avait promis tout à l'heure. Eh bah c'est parti, Skrillex maintenant sur Fun Radio, bang, rang. Et puis juste après, il y aura les derniers appels de Toff de la soirée. Et ben voilà, on l'avait demandé, Skrillex avec Bangarang. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Toujours en direct à 1h30 du mat. Il y a Algérie, je peux te faire cocu qui va arriver. Je l'avais promis, on va le faire évidemment. Il y a plein de monde qui voulait réagir par rapport aux prostituées là. Mehdi, Xavier, Tony, Crimo et bizarre, Nolan, évidemment. Bizarre. Étonnant, ouais. Et puis on va d'abord se faire les derniers appels, puisqu'on s'est rendu compte dans une magnifique étude que 80%, bon j'arrondis, hein, 80% des femmes sont excitées par leur sein et leur téton, alors que seulement 51% des mecs sont excités par leur propre torse. Oui, c'est bizarre quand même. Étonnant. Donc on va leur demander, on va appeler des gens là comme d'habitude, hein, avec les numéros de téléphone que vous nous envoyez tous les soirs sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, pour leur demander quelles sont leurs zones érogènes. Exactement. Bah voilà, allez c'est parti. Celle qu'ils préfèrent surtout. Bah surtout, effectivement, oui. Allez, 1h31 là, c'est parti, on y va, on appelle. Toujours au cœur de la nuit sans pub, évidemment. Allez. Ah bah ça va être pratique, tiens. Rapide, court, efficace. En termes de discussion, je pense qu'on va bien se marrer. Bon, eh ben on va le rappeler, hein. Ça doit être une erreur à mon avis. Il a dérapé. Oui. Le raccroche à genoux le plus rapide du monde. Oui, allô? Oui, allô, je m'excuse, on a été coupé. Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, je vous appelle parce que je voulais connaître la zone érogène préférée, enfin, votre zone érogène préférée, monsieur. Ouais, j'avais dit, ça va pas être facile. Hein. Non. Bon, et ben on va rappeler. Ah, on a pas le choix. Ouais, je crois qu'il dormait. Hein. Ah, oui, sûrement. Oui, je pense, oui. Alors, attends, on rappelle. Hey. Oui, je m'excuse, je sais pas ce qui s'est passé, monsieur, on a encore été coupé. T'as commencé à bien faire là? Bah oui, mais. Vous êtes content de nous là? Vous avez pas répondu? Non, mais ça va bien. C'est quoi votre bordel là? Bah c'est pas du bordel, monsieur. Je vous pose une question, vous répondez pas. Moi je m'en fous. Il y a des gens qui dorment ici, qui bossent le lendemain. Alors maintenant, vous nous faites pas hocher. D'accord? C'est fini. Mais ok, salut. Attendez, monsieur, allô? Ah bah en tout cas, d'une seconde à l'autre, il s'est réveillé. Oui. D'une violence là. Bon, on va le rappeler du coup, maintenant qu'il est réveillé. Bah oui. Allez hop, on y retourne. Profitons. Bah c'est ça. Ils sont pas réveillés pour rien. Oui, je m'excuse, mais c'est pas la peine de crier au téléphone, ça va rien changer, hein. Non, mais attendez, on a une vie de famille, vous nous laissez tranquilleuses, d'accord? Bah oui, mais répondez à ma question, madame. On n'a pas envie de vous parler, d'accord? Mais pourquoi? Ah, maintenant, ça suffit. Et tu commences à nous casser les couilles, toi. Mais enfin, un peu de calme, monsieur. C'est marrant comment on a la voix qui change quand on vient de se lever. Non, ouais, c'est vrai, hein. c'est un peu rauque comme t'as ça. T'as la voix qui est un peu rauque, qui... on dirait un doux qui mue. Qui mue, ouais, mue en direct. Bon, on va le rappeler encore une fois, du coup. Parce qu'on a eu monsieur, monsieur, madame, monsieur. Aurons-nous maintenant juste madame? Oui, allô? C'est pourquoi? Ben, en fait, je voulais savoir quelle était votre zone érogène préférée, madame. Mais ben, ça suffit, là. C'est quoi ces conneries, là? Ben, c'est pas des conneries, madame, c'est une question. Ben, vous allez arrêter, là, parce que ça commence à bien faire. Ben oui, mais faut répondre à la question, d'abord, madame. J'ai pas envie de vous répondre, point barre, d'accord? Ben oui, mais c'est pas gentil, ça, madame. Bon, ça... vous arrêtez, vous êtes qui, là, exactement? Moi, je m'appelle Toff, madame. Oui, c'est ça, oui. C'est des conneries, ça. Alors maintenant, vous arrêtez. Mais non, c'est parce que sinon, moi, votre numéro, je l'ai sous les yeux, j'appelle les flics, d'accord? Bah oui, mais répondez à ma question, madame, avant. Sûrement pas. Bah pourquoi? Ça vous garde pas. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle, madame. Vous allez m'appeler toute l'année comme ça? Bah non, jusqu'à ce que vous répondiez à la question. J'ai dit non. Bah oui, mais. Je vais pas vous répondre. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle, madame. Vous êtes vraiment un petit connard, hein. Ah mais non, madame. Je vous préviens, si vous me rappelez, j'appelle les flics, hein. Mais madame, un petit peu de calme. Allô? Oh, bon, bah tant pis. Bon, je suis déçu. Bon, on va pas appeler les flics, hein, t'as déjà cette plainte comme ça? Bah, c'est ça. Voilà, je rappelle que c'est toujours des appels malveillants à caractère pornographique. Exactement. C'est comme ça que la police a appelé les appels de Toff. Scandaleux! Mais grave! Ah, c'est une honte, je suis même scandalisé. Bon, avant de se faire le chéri, je peux te faire cocu. On va récupérer évidemment Nolan. On va prendre Crimo de Clermont-Ferrand. Salut Crimo! Salut Mickaël! Comment ça va? Ça va et toi? T'es en forme? Tranquille. Bon bah tant mieux. Bienvenue à toi. Bombe ou pas? Bienvenue à toi Crimo. Oh t'es à gueule Toff. Putain t'as bouffé un clown ou quoi là? J'ai pas compris, il a dit quoi? Non mais depuis deux jours il est casse-couille. Il faut toujours qu'il fasse des vannes de merde. Frappe-le. Franchement ouais. Oh là là. Bon Crimo, alors Clermont-Ferrand, t'as déjà été voir les prostituées ou pas toi? Tous les week-ends quasiment. Ah carrément. Ah oui, ouais, t'as une petite dépendance quoi non? Ouais, on va dire ça, ouais. Et t'es blindé pour aller voir des prostituées tous les week-ends quand même, non? Mais non, tu vas à 4-5, ça te rend même pas cher le voyage pour aller en Espagne. Ah, en Espagne ça. Donc tous les week-ends, tu te tapes l'Espagne pour aller taper des putes? Bah, honnêtement, le taper une soirée ici en boîte de nuit, tu claques autant d'argent ici que là-bas, quoi. Oui, au moins là-bas, t'es sûr que tu baises. Oui, c'est une manière de voir les choses. Pourquoi pas, oui, c'est vrai. Et donc tous les week-ends, c'est-à-dire que et ça revient à combien la passe? Franchement, déjà, il y a un auditeur, il a dit 80 euros, donc déjà, il se fait pigeonner, déjà, lui. C'est pas 80 euros. Ouais. C'est, franchement, c'est aller 50 balles maximum. Bon, après, ça dépend du modèle, j'imagine, tu vois, peut-être... Non, non, non, franchement, non, tout se négocie. Ah oui, mais peut-être qu'il essaie de pas négocier, ouais, moi, il négocie mal, par exemple. Et peut-être non, qu'il chume. Déjà, les meufs, c'est des vislards là-bas, parce qu'elles savent que quand t'es habitué ou t'es pas habitué. Ah oui, mais voilà, peut-être que lui, si il était une ou deux fois, deux endroits différents, il a peut-être payé le prix fort, hein. Elles connaissent les pigeons. Mais quel intérêt de taper autant d'argent dans des prostituées? T'arrives pas à trouver des meufs non, mais normales, entre guillemets? Après, moi, je peux comprendre. Regarde, là, ça lui coûte 50 balles sa soirée. Il baise une meuf à la fin. Et il y a le trajet. Non, mais le trajet, il partage avec ses potes. Mais ouais, voilà, le trajet, c'est... Tu veux... Non, attendez, il y a la théorie de Toff, là. Non, mais tu veux serrer une meuf. Tu veux serrer une meuf dont t'as à peu près rien à foutre. Tu veux juste la baiser un soir. Et bah, au final, ça te revient aussi cher. Tu vas l'inviter au resto, tu vas sortir, tu vas machin, t'as au moins claqué 100 euros pour ta soirée. Donc au final, autant aller baiser une pute. Ouais, en Espagne. Mais t'as pas le truc de te faire dégager. Oui, t'as pas le risque. Voilà, t'as tout le truc de séduction qui est pas là. Oui, voilà, bien, c'est bien. Après, c'est autre chose. En fait, ouais, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que Polo et moi, on est plutôt du style à jouer un jeu vidéo et à se prendre la tête pour arriver jusqu'au bout. Alors que Toff, il va prendre les codes pour passer les étapes et arriver au bout, il sera content. Voilà. Bah, c'est nul. Moi, tant que je fourre la meuf à la fin, moi ça me convient. Un autre exemple, nul. Nous on est par exemple, on s'essuie le cul et puis on jette tout ça. Toff, il prend sa merde et il la bouffe. Voilà, c'est un peu c'est ça en fait. Mais c'est écologique, note. Mais bon. Bon, attends, il y a Tony aussi qui est avec nous de Lyon là. Salut Tony. Donc cet exemple n'a servi à rien pour Polo, je te l'ai rappelé. Non, j'adore. Non, mais au passage, c'était crade pour être crade. Voilà. C'est bon, ça, alors pardon. Tony, bienvenue à toi Tony. Salut Mickaël. Salut, salut. Alors, t'as déjà été voir les prostituées toi? Ouais, pas mal de fois, ouais. Ah, explique. Moi j'habite sur Lyon, donc j'y suis allé sur Lyon, j'y suis allé en Espagne et hier on a tapé un délire, on est parti à Genève. Ah ouais, d'accord, ouais. Mais c'est plus cher à Genève, non? Ouais, mais c'est moins loin. Ouais, c'est moins loin. C'est plus haut de gamme aussi. Hein. Ouais, c'est plus haut de gamme, je pense aussi. Quoi, qu'à mon avis, il doit y avoir aussi du bas de gamme, à mon avis, comme partout. Non, non. Où on va, où on est allé hier, là, c'est pas du bas de gamme. Il n'y a pas de bas de gamme. Ah, t'as été hier en plus, mon cochon. Très bien. Alors, comment ça s'est passé? T'as payé combien? C'était des francs suisses, donc c'était quoi, 150 francs suisses, je sais pas combien ça fait en euros, donc 150 francs, je sais pas combien ça fait. Ouais, attends, C'est quoi le Google et mon ami, c'est quoi le change, plus que l'euro, hein. Ouais, ça doit être 170 ou 180 euros. Ouais, non, ça fait 70 80 euros, tout ça. 122, ah, c'est moins, d'accord, ok. Ouais, bah, donc voilà, ça fait 122 euros. Ouais, ouais, d'accord, 122 okay. euros 60 toute la nuit, ouais, toute la nuit, tu l'as toute la nuit, toute la nuit, c'est bon ça. Ouais. Bon, enfin, après, c'est peut-être pas forcément hyper intéressant non plus, hein, toute la nuit, mais bon pourquoi pas. C'est intéressant. Bon, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, Crimo et Tony, là, à Nolan, là, qui a pas encore été et qui aimerait bien y aller? Vas-y. Ouais, franchement, ouais, vas-y, faut qu'il y aille, là. Ouais. C'est vas-y, tu regretteras rien. Crimo aussi, t'es d'accord, hein? Ouais, franchement, vas-y, ouais. D'accord. Attends, on va prendre l'avis de Xavier aussi, qui est avec nous de Bordeaux, là. Salut, Xav. Salut. Comment ça va? Salut, tout le monde. Très bien, nickel. Bon, salut, bienvenue gros. À toi, Xavier. Alors toi, t'as déjà été voir aussi... Les collègues, ils ont carrément raison. De quoi? Les collègues, ils ont carrément raison. Ah, ils ont raison. Bon, bah, très bien. Bon, on a fait l'unanimité sur un truc. Ah, là, je pense qu'effectivement, c'est plutôt unanime. Ouais. T'as déjà été voir... Tu vas souvent, toi, Xavier? Régulièrement. Pas tous les week-ends, mais régulièrement, oui. D'accord, parce que tous les week-ends, c'est quand même un peu violent. Hein. Moi, je suis de Bordeaux, donc ça va. Ça fait une heure et demie de route. Oui, non, mais je veux dire, non, mais je parle de violent en termes de comment on appelle ça, argent. Non, pas d'argent, mais de merde. Ouais, le tarif, ça va de 40 euros à 80 euros. Les 80 euros, c'est une petite poupée, quoi. Ah ouais, 80 euros, c'est une petite poupée. Mais attends, parce que elles font quoi pour ce tarif-là? Parce que j'imagine que le tarif est pas le même. Si tu te fais pomper, Elles font tout. Non, bah, sérieux, tu fais ce que tu veux. Ah, la totale. Tout se négocie. Ah ouais. Tu fermes la porte, tu te claques un film de cul. Comme il dit Crimo, tout se négocie. Tout se négocie, d'accord. La meuf, pas, si j'ai bien compris, c'est en fait tu la vois en bas et puis tu montes dans une chambre, en gros, c'est ça. À la junk à Genève, c'est pas pareil. Ça a rien à voir. Ouais, j'imagine. Ah ouais, moi je suis tellement barré, moi, tu sais, déjà à cause de l'hôtel Ibis, dans un hôtel Ibis où j'étais il y a 15 ans et j'avais eu des plaques rouges partout à cause des draps. Chaque fois, du coup, je dois me trimballer avec ma couette et mon coussin. T'imagines, je vais voir la prostituée, c'est dans le bar. Ouais, salut, c'est combien? Ben 80 euros. Ok, bon, on monte dans la chambre. Alors, deux secondes, je vais chercher ma valise. Ouais, mais genre, c'est propre les chambres, hein. Ouais, mais quand c'est propre, c'est pas assez propre pour moi. Tu payes les draps, la capote, tout, tu payes 2 euros. Ah oui, oui, non, mais je sais, mais vous cherchez pas à comprendre, c'est moi qui suis barré. Hein, j'ai une question, vous avez des meufs ou pas? Ouais. Non. Qui a dit ouais? Crimo, bah oui, Crimo. Et j'imagine évidemment qu'elle n'est pas au courant. Non. Donc pourquoi tu vas taper des putes alors que t'as une meuf, ça va pas sexuellement avec elle ou c'est quoi? C'est pas ça, c'est que moi, c'est une habitude, c'est depuis l'âge de 8 ans, je vais là-bas. Oh. Ah ouais. Moi je crois que c'est pareil. C'est une habitude. D'accord. En fait. Avec ta meuf, tu n'auras pas les mêmes délires. C'est ça, quand tu tapes une pute en fait, c'est pas comme si tu trompes pas ta meuf en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah si, non. C'est des bons. Eh hey, les gars, vous êtes des tueurs. Et en plus, tu communiques pas avec elle, parce que si tu parles pas espagnol, tu comprends rien de ce qu'elle te dit. Si, hola, que tal? Furami, tabita. Gosto, c'est portugais. Chupa, mais déjà, les pipes, elles te mettent la capote en faisant une pipe. Bah encore heureux. Oui, bah encore heureux, ouais. T'imagines toutes les merdes, sinon... Chupa, mes corones. Bah poya. Ah, poya. Non, poya, c'est branlé. Non, c'est bite en espagnol. Ah, c'est la bite. Poya, je sais pas. Ah, d'accord, ok. C'est bon, pas churros. Il est con, oui. Chupa la churros. Chupa le churros. Bon, attends, il y a aussi Mehdi qui est avec nous de Paris. Salut, Mehdi. Salut, Mickaël. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Très bien, très bien. Eh, les doux, c'est pas un sujet pour vous, ça. Je vous rappelle, dégagez, là, les doux. Pas, on circule, là. Voilà, tous ceux qui n'ont pas encore mué, là. Au lit, déjà, vous devriez y aller depuis bien longtemps. Bon, alors, Mehdi, toi, tu vas souvent aussi voir les prostituées ou pas? J'ai pas bien compris, Mika. Est-ce que tu vas souvent voir des prostituées ou pas, toi? Bah, écoute, j'ai pas besoin. Dans la mesure où ma copine, en fait, c'est une prostituée. Ah, donc, c'est évidemment, vu comme ça. Et le matin, tu lui laisses de l'argent sur la table de nuit ou pas? Non, mais attends, mais toi, comment ça ta copine c'est une prostituée? Et bah en fait, comme elle était étudiante, elle vendait son corps sur internet, nous on voulait faire un délire avec des potes. Ouais. Et pour un enterrement de petit garçon. Et donc du coup elle est venue avec deux autres collègues entre guillemets. Et elle et moi on s'est vu, on a flashé et du coup bah voilà, à partir de là on est tombé amoureux. Oh, et comme, ça. Mignon. Et comme en fait pour elle bah c'est son seul moyen de revenu et de survie, bah on fait avec quoi. Mais ça te dérange pas qu'elle se fasse déglinguer par d'autres mecs? Bah c'est-à-dire c'est que du cul quoi, tu vois. Oui, donc, d'accord, mais c'est du cul, mais bah au début si ça m'embêtait. Franchement au début je trouvais ça un peu dégueulasse, un peu répugnant. Mais après tu vois, c'est un petit peu le même délire que les actrices porno quoi, tu vois. Donc, ah oui, oui, oui. Ah bah moi je pourrais pas sortir avec une pute. Enfin, moi je dis respect, franchement. Ouais, moi je respect. Ouais, ça fait de lui un macro quoi. Bah non, parce qu'il touche pas l'argent lui, il touche pas l'oseille, hein. il récupère pas le pognon. Ouais, et puis voilà, c'est... Voilà, non mais il aime donc, Et puis elle est... c'est une étudiante, donc c'est pas à dose industrielle non plus. Non, mais après encore une fois, tu vois, donc tant que c'est clair et bien défini par rapport à ça, enfin voilà quoi, c'est fait son taf, et moi voilà, hein, je fais mes études, c'est comme ça quoi, tu vois. Ah ouais. Après c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je vais pas te mentir, hein, par rapport aux parents ou quoi que ce soit, bah oui, voilà. C'est quoi ta copine dans la vie? Elle est étudiante, voilà, et elle travaille l'anatomie. Voilà, c'est ça, exactement, ouais, tout à fait, spécialisée dans le domaine. C'est un peu ouais, Pretty Woman, hein. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Sauf qu'il y avait $1 million à la clé. Hein. C'est vrai. Puis des fois, elle me raconte ses délires avec les clients. Donc, oh putain, moi je pourrais pas. Hein. Ah ouais. Non, moi non plus. Oh là, moi je pourrais pas. Bah, bon courage à toi, en tout cas, Mehdi. Hein. Merci, c'est gentil, les gars. Bon, bah, kiffe, mais kiffe, t'as raison. Merci, Mehdi, merci, Xavier, Tony, Crimo, merci d'avoir appelé. Et vous revenez quand vous voulez. Et bonne bourre, et sortez couvert. Hein. Ouais. Y'a moyen d'avoir pas de fun. Ouais, pas de problème. On va vous mettre des capas dedans, y'a pas de soucis. Vous retournez chez Sandro là, pas de problème. Merci. Salut à vous, à bientôt. Ouais. Ciao, tout le monde. Bon, ben voilà, Nolan, hein, t'as eu la vie de tout le monde là. Ouais, Mika. Mais à bon, toi après, de jouer. Moi, comme je t'ai dit, t'as vu, voilà, c'est juste pour le fun. T'as vu, tu sais, aller. Ouais. Je vais pas aller voir les prostituées dans la rue, mais après, moi, j'ai mon pote déjà. T'as vu, il appelle les escortes, je sais pas si tu vois, ouais, sur les sites internet, il les appelle, t'sais, ils font des avec eux. Allô, escortes, comme disait Toffler. Ouais, sur Bivatrix. Mais nous, voilà, t'sais, moi, c'est juste vraiment pour le fun, t'sais, aller dans une boîte. Mmh. T'sais, après, voilà, ça se trouve, je vais pas passer à l'acte, mais... Non, mais tu dois pas te justifier, après, tu fais ce que tu veux, moi, je peux pas. Donc, y a pas de soucis, si t'as envie d'essayer, essaye, ouais, voilà, après si tu kiffes, tant mieux, mais voilà, y a pas de malaise, t'inquiète. Ouais. En tout cas, rappelle-nous quand tu l'auras fait pour t'en jouer un peu là. Je vous rappellerai, ouais. Bon, ça coûte, c'est cool, okay. C'est cool. Bah, merci beaucoup en tout cas, Nolan, salut à toi. Un petit truc, Mika. Ouais. Tu peux faire un petit clash entre gros bâtard et va niquer ta mère la pute, ou c'est le truc là, si tu veux, ouais. Attends, le bâtard, je l'ai sous la main là. Le gros bâtard et... Voilà. Le gros bâtard. Et voilà. Ouais. Ah oui, le nouveau là qu'on a fait la semaine dernière. Ouais, là, ouais. Attends, il est là. C'est Faridou. Ouais. Allez, nique ta mère à la pute. Voilà. Ils sont là tous les deux. Y'a pas de soucis. Merci Nolan. Salut. Merci à toi. Allez, à bientôt. Ciao. Y'a le chéri, je peux te faire cocu qui arrive sur Fun Radio. Et puis on est au cœur de la nuit sans pub, on est tranquille. Y'a Syndicate au flow qu'on écoute maintenant. Got it to like it. Et y'a le polo contre le reste du monde dans 10 minutes sur Fun. Le son de Syndicate au flow sur Fun Radio, got it to like it. Il y aura Polo contre le reste du monde. Si vous voulez participer d'ailleurs à cette grande émission où il n'y a rien à gagner sinon vous faire accrocher au nez. La plus grande. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez mal parler à Polo, vous pouvez parler de ce que vous voulez. 01 42 48 5000, appelez maintenant le standard de Fun. Et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Surtout, n'hésitez pas. Mais avant ça, eh ben on va se faire le chéri, je peux le faire cocu. Eh ben oui, chéri, je peux te faire cocu. C'était avec Christelle qui est avec nous là. Salut Christelle. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ça écoute, va. Ça va bien, tout le monde va bien, on est tranquille, tout va bien. Surtout qu'on adore le chéri, je peux te faire cocu, donc ouais. on est toujours un peu motivé. Je me demande toujours quelle est l'insulte la plus violente que je vais me prendre en pleine gueule. C'est toujours ma grande question avant le chéri, je peux te faire cocu. Je sais jamais quelle insulte je vais me ramasser en pleine tronche. C'est toujours un grand mystère. Écoute, je sais pas, est-ce qu'il est plutôt du style vénère ton mec? Ah, il est très très jaloux. Ah, c'est bon, oui, ça. Ah, ça va gueuler. Parfait, je vais me faire insulter. Avis, il va pas être content, je pense. Ah, bah, j'imagine bien, oui. Enfin, oui, je me mets à sa place, hein, dans l'absolu. Bon, alors, on va donc l'appeler pour le chéri, je peux te faire cocu. Principe est simple, comme d'habitude, tu vas l'appeler, lui faire croire que t'as rencontré un mec bien sous ton rapport, c'est-à-dire moi, et que, ben, tu. Moi, je t'ai proposé de coucher avec toi juste un soir, et donc tu lui demandes simplement l'autorisation. D'accord ? Oui. Et comment il s'appelle ton mec ? Gauthier. Gauthier, très bien. Il a quel âge, lui ? Il a 29 ans. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait comme métier ? Il est comptable. Comptable ? Ah ouais. C'est bien, il en faut des comptables. J'ai toujours l'impression que c'est quand même le métier le plus chiant de la Terre. Ouais, ça doit pas. C'est quand même un peu relou, hein. Fais que mettre des chiffres dans des cases. Chiant, oh là là, non, mais j'ai l'impression. Après, je sais pas. Moi, j'ai du mal avec les chiffres. Hein. Avec le plan comptable. Je sais pas si vous avez connu bien ça. Bien sûr, j'ai le plan comptable, bien entendu. Quelle horreur. Sûr. Bon, est-ce qu'il a des défauts physiques ? Est-ce qu'il a des complexes ? Oui. Il commence à me perdre un petit peu ses cheveux. Il est chauve. Son petit ventre qu'il taquine un petit peu aussi. Parfait. Ah, en plus, il a pris un peu de bite, c'est magnifique. Et il est où là par rapport à toi ? Il habite dans les Vosges et moi je suis en Haute-Savoie actuellement. Ah oui, et moi j'emménage avec lui la semaine prochaine. Et tu vas chez lui ou c'est lui qui vient chez toi ? C'est moi qui vais chez lui. Ah d'accord, ok. Pour lui. Eh ben très bien, parfait. Bon, eh ben écoute, on va y aller. Il y a une GoPro Hero 3 Plus à gagner, ça vaut 300€. Si jamais, évidemment, on se marre, si jamais il s'énerve, si jamais tout ça quoi. D'accord ? D'accord, ça marche. Bon, donc, ah oui merde, putain, on est censé s'être rencontrés où ? Dans un bar sur Annemasse. Dans un bar ? Ah ben dans je serai. Dans la ville à côté de chez moi. Parfait, ben je serai DJ Mimi, Michel au platine. Très bien, on va faire ça comme ça. Donc voilà, donc c'est Michel, on y va, on l'appelle, je te souhaite bonne chance Christelle, et on appelle Gauthier, allez hop, c'est parti, DJ Mimi, c'est parfait. La star du dance floor, grave. Et on est chez moi, hein. N'oublie pas de le préciser. Okay. Bien sûr, je suis en train de m'entraîner avec mes platines. Allô ? Oui, allô mon amour ? Oui ? J'avais dit que je te rappelais dans la journée, parce que là je suis partie... Je suis partie boire un coup dans un bar avec des amis. Ça, c'est le bar que je t'avais dit, qui est un petit peu musical, là, qui est pas mal. Ouais. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un là-bas. C'est ça. Et le DJ du bar. Et en fait, j'aimerais savoir quelque chose, en fait. Fais une proposition. C'est entre nous. Voilà, il a une copine, sa copine est d'accord. Il m'a proposé de coucher avec lui. Quoi ? Juste pour un soir. Mais il t'arrête, gars, là. N'importe quoi. Ben, il est pas taré, moi après je suis ouverte à toute proposition. De quoi ? Je t'en avais déjà parlé, donc... Non, qu'est-ce qu'il dit ? Non. Oui ? Non. Qu'est-ce qu'il dit ? Ben, il est pas trop d'accord, quoi. Non, mais c'est parce qu'il faut un peu le convaincre. Il est là ? Il faut un peu le convaincre, c'est tout. Oui, je suis avec lui, je suis dans un bar. Je t'ai dit que j'étais dans un bar, je suis Non, tu sors de là, c'est bon, tu rentres. Bah qu'est-ce qu'il dit ? Non. En plus je viens de sortir le champagne là, attention. Il va faire qu'il ferme sa gueule derrière, j'entends rien, c'est bon. Mais Gauthier, ne t'énerve pas. Ne t'énerve non, pas. Si. Attends, mais passe-moi rentres. Si tu veux là. Bah comme ça tu sers les verres, comme ça tu sers. Ah non, non. Attends, mais vas-y. Sers les coupes, tiens, ben voilà, les verres sont là, et puis la bouteille est là, et puis. Vas-y, ferme ta gueule. Allô ? Oui. Bonjour, c'est Michel. Ouais. C'est qui l'appareil ? C'est Gauthier. Salut Gauthier. C'est quoi ce délire là ? C'est quoi ce que tu veux faire avec elle ? Mais laisse-la tranquille putain. Moi j'ai rien fait là. Non mais c'est... t'as rien fait, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait elle est venue dans le bar où je travaille. T'as rien fait, ferme-toi. Mais non mais elle est venue dans le bar où je travaille et donc moi du coup avec ma copine on est plutôt ouvert, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, et donc pas moi, je suis fermé moi. Mais non, t'es pas fermé, mais c'est parce que tu connais pas encore, mais laisse-moi t'expliquer. Et donc du coup moi je la vois, moi je savais pas qu'elle était pas célibataire, donc je la vois, on discute, etc. Et puis je lui dis bah on se plaît, tu vois, machin, donc tant qu'à faire autant qu'on consomme quoi, hein. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, mais Et puis elle me dit ouais mais je suis avec quelqu'un et tout. Je dis bah c'est pas grave, il saura pas. Et comme en plus elle est bien, tu vois, elle dit non mais je vais quand même le prévenir et tout. Donc voilà quoi. Donc là on est chez moi, on attend juste ton feu vert. Non Ah bah non, mais maintenant elle est venue chez moi. Repasse-moi là. Non mais attends, parce qu'elle est en train de servir le champagne. Mais bah, une petite coupette. Bah oui, mais non. Une petite coupette. Putain. Une petite coupette. Mais... Non mais alors du coup. Non mais quoi, arrête. Non mais j'ai rien fait encore. Non. Oui, non mais justement, si. Vas-y, repasse-moi là. C'est bon, stop. Non bah attends, je vais te la repasser. Attends une seconde, parce que vient d'arriver. Hé, tu peux revenir, hein. Ouais, bah, il est d'accord. C'était compliqué, mais il est d'accord. Donc. Mais juste un soir, hein, donc ça, de toute façon on voulait pas faire plus. Donc juste un seul soir, et puis on est tranquille quoi. Mais voilà, après moi je te ramène chez toi, tu fais ta vie, et puis on se revoit plus quoi. Donc voilà, mais il est d'accord. Bah tu vois, c'était pas compliqué, il fallait un peu discuter avec lui. Et puis voilà. Franchement c'est un brave gars, hein, c'est très gentil, il est très gentil, il était un peu fermé au début, et puis ça a été mieux quoi. Donc voilà. Bon, tiens, je te le repasse, tiens. Oui, mon amour. Non, en oui, tout cas, non, tu peux le remercier. Hein. Il a été vraiment cool et tout. Hein. Vraiment sympathique. Et merci pour la coupe. Non, je suis pas d'accord. Merci pour la coupe. Tu sors de là. Du coup, tu veux que je mette un peu de musique? Tu veux que je mette un peu de musique ou pas? Attends, je vais voir ce que j'ai en stock. Ça cartonne en plus dans le club. Oui, mon amour. Tu rentres, je suis pas d'accord, tu rentres. Mais il vient de me dire que t'étais d'accord. Non, il t'a raconté n'importe quoi. Je suis pas sûr qu'il était tombé là, mais dégage. Qu'est-ce qu'il dit? Dégage. Attends, je coupe la musique. Vas-y, prends tes affaires, dégage. Mais non, mais je veux pas partir, mais il me plaît. Enfin, je veux vraiment quelque chose avec lui. Non, rien du tout. Vas-y, c'est quoi? Mais non. Dis-lui que c'est que pour un soir, hein. C'est que pour un soir, mon chéri. Voilà, c'est pour un soir, et puis ça ira, hein. Non, j'en veux pas plus, j'ai déjà une meuf, t'es en train de tout gâcher, t'es en train de tout foutre en l'air, quoi. Y a pas de problème, voilà, chacun sa vie, y a pas de problème, hein. En plus là tu vas déménager, on se reverra plus, ça va être génial. Bah oui, c'est ça, bien sûr, alors moi je viens la semaine prochaine avec toi. Bah oui, je peux faire pareil, alors d'ici jusqu'à la semaine prochaine, je fais pareil partout, puis voilà quoi. Bah c'est là, tu vas au bout du couloir. Non, attends. Le couloir, c'est à droite, et puis tu trouveras. Oui, bien sûr, maintenant. Allô? Oui. Ouais, désolé, elle a dû partir aux toilettes là, c'est pour ça qu'elle était partie là-bas au fond. Hein. Donc dis-moi, tant qu'elle est partie aux toilettes, je peux te permettre de te poser une question? Non. Bon, ben merci beaucoup. Je voulais savoir en fait comme c'était, tu vois, comme c'est juste un seul soir, est-ce qu'il y a des trucs sexuellement qu'elle aime bien, qu'elle aime pas? Putain, c'est un ta gueule. Mais non. Mais non quoi? Mais non. Mais tu vas rien faire avec elle, tu la touches pas, putain. Non mais je peux m'arranger pour pas la toucher. On peut faire des trucs un peu particuliers, tu vois, genre yoga, tout ça. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Tu peux faire un petit yoga Mais n'ose même pas y penser quoi. Non mais attends, mais il y a pas de problème, c'est la nature. Je te connais pas, mais j'ai envie de te claquer une baigne. Oh, dis donc, un peu de calme quand même. En plus, regarde, j'ai tout ce qu'il faut là. J'ai la musique relaxante. Putain, mais... Tout est là. Putain, mais elle est tombée où? Parce que je suis DJ, tu vois, j'ai plein de musique, moi et toi, c'est cool, hein. Oui. Attends, tu sais ce qu'on peut faire? J'ai un truc, pendant qu'elle est aux chiottes là. Bon, je sais pas ce qu'elle fait, mais bon. On va faire un deal. Quoi? Tu vois, comme je suis DJ, moi tu t'es en train de me piquer ma... Mais attends, je suis DJ, moi j'ai plein de musique chez moi et tout. Et donc à la limite, ce que tu veux, c'est moi je suis joueur, tu vois, moi j'aime bien jouer et tout. Ah, si tu veux, on fait un petit blind test et puis si t'arrives à trouver au moins trois chansons, bah du coup je fais rien avec elle. Ouais. Bon allez, je te mets la première. Attends, je te mets la première. Rien du tout, mais non. Je te mets la première. Mais si, regarde, écoute. Attends, c'est qui chante ça? C'est lui. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais. Putain, alors, elle est où? Vas-y, passe-moi là. Elle est aux toilettes. Bah, vas-y, trouve. Mais arrête, putain. Alors, c'est qui chante? Enfin, attention, il y a 5 titres, hein, il faut en trouver au minimum 3. Tu donnes ta langue au chat ou pas? Oui, putain, mais je veux pas. Parfait, jouer, putain, bah écoute, moi je vais plutôt la donner à sa chatte. Alors, à chacun sa place. Alors, attends, si tu veux, j'en ai une deuxième. Ah, elle est facile, hein, parce que je t'aime bien. Là, attention, écoute. Le téléphone. Tu trouves ou pas? Putain. Alors? Oui, ça m'arrête. Mais putain, on joue pas là. Bah, c'est qui alors? Bah, c'est Claude François. Ah, bah voilà, bah génial, bah t'as trouvé, bah c'est pas mal. Attends. Putain, elle est où? Bah, une seconde, je vais frapper la porte un peu là. Hé hey, Christelle, hé hey. Putain, elle est tombée où? Hé, hey, ouvre la porte. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait, putain? Hé hey. Bah, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle fout? Bah pourquoi elle répond pas? Christelle! Putain, mais c'est pas. Bah, elle serait passée par les chiottes? Bah oui, tant que c'est dégueu, tant que c'est barré, c'est bien. C'est bah bien. Je comprends pas. Attends. Ronde, putain. Ah, c'est bon, parfait, attends, la finir. Putain. Attends, je te remets une chanson, on en refait une petite dernière. Attention, putain, celle-là, elle est difficile. Hein. Chansons, hein. Avec toi, je ferai n'importe quoi. Une idée ou pas? Non, mais putain, mais. Alors, Michel Delpech. Voilà, là, c'est bon. Attends, il y a encore un. Vous les femmes. Non, moi, je suis romantique. Vous les femmes. Oui, bah oui, tu parles. Nous attirer, nous. Ouais, c'est nous, là. C'est qui? Iglesias. Ah, bah oui, bah voilà, bah génial. Putain, bah, il en reste plus qu'une. Eh, hey, attention, je te mets encore un extrait. Si tu le trouves, je la baisse pas. Sinon, bah, je serai obligé de. Je suis obligé, hein, c'est le deal, hein, tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui, non. Bon, alors, attention. Rien, mais non, le suspense est à son comble. Mais non. Ah si. Attends. Mais non, mais tu fais rien avec. Attends, le suspense est à son comble. T'es prêt? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Mais c'est quoi de ce gars? Attends, je sais pas laquelle mettre, j'hésite. Ah voilà, je trouvais. Alors? J'en ai rien à foutre de ta musique, putain. Elle est où là? Ah bah non, elle est là. Hé, hey, Christelle! Oui. Ah ça y est, hein. Putain, bah, il a pas trouvé le dernier titre, alors du coup on va y aller, hein. Non. Si, on va y aller là. Mais non, rien du tout. Non mais si, on va y aller. Pas, en plus, elle m'a dit que tu perdais tes cheveux. Alors un chauve, si tu veux. Elle a envie d'autre chose. Non, mais vas-y, mais oui, mais. Putain, j'ai une espèce d'énorme chevelure. Je suis svelte, DJ en plus. Et puis alors, ça fait quoi que t'es DJ? Ça fait quoi que c'est ça? Putain. Putain, j'ai tenté quand même. Arrête. Je crois que c'est le shérif Petit Cocu le plus poli de oui. T'as vu, pas d'énervement, pas de. Mais c'est vrai. Non, je suis assez surpris, effectivement. Ouais, vraiment, là. Propre sur lui, et tout ça. Ouais, bon, certes, il a pas beaucoup de cheveux, mais. Mais quand même, pas mal. Bon, Gauthier. Oui. Bon, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Bah oui. Je suis très déçu, moi. Je m'attendais à. Juste avant le jeu, on avait dit bon, qu'est-ce que je vais me prendre comme insulte? Parce que j'en ai pris des insultes, hein. Oh là là. Ah, j'en ai pris des belles, hein. On peut avoir un florilège. Ah bah écoute, j'avais celui-là la semaine dernière qui était pas mal et encore. Hein. Toi, fils de pute, franchement, c'est quoi? Je vais pas rigoler avec toi, je te le dis. Non, mais c'est pas déconné. Bah non. C'est tout seul, je vais venir, je vais t'enculer ta race, toi. Voilà, tu vois, ça c'était la semaine dernière. Quoi, je vais appeler ta mère, tu vas voir, tu vas rigoler. Voilà, tu vois, il était en pleine forme. Ouais, je suis comme une épaule de tabi. Fils de pute. Voilà, alors que là évidemment non, c'était tout de suite beaucoup plus calme, hein. Mais bon. Mais je comprenais rien, c'est quoi ce. Mais je comprends toujours rien, mais t'es où bébé? Non bah là elle est chez elle et puis nous on est chez nous. Putain, ouais bah oui ouais mais bon. Bah voilà. Non, donc... Ça fait 5 minutes que tu me dis qu'elle est pas là quoi. Mais non mais elle était aux toilettes, enfin virtuellement parce qu'elle était toujours dans le standard, hein, dans l'absolu, hein, mais bon. Bon du coup on va vous filer. Putain. Bah voilà, on va vous filer une GoPro, la Hero 3 Plus qu'on a en stock là, on va vous envoyer ça. Et puis bah, je vous fais des merci gros bisous. Hein. Salut Gauthier, merci, salut Christelle. Je vous en prie, merci gros bisous. Salut. Bisous. Ciao. Et puis on va se faire Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Notre autre chéri, je peux te faire cocu bien sûr la semaine prochaine. Hein, si vous voulez participer, vous nous appelez. Pareil pour Polo contre le reste du monde. Si vous voulez pas participer à cette grande émission d'écoute. C'est une ça. Une émission fraîche. Intéressante, une émission fraîche. Ça ne dure que quelques minutes, donc profitez-en. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et Virginie qui dit DJ Mimi va passer ses meilleures musiques. Ah ouais, au taquet. Vladimir Poutine, mais non, mort de rire, ce gars il a accès de phrases dans la tête. Ah ouais, grave, putain, le nom là, non, au taquet. Et Fun de Fun qui dit trop fort le chéri, je peux te faire cocu. Et Jérémy Titi qui dit le putain, et non, je suis pas d'accord. Et rentre, il a que ça dans la bouche, le mec, une équipe de grands malades pour Christophe. Benjamin qui dit en plus, ah ouais, le Skrillex à l'heure, c'était le. Un mec à moitié chauve. Ah ben je sais pas, écoute, sincèrement, je t'avoue que je ne sais pas. Non, si, ouais, il a une dégaine super bizarre, hein, Skrillex. Ah ouais, en fait, il a la moitié du crâne qui est rasé, il a les cheveux qui reviennent par-dessus, enfin, c'est un peu bizarre. Ah d'accord. Bon, bah, 2h05 du mat sur Fun. Polo contre le reste du monde à suivre. Appelez-nous 01 42 48 5000 si vous voulez participer à cette grande émission. Et puis, on se fait, comme promis, le son de Gillo maintenant sur Fun Radio. On vient juste après, évidemment, pour la dernière ligne droite. Gillo, c'est First Love sur Fun. Know a little bit something good. Le son de Gillo sur Fun Radio, c'était First Love. Allez, c'est parti pour prendre le contre le reste du monde maintenant là, avec un peu de retard ce soir. Ouais, un peu de retard, mais c'est pas grave. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio. J'espère que tout le monde va bien. On commence tout de suite avec le Travelo. Le Travelo. Aloche. Aloche. Aloche, c'est pour Loche. C'est la musique qui t'a attiré, dis-moi, jeune Travelo. Aloche, c'est parce que je t'ai entendu que tu avais envie de faire les découvertes et les choses que. Le Travelo, tu viens d'où exactement? Moi, tu viens d'une caravane qui est garée un peu plus loin, là-bas. Mais tu parles quelle langue? Parce qu'on dirait, cette espèce de comique de magicien. Ah, les comiques magiciens? Non, je vois pas. Je peux parfois disparaître les vides dans mon cul, mais c'est tout. Bravo le Travelo. Patrick Oui, comment tu vas Très bien, Patrick, et toi? Je vais super bien. Bon, dis-moi, raconte-moi tout. Je suis là. Donc moi justement j'étais à la recherche de Maxou parce que ça fait longtemps quand même qu'il a disparu. Qui ça? Et il ne m'a pas prévenu. Mais tu parles de qui là? Mais tu te souviens pas de Maxou qui avait été chez Bob l'éponge et moi je suis le copain de Bob justement. Ah d'accord, ah oui c'est vrai. Et donc vas-y. Je suis à la recherche de Maxou. D'accord, bah écoute, mais Patrick t'es une étoile de mer, c'est ça? Oui c'est ça. Bon d'accord Patrick. Le Mac. Oui Polo. Oui je t'écoute. Dites-moi, j'ai eu ouï dire que vous êtes passé à la boutique. Quelle boutique? À la boutique, vous savez très bien de quoi je parle et vous êtes parti sans payer la note. Et non, alors, mais je passe pas dans les... C'est vous faire soucer, c'est très bien, mais il faut payer l'addition. Vous trompez de personne, le travail au retour. Oui, alors moi, comme je suis gentil, c'est que j'ai très envie de te faire plaisir. Ouais. Parce que j'aime beaucoup l'émission que tu fais dans la radio. D'accord. Je suis prêt à te faire découvrir les plaisirs de la travestie. Non, ça ira. Tu peux aller voir des mecs d'autres radios, ça m'intéresse pas, moi, le Travelo. Oh, ah, tu es sourd pas... Ah ouais, j'en suis sourd. Tu es sourd parce que... Je suis pas sourd. Non, je suis sûr, oui. Oui, parce que je pourrais peut-être te faire la petite fellationnèche. Voilà, bah, en fait, on dirait Garcimore. Patrick, l'étoile de mer, retour. Oui, l'étoile de merde plutôt. D'accord, je t'écoute. Fais pas de vanne, Patrick. D'accord. Ne va pas sur un terrain que tu ne connais pas. D'accord. On y va. Donc, moi je vis dans une noix de coco, donc un trou en dessous d'une noix de coco géante. D'accord. Enfin, une moitié de noix de coco. D'accord. Et mon copain Bob l'éponge dans un ananas. Et mon autre ami, Carlo le Calamar, justement, qui habite dans une statue Moai. Bah, c'est génial tout ça. Le Mac, le retour. Oui, alors vous passez payer l'addition quand? Mais vous vous trompez de personne, non, le Mac. Écoutez, je n'ai jamais... Écoutez, et quand on voit votre tête de con, on n'oublie pas. C'est vrai, mais c'est pas possible. Il va falloir payer les 50 euros. Si vous les prenez pas, si vous venez pas les payer, je viendrai les chercher. Je sais, en fait, c'est Toff. C'est demander à Toff, TOPH. Le Travelo, le retour. Oui, non, parce que je pourrais te faire découvrir la spécialité à ma choupa, les super. Non, merci. Patrick. Oui. Ouais. Bon, réveille-toi, le Mac. Bon, écoutez, on va pas y aller par quatre chemins. Si vous ne venez pas demain, ça sera... Boum, boum, boum. Bon, le Mac, conclusion, là. Eh ben, je viens de conclure, à demain. Au revoir. Patrick. Oui, non, mais il y a Sandy qui est toujours dans sa bulle. D'accord, mais Patrick. Oui. Tu te drogues un peu? Non, pas du tout. Je suis juste à la recherche de Maxou. D'accord, bah ben, l'annonce est passée. Il ressemble à quoi, Maxou? Alors justement, si je me souviens bien, il est petit, il est blond, il est pas bien grand. D'accord. Et c'est pas une éponge, c'est un humain. Très bien. Merci Patrick. À demain. Ciao, à demain. Et pour terminer, le Travelo qui veut me faire une pipe free. Il y a free mort, quoi. Alors moi je voulais dire... It's comme a free blowjob, yes. Oui, voilà, c'est gratuit. Et non, je voulais dire aussi comme le monsieur d'avant qu'on va pas y aller par quatre chemins parce que j'en ai qu'un. Hein? Hein, mais tu peux aussi me poum poum poum quand tu veux. Hein. Le Travelo? Oui. Est-ce que tu peux ne plus jamais revenir? Ah bon? Ça me fera plaisir. Oh, c'est dommage, moi je pensais qu'on avait un bon feeling. Ah non, oui, tu es tout seul à avoir un bon feeling. Le Travelo, je te dis au revoir. Bon, Allez dégage, ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui m'ont écouté, merci surtout à ceux qui ne m'écoutent pas, car grâce à vous tous les soirs, je suis numéro 1 et ça n'a pas de prix. C'est vrai. Si, c'est un petit prix quand même, mais... C'est-à-dire bah, un petit prix, c'est léger. Ouais, c'est léger, mais bon, ça a quand même malgré tout un petit prix. Bon, 2h13 sur Fun Radio. On n'est pas en avance et c'est pas très grave en absolu. Hein. On va donc maintenant se faire le top tweetos avant de se faire le générique de fin comme, comme chaque soir évidemment. Hein. Allez hop, on va y aller, on va voir qui va être dans le top tweetos. Serait-ce peut-être Megumi hein, qui appelait pas ça de la relation libre mais amitié améliorée par rapport aux relations libres qu'on écoutait tout à l'heure. Ouais. Et donc elle veut son Britney aussi. Hein. Les avantages d'une amitié et plus sans jalousie. Je vis comme ça perso. Ah oui, le fait d'avoir des fuck friends, comme on appelle ça. Pourquoi pas, c'est une idée comme une autre. Bon, quel est le numéro 5? Je ne sais pas. Pourquoi? Ça a planté. Ah bah bravo, super. Ah bah, bravo, on attend ça depuis tout à l'heure là. Tout le monde attend ça depuis tout à l'heure et bravo, là ça a planté. Bravo. Bon bah faisons le générique en attendant. Alors on fera ça après, alors c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, taf te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Le jour devant Dieu, que je te pense face à toi, je t'encule toi et toute ta famille. Allez, ça sent enculé, voilà, tout simplement. Allez, nique ta mère à la puce. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Va te faire enculer, gros con. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Va niquer ta maman la putain. Ferme ta gueule. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pites, taf te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà. Allez, une bonne de moins là. 2h15 du mat sur Fun Radio. Et est-ce que ça remarche le top tuto? Oui, c'est bon, c'est bon. Ah c'est bon. Bah voilà, parfait. Alors, quel est le numéro 5? Mystique. Numéro 4 Virginie 66. Numéro 3 le Bosniakov. Numéro 2 Alexis. Et numéro 1 Vladimir Poutine. Évidemment, qui a déjà gagné, donc il ne pourra pas gagner, bien entendu. Quel est donc le Alexis. Premier non-gagnant? C'est Alexis. Ouais, Alexis, un nouveau. C'est un nouveau, je l'avais jamais vu avant. Très bien. Eh bah, bienvenue à toi Alexis, en tout cas. Merci d'écouter Fun tous les soirs. Et tu repars avec un magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Bien entendu. Merci en tout cas à tous ceux qui ont tweeté toute la soirée. Ils étaient nombreux. Hein. Il y avait Mussolini qui était là. Il y avait Nadia également. Il y avait Mystique. Il y avait Fan de Fun, bien entendu. Il y avait la team Ben Potim. Il y avait Jérémy Love. Il y avait Devers 45. Il y avait qui également bah, Virginie 66. On avait parlé. Mister Steven. Qui avait d'autres également ce soir. Il y avait beaucoup. Attendez, parce que j'en ai plein là. Vladimir Poutine, bien sûr. Il y avait Sandra B qui était connectée également ce soir. Et tous les autres, bah, merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux comme d'habitude, de plus en plus d'ailleurs, et ça fait plaisir. Et puis bah tous vos messages, vous pourrez bien sûr continuer à les envoyer dès demain, même toute la nuit, hein, je l'ai dit de toute façon là en arrivant jusqu'à la maison, tout ça, etc. Donc pépère, demain on peut remettre le couvert à partir de 20h sur de 23h pardon sur Fun Radio. Je compte sur vous, passez le message autour de vous, on est sur Fun Radio et c'est parti maintenant avec le son Dance Floor Non Stop jusqu'à 6h. À demain tout le monde. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Ah ah. De 23h à 2h sur Fun Radio.